quelqu'un veut peut-être sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les Peck Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Et puis avec une émission comme ça, oui, jusqu'à très tard ce soir, vu qu'on est tous un peu gangsters, tyrans, un peu tout quoi. On est tous un peu un petit côté malveillant, un petit côté sombre. Ce soir, on a le droit de ne rien respecter, même pas l'heure. Waouh. Alors ça, c'est habituel par contre. Ouais, ça, ça c'est comme d'hab. Oui. Non, mais on va encore faire pire ce soir. Oula. On va chanter, il paraît. Ouais. Bah, on va rien respecter, hein, ni les chanteurs, ni c'est ça, on va rien respecter. On va remonter le temps à l'envers. Ça veut dire que la pendule fonctionne. Oula. C'est pas faux. Why c'est alors là, t'es parti loin, ouais. Waouh. Tu m'as laissé sur le côté. Ouais, alors ouais. Là, il nous a laissé sans voix, là, hein, carrément. C'est hein. Normal, c'est le gars des communications. Ouais, c'est ça. Ça t'es perdu. Resté sur le pavé, t'es encore en 68. Tiens, d'ailleurs, tiens, Thierry, tu vas nous parler quoi ? Tu vas nous parler de quoi attends ce soir ? Attends que je me rappelle. Non, mais parce que j'ai vu plein de choses par rapport au sujet. Comme d'habitude, à chaque fois, je me dis, oh là là, un sujet pareil, qu'est-ce qu'on va en faire ? Mais bon, allez, on se rassure quand on part de l'émission d'avant, de toute façon, on va trouver plein de choses. Et effectivement, on trouve allez, plein de Riri, choses. C'est ça, oui. Cherche. Donc après, faut choisir. C'est ça. Et en fait, je me suis dit, je vais commencer par chercher une définition du mot tyran, voir ce que ça sort. Et en fait, je suis tombé sur des paradoxes. Alors, je me suis dit, tiens, bah, si je m'intéresse simplement à l'étymologie et au sens du mot, et il y a des choses intéressantes à dire. Ouais. D'où ça vient, ok. Certes. Daniel, toi, tu nous as... Bon, alors d'abord, ce soir, vous allez m'appeler Daniel James. Ah. Ah, l'arrière, petit-fils de Jesse James. Ouais. D'abord. Hein. C'est qui, lui? Ah, je te le dirai tout à l'heure, hein, c'était d'accord. Mon arrière méchant. Aïeul. Méchant. Un lointain. Voilà. Un lointain souvenir. Et donc, oui, ce soir, je vais faire revivre la mémoire des bandits du Far West. Pampan. Ouais, il n'y aura pas que Jesse James d'ailleurs. Qui est... Mais Pampan, c'est pas un personnage de dessin animé, ça ? Si. Si, si. C'est d'ailleurs, un lapin dans Bambi, mais bon. Oui, c'est d'ailleurs, ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le premier chanteur qu'on a passé qui s'appelle Colt. Oui, ah, avec ouais. Une histoire oui, t'as vu, de gangster, ça tombe vraiment. Franchement, t'es dans le thème. Alors, là. Honnêtement, on l'a totalement fait exprès. Ah, oui. Évidemment. Voilà, j'ai vu Colt, je me suis dit voilà, c'est comme c'est la mal. Prochaine musique, c'est Minority 905. Ben non. Le fait. Oui, Deep non, en plus arrive. Dans l'impact Into Deep. Ouais. Ouais. Toi, Linda, l'impact. Tu vas nous faire quoi ? Tu vas nous parler de quoi ? Eh ben en fait, quand on parle gangster, on pense à quoi de suite ? À homme ? Eh bien non. Bah, méchant surtout. Il y a aussi beaucoup de femmes. Et méchantes. Ah, mais non. Ah, il y a des salopes. On parle pas. Oh, Dieu. On parle pas des méchantes. Parce que toutes les femmes sont méchantes. Non. Moi, je parle. Entre elles. Je vais morfler ce soir. J'ai ah, bah, surtout là, vu le thème, oui, bon, ça. Bref, moi, j'ai choisi les gangsters féminins les plus dangereuses. D'accord. Voilà. C'est vrai que. Petite parenthèse, mais c'est vrai que les méchants, souvent, ils sont misogynes, hein. Ouais. Clairement, mais, ouais. J'ai jamais vu de méchant, tu sais, galant ou quoi que ce soit. Ça va pas exister, avec, en mais fait. C'est pas un vrai non, méchant. Mais très souvent, mais si ça. On étudie bien, on s'aperçoit qu'il y a toujours une femme derrière le méchant. C'est vrai. Oui. Sa mère. C'est sa conseillère. Alors attends, oui, c'est sa conseillère. J'irais même, il y a toujours une femme derrière un homme. Ouais. Enfin, ouais. Ça dépend des moments de la personnellement, journée. Personnellement, je la préfère devant. Des fois, oh, c'est... ça y est. C'est qu'un détail. Ce soir, ça va j'hésite être... J'hésite à la faire. Non, en plus. Mais en fait, je comprends parce que généralement, la femme est plus petite que l'homme. Donc si elle est derrière toi, elle va pas devant. Puis. Donc c'est ça peut être compliqué. Voit tout, et toi tu vois quand même. Bon ça dépend de ta position. Oh là c'est là. Ça ouais. Voilà. Soyons sages, j'ai envie de dire. Toi t'es dit c'est ton pas quiz. Ce soir. Évidemment, tyran et gangster. Bien sûr, un quiz sur les méchants. Je veux du méchant ce soir, d'accord. Je veux être sadique. Bah de toute façon, vous avez déjà Daniel James alors. Il se le fait mieux que toi Linda. Agrugru. Agrugru. Moi j'aurais fait pan-pan, tu sais, ou je sais pas. Non, mais je crois qu'on a un chien en plus qui vient de rentrer. Ah, rentre en plan ? Non. Ah non. Ah, gros. D'accord. Bon, on arrête. C'est bon, on arrête. Bref, ce soir, c'est pas les enfoirés chanteurs, c'est les enfoirés tout court. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on est dans la vraie vie. Mais on le dit pas. D'habitude, à la radio, on le montre pas, ouais. Là, on se lâche total. Ah ouais, bon, on va faire ressortir le sale. Je vais appeler Stephen King. Aïe, aïe, aïe. C'est si sale que ça, Stephen King. Mais oui, clairement. Okay. Toi, Kevin, si t'avais des méchants que t'aimes bien et tout, à part Star Wars. Alors, moi, on va remonter un peu dans le temps. Il y a une époque que j'aimais bien, c'était les Trois Royaumes en Chine. Ouais. Et il y a un méchant que j'ai Liu toujours. Bei. Non, ça c'était un gentil ça. Oh merde. C'était un mec qui se battait pour le peuple. Donc... Alors, Liu Bei, tu dis, c'est Liu Bei ça. Non, non, non, non c'est non. Chinois. Ah d'accord. Il y a trois lettres dans les deux mots. Oui. Donc ceux qui ont joué à Dynasty Warrior vont connaître le personnage ou qui ont regardé Valkyrie Apocalypse en enfin, moi, j'ai pas joué, oui. Mais j'en ai tellement entendu parler que. Oui. Oui. C'est Lubu. Voilà. Qui était justement un des plus grands méchants de l'époque. Et... Alors... et oui, l'histoire ne dit pas, mais oui, Louboutin capitaliste. En gros, c'est un soldat qui a, on va dire, transcendé le statut d'être humain et qui était considéré comme un dieu. C'était les armées ennemies avaient ordre de fuir devant lui. Notamment. C'est sympa ça. Ouais. On va dire, c'est, bon, c'est vraiment. C'est un droit de veto. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. En lui même que temps, c'est ce que prétendent certains souverains quand ils deviennent dictateurs, que c'est Dieu qui leur a commandé ça, ouais. D'agir ainsi. Jeanne d'Arc entendait les voix. Bon, mais... Bah, je veux pas dire, mais c'est nous, Dieu nous a demandé d'animer PK Avenger, alors on le fait. Hein. Bah ouais, ouais. Dieu, et on est là, de... tous les jeudis. Tous les et des fois, c'est à contre-cœur en plus. Ouais. Ouais, on n'a pas le choix, sinon on est... On ça est viré. Ça me rappelle quand il y avait le bébé de show que Dieu, en fait, c'était le président Mitterrand qui était ouais. représenté. Ouais. Et Dieu, il est dissimulé. Ouais. C'est beau, c'est beau. Ouais. Ouais. La caricature du grand méchant, on pourra sans doute en parler ce soir, hein, de toute façon. Oui, bah oui. Mais avant ça, Linda, toi, t'as un méchant, toi, préféré ? Alors, j'ai préparé une liste que je voulais vous faire à la fin de mon sujet, mais je peux vous en citer un, si vous ouais, voulez. Vas-y. Ouais, bah ouais. Est-ce que si je vous dis Snow, ça vous parle ? Le président bon. Snow. Snowden ? Snow la neige. Alors moi j'ai juste les Snowtroopers. Non. Si je vous dis Hunger Games. Ouais. Oui. Et le président Snow, tu sais le mec. Mais oui. Et il est horrible ce mec. Bof. Bah si c'est un méchant. Ouais. C'est un méchant. Oui. C'est un de mes méchants préférés. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ouais. Enfin, ouais les méchants ils sont sympas des fois. Oui. Ah bah lui il détruit bien son peuple. C'est ça. C'est un méchant. Il prend ses gens du peuple, il en sélectionne quelques uns puis il les met dans une arène on va dire géante et voilà. Ils font allez entretuez-vous. Le gagnant il a le droit de gagner. C'est ça. De survivre. Il est vivant. Il est vivant. Ouais. Alors par contre, on peut refaire la phrase le gagnant a le droit de gagner. Ouais. Enfin, en fait, ça. Le gagnant est vivant. Parce que les perdants sont tous morts. Et on le remet dans l'arène peu de temps après c'est avec ça. Des gens encore plus forts. C'est exactement ça. Contre les autres gagnants. Voilà, on fait une compète de. Mais on aurait pu aussi le sacrifier quoi. À la fin aussi. Hein. Oui. Ouais, c'est vrai. Toi, Thierry, si t'en avais un méchant que t'aimerais bien. Alors dans les liaisons dangereuses dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, la marquise de Valmont, alors elle pour être sacrément méchante, elle l'est. Hein, et il y a un moment où il y a Valmont, comment c'est lui, c'est un marquis, oui je crois, il lui demande quel est votre mot favori, c'est cruauté. Ouais carrément. Ah ouais. C'est parce que c'est cru ouais. Et ôté. Tu vois les femmes elles doivent être méchantes encore pire que les hommes je pense. Ça me fait penser à une ancienne animatrice de PK. De toute façon on a tous Audrey peur de toi Linda. Les je suis gentille moi. Ça c'est ce qu'à dire. Quand tu dis les femmes doivent être méchantes, moi je sais que des femmes se sont confiées quand on était dans le milieu du travail où en fait il y a des femmes qui collègues qui me disaient qu'elles n'aimaient pas travailler avec un groupe de femmes. Ah, c'est ne dur. Se faisait ah ouais. pas de cadeaux. Non, mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur d'être une femme. On est mieux avec des hommes parce que c'est pas la même position en fait. Bah oui, mais voilà. C'est sûr. Bah oui. Bah on est gentils, nous. Hein, ouais. Ah, t'es dit, hein. Ça suffit. Vous hein. arrêtez sûr, le connaissant. Non, mais nous on est gentils, c'est normal, les hommes sont gentils. Surtout ici. Oui, c'est pas pareil. C'est quoi gentil ? Parce qu'on est mis sur un piédestal avec des hommes qu'entre femmes on va se bouffer le bec en fait et ça va être la guerre quoi. Ah. Voilà. Mais est-ce que c'est une bonne chose d'être mis sur un piédestal ? Ah, les gars. Bah ouais. Ouais, on sait pas. Le jour où tu redescends, oui, ça voilà, ouais. C'est peut-être pour mieux redescendre. Ça. Ouais, faut pas louper la marche. Faut mal, hein. Juste pas avoir des chevilles plus grosses qu'il faut. Prends des chaussures plus grandes que. Sinon, voilà. Toujours. C'est ça. À chaque fois qu'on me dit que j'ai les chevilles plus grosses, je dis je prends des chaussures 2-3 tailles au-dessus. Ça marche aussi. Sans problème. Toi, Daniel, si t'avais un méchant qui sortirait aussi ce soir. Ah, je suis embêté parce que j'avais pas prévu la question, alors j'avais pas prévu de réponse. Oh, je vais faire original. Ah. Oula. Ouais, je vais dire Joe Talton parce qu'il est toujours en colère, il rate toujours ce qu'il fait. Ah, mais c'est toi ça. Ouais, c'est moi. Ouais. Non, vrai, au physique, c'est plutôt à mal, mais bon. Il n'y a pas qu'au physique. Hein. On aurait pu choisir un membre de l'équipe, hein, celui qui fait les quiz à la fin qui nous rate pas. Ah. Si ça se trouve, il va se choisir lui-même. Ouais, qu'est-ce que je m'aime. Non, mais c'est surtout que tu le revendiques. Ouais, ouais. C'est vrai. La mégalomanie est un caractère de méchant, effectivement, ouais. Hein, on va pas se mentir. Le nombre de fois où je t'ai entendu dire je suis un connard, ça pourrait être le film de ta vie. Mais c'est bien, il je suis au une moins. Légende pour Will Smith et c'est je ça. Suis un connard pour Teddy. Tu rigoles là-dessus, mais il y a des gens au boulot. Ils adorent m'entendre dire ça. Ah ouais. Quand je dis putain, je suis un connard. Ils adorent cette phrase-là. Parce que t'es franc avec toi-même, ouais. C'est bien. Bah ouais, mais du coup, je veux plus la dire parce que ça demande trop. On en fera peut-être ouais. un jingle. Ouais. Oui. Peut-être. Donc toi, au final, t'es dit ton méchant, ce serait qui T'aimes bien. Je t'avoue que j'ai du mal. T'as une palette, toi, de méchants, non ouais. Bah, ouais. J'en avais une palette aussi, mais bon, s'il fallait en sortir un, ça aurait été celui que j'ai dit. Je vais mettre celui que je regarde actuellement, Dio. Ouais. D.I.O. Ça ressemble presque à Dieu. Oui. Presque. Dio, bah, les dieux de savoir. Non. Il a quasiment, il a tous les pouvoirs d'un dieu en vrai. Dans c'est Jojo's dans Bizarre Jojo Adventure. Bizarre Adventure. Ouais, voilà. Un manga, adapteur d'animé aussi. Franchement, le manga est génial. Il est terrible. C'est un truc à regarder dans sa vie au moins une fois. Dans le sens où si t'aimes pas les mangas, c'est pas grave. Tu peux aimer Jojo Bizarre Adventure parce que le gars, il a créé son propre univers tranquille. Franchement, c'est sharp graphique, c'est faut voir. Faut voir ça juste pour le visuel. Toi, tu le regardes, tu le lis pas, on est d'accord. Je le regarde, ouais. Et un truc qu'il a de particulier, ce perso. Le visuel. C'est tout Dio, ah bah, non, il a Dio. Des pouvoirs assez intéressants, puis il est complètement mégalomane. Hein, d'accord, c'est ça son côté. Lui, c'est Dieu. D'accord. Les autres, c'est des insectes. Mais cet insecte-là, il m'emmerde un peu, donc on va le buter. C'est l'histoire. Oui. Totalement ça, ouais. Jojo Bizarre Aventure, c'est l'aventure de gens qui s'appellent, avec le diminutif, Jojo. Mmh. Leur nom de famille, c'est toujours Joestar, en théorie. Ouais. Donc il y a le Jo. Et leur prénom, ça commence souvent par un Jo. D'accord. Jotaro, oui. Jonathan. Donc c'est des Jojo. D'accord. Oui, c'est voilà, c'est Jojo. Joachim. Et c'est toujours Joachim. Facile. Est-ce que l'affreux Jojo fait partie de la famille? Peut-être que l'affreux Jojo. Peut-être, à savoir. Et c'est souvent leur combat contre Dio, qui va avoir plusieurs. Jojo à affronter, ce qui sont les héros principaux. Hein. Mmh. Donc il va y avoir plusieurs, et c'est vrai que bah, il s'en sort très bien, hein, le bâtard. Hein. Oui. Il les démonte bien leur gueule. Hein. Oh, c'est... Bah, d'accord. De toute façon, c'est souvent génial. Pour qu'un méchant marque, il faut qu'il ait démonté au moins une fois la gueule à un des gentils. Bien toujours. Sûr. Le méchant doit être au paroxysme, il doit presque gagner pour mieux tomber. C'est ça. C'est souvent comme ça, hein, que ça se passe. C'est ça, ouais, c'est obligé. Alors, ça s'appelle la punition et c'est ce qui fait la tragédie. C'est ce qui fait un film, une série. C'est vrai que ça donne le suspense. Si le méchant il perd dès le début, Ça a plus d'intérêt. C'est ça, aucun ouais. intérêt, ouais. Bah oui. Clairement. À part s'il se venge. Bien sûr. Et méchamment, évidemment, il faut qu'il se venge méchamment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais dans une tragédie comme dans une comédie, il faut qu'il y ait un nœud, donc il faut que ça monte. Ouais, et ouais, puis après, soit ça se résout, et on est dans la comédie, ouais. soit il y a un drame et il y a la punition. C'est fini, ça. Hein, et c'est la chute. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a des films des fois où c'est des méchants qui gagnent oui. en fait au final. C'est rare. Ouais, mais il y a des suites, c'est ça qui est bien. Il y a des suites. Alors, pas toujours, moi j'en ai un en tête ou je on crois pas qu'il est. Il a gagné, terminé. Ouais, d'accord. Chaos avec Jason Statham à la fin où Statham joue un flic ripou et ouais. il gagne à la fin. D'accord. Et il se barre avec le Mako. Voilà. Ouais, mais ça plaît aussi, remarque, hein, pourquoi pas. Bah, puis bon, je c'est trouve peu que. Représenté. Parce que c'est vrai que. Dans le cinéma, tout le monde le voit. Et c'est vrai qu'il faut toujours une petite moralité, un petit c'est truc. Ça. Voilà. Ouais. Souvent, il y a une faire morale un truc y a un méchant, purement méchant. Faut que le gentil gagne après. C'est souvent. Quelque chose qui nous colle à la peau. Alors, je sais pas à quelle époque on a changé les choses, mais je peux vous dire que les contes d'origine, aujourd'hui, les contes qu'on raconte aux enfants, ça se termine bien. Mais les contes d'origine se terminaient très mal. Les enfants se faisaient bouffer. Enfin bon, il fallait qu'ils comprennent que si on transgressait. Il y a des contes olé olé aussi dans nos contes. Si tu prends par exemple Peter Pan au départ. Oui, c'est le moment de dire. Ouais. Disney en a fait un conte gentillet, mais en fait Peter Pan c'est une histoire monstrueuse au départ. Hein. Oh, ouais. Ouais bah ouais, non mais c'est clair. Ouais. Bah, c'est mais ça. C'est vrai que c'est pas souvent mis en avant parce que ça peut influencer hein, comme beaucoup de choses dans nos vies. C'est con hein, parce que pour la créativité effectivement ça peut être bien un film où c'est le méchant qui gagne. Voilà. Mais après ça peut créer d'autres petits problèmes. C'est ça. Bah, après Hannibal, probablement quoi. On voit le cannibale à la fin du film qui s'échappe encore une fois. Mais c'est vrai que ça laisse des traces. Ouais. dans tous les sens du terme. ouais. C'est ça. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, oui. Ah, des traces, ça dépend où, mais c'est dégueulasse généralement. Oui, souvent, oui. Oh mon dieu. Le terme j'ai trace, les images dans ma tête, moche. ça y est, tu on a. Pas mes caleçons. ouais, les traces de pneus, ouais. ouais mais les traces, c'est en Grèce qu'il y a un peuple qui avait les traces, c'est au-dessus de la Grèce, c'est antique. Et ils avaient des traces de quoi? Non, mais il y a un peuple qui s'appelait les traces, alors je voulais savoir oui, si c'était ces traces-là. Ah bon? Non. Les traces. Alors je suis pas très calé là-dessus, mais je veux bien faire des recherches entre deux émissions. Tu nous raconteras. THAR. Ce que je te propose, Thierry, à la limite, on met une musique. Tu et fais tu cherches ton nom. Voilà. On va voir Minority 905, donc Into Deep sur Indestar. Passe le niveau 2 sur Indestar le jeudi soir dès 21h. PK Avenger level 2. You win. Bah, you win, comme on disait, il n'y a pas beaucoup de méchants qui ont gagné. D'ailleurs, ce soir, qui va gagner ouais. les méchants. Ça sera certainement pas vous. Qui va gagner des gourpifs dans la gueule. Bah, après, dans le quiz, il y aura forcément un gagnant, même si bon, il a qu'un point. Oui, c'est un point sauf la si gueule. Il a décidé que non. Sauf si je décide que non, parce que là, d'habitude, je suis gentil avec vous. Il va être méchant ce soir. Alors, gentil, on n'a pas la même notion du mot gentil quand même. C'est vrai, c'est vrai. Vous ne partez que légèrement frustré. Léger. Ouais, ça dépend ce qu'on appelle léger, vu que. Ce soir, je vous défonce. Ah, oh, c'est moi, dégueulasse. Ouais. Je suis gentil, moi. J'ai l'impression non, qu'on alors, tu t'es trompé d'émission, Linda, ouais. Je crois. Je crois attends, qu'on j'ai fait un sourire pour c'est voir. C'est machiavélique ce qu'elle fait. C'est de la manipulation. Elle fait sa petite japonaise, là. Non, je suis vietnamienne, tu t'es planté. Je sais pas, j'ai pas goûté la soupe. Ça part en. Ça y est, en soupe. Ouais. Bon, on a fait nos recherches. C'est ce que j'ai dit avant la musique. On avait parlé d'un peuple et qu'est-ce que c'était alors ? Alors, déjà, se demander si ça se prononce trace ou autre chose, ça s'écrit T-H-R-A-C-E, c'est ça ? À la française, c'est trace. D'accord. Voilà. Et donc, on a trouvé que c'était un peuple des Balkans. Et en fait, on a surtout trouvé un truc trash sur les traces là. Ouais. C'est que le roi des traces, il était réputé dans le sens où il donnait à manger à ses chevaux et ben, ses hôtes. Oh, quelle voilà. Horreur, je m'y attendais pas ça. Des chevaux il nourrissait ses chevaux c'est avec ça. Ses hôtes. Bon. Magnifique. Alors, d'accord. Ça m'étonne qu'à moitié parce qu'il y a beaucoup de trucs dans la Grèce antique qui laissent des pensées. Des traces. Ouais, c'est ça, on peut le dire comme ça. Qui laissent penser qu'il donnait des humains à manger au cheval. Au chevaux, chevaux. Vraiment, chevaux, ouais. Chevaux. Mais c'est pas grave. Et, oh, hein. Non, je, sais, là, hein. Je sais, des chevaux, des chevals, ça ressemble beaucoup à des chevaux, je sais. C'est ça, c'est vrai. Ah. C'est à peu près la même race. Ça rime avec Perceval. Mais c'est vrai que dans beaucoup de choses, par exemple dans Jojo Bizarre Aventure, cheval, à un moment, ils font une course de chars. Donc romantique, hein, clairement, là on est en plein dedans. Grèce, c'est très romantique, oui. C'est très russe. Ils montent des chevaux avec des dents et qui sont capables de manger la chair. Enfin, des dents pointues, pardon. Mais on a eu un scandale avec une maladie qui s'est répandue parce qu'on nourrissait aussi des animaux avec des farines animales il n'y a pas très très longtemps. C'est vrai, alors, c'est vrai. C'était pas forcément de la farine d'humain, mais. Il y avait. Oui, donner quelque chose d'animal à des animaux qui mangent des végétaux. Enfin, ça fait bizarre. C'était, ouais, c'est ça. C'était l'histoire de l'ESB, l'encéphalite spongiforme bobine, c'est oh, ça. Oh oui, en wow. Tout cas. Ouais. T'es calé, hein. Ouais. Ouais, bah attends, pour une fois que je peux le cerveau comme une éponge. C'est vrai que quand wow. Je faisais du pain avec. Oh ah, j'attendais juste cette réaction. Bon appétit. Il y a pas de suite avec ça. Non, mais c'est vrai, tu mets ça en sandwich entre deux tranches. J'ai jamais de pain. Pensé, c'est mais ça doit être un pain bah, pas vegan. Ça, ça donne du goût du coup. Bah ouais, ouais faut, c'est ça. Faut que j'essaye à faire un pain de viande. Ouais, ouais. Sans la... c'est ça. Sans la viande visuelle, mais visuellement parlant. Non, mais... ouais, ouais. Thierry. Comme un pâté de Pâques, quoi. Tu nous parlais que tout à l'heure, t'avais fait des recherches par rapport au mot tyran. Oui, alors j'ai cherché d'où venait le mot tyran, qu'est-ce que ça pouvait désigner, est-ce que ça désignait des choses un peu particulières, est-ce que ça avait... Moi, je cherche toujours les paradoxes, j'aime bien les paradoxes. C'est marrant, les paradoxes. Docteur c'est paradoxe, ça. On va t'appeler. C'est ouais. Ça. Alors déjà, tiens, on pourrait commencer étymologiquement. Est-ce que vous connaissez des mots qui sont dérivés du mot tyran, c'est-à-dire un petit peu plus tyrannique. Long tyrannique. Oui, tyrannique. Tyran. Tyran. Tyrannosaure, pourquoi, mais... ça marche pas. Tyran, ça sonne le nom d'une chanteuse. Ouais. Ah, tu connais Ed Tyran, le chanteur? Eh oui. C'est vrai, le tyrannosaure, effectivement. Ouais. Parce que oui, c'est un tyran parmi les dinos. Ah, mais je disais ça en déconnant. Oui, mais non, alors le tyrannosaure, justement, c'est très intéressant. J'en parlais un petit peu avec Kevin juste avant de partir la dernière fois. Et donc, bah, je te laisse me dire ce que tu me disais. Tu avais décomposé. Oui, ça voulait dire, si on traduisait donc tyrannosaure, c'était roi des lézards. Ah, en ouais, traduction. Mais en fait, le roi des tyrans lézards ou le roi des voilà, lézards c'est ça. Tyrans. Oui. Bon. Zorus pour le lézard. Hein, et Rex puis... ensuite pour avoir le roi. Et en fait, voilà, c'est quoi la différence entre le tyrannosaure et le tyrannosaurus Rex? Quelle c'est différence pas la même entre les deux? Il y en a un, c'est le roi. Bah en fait, c'est le même qu'on désigne. Il y en a un, ça veut dire roi étymologiquement. Oui, parlant, bah oui parce que c'est le latin, Rex, le ah russe Rex. Je croyais que Rex, c'était le nom d'un chien, moi. Eh ben oui, et ben c'est un. C'est un sacré le chien. Le nom d'une ouais, série ouais. À l'heure de ma sieste. Et tyrannosaure. Et un tyranno, E-A-U, c'est quoi un tyranno? Bonne question. Par rapport à un tyran. Un tyranno. C'est un petit tyran. C'est un petit tyran. Ouais, c'est un peu péjoratif. Dire, oh non, mais celui-là, tu parles, il a été piqué. Genre, il a piqué la place du maire dans un petit village, quoi. C'est un attirant de petite envergure. C'est un petit joueur, quoi. Un subalterne. C'est comme un roitelet par rapport à un roi. Ah oui. C'est un truc en dessous. Un petit roi. Non, mais attends, ouais. il a pris le Vatican, là. Non. C'est pas une côte, c'est une côtelette. Mais je trouvais ça amusant d'avoir ça aussi, comme un moineau. Oui, un tyranneau. Bon. Donc la tyrannie, bon, ça, vous savez, être un tyran, pratiquer la tyrannie, être tyrannique, tyranniquement, bon, tyranniser, le verbe tyranniser, bon, bref. Mais... et tyrannicide, on a des choses en cide aussi, bon, voilà. Ouais, ah, c'est le cide de. Non, ça n'a rien à voir. Non. Ah, c'est pas celui de l'âge de glace. C'est pas triste aussi, le cide. Je pensais pas au cide de l'âge de glace. Non, pas le cidre. Ni celui-là non plus. Dans de la bonne glace, à l'âge de glace. Ça devait être bon aussi. Et alors, on les reconnaît, ces dérivés, parce qu'ils ont deux N. On double le N de tyran quand on rajoute quelque chose. Mais il n'y en a pas tant que ça. Hein, mais bon, c'était intéressant. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tyran? Vous définiriez ça comment? Quelqu'un qui a la tête de quelque chose, mais qui fait du mal. Enfin, principalement des choses assez négatives pour les autres. Mais alors, c'est une bonne définition. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi pas, Daniel. Mais pas en premier sens. Ce que tu dis, Teddy, faire du mal n'est pas. C'est pas le but, mais ça. Diriger tout le monde sans tenir compte de ce qu'il pense. C'est pas faux. Alors, ça va un dictateur. Peu dans le même sens. Ça pourrait être une. Et ça va être un petit peu la même chose. Ça va arriver après. Il me faudrait la base de la base. Un tyran, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il a fait? Il commande. Un coup d'état. Ouais, il commande, ouais. Alors, il commande. Ouais. Alors, coup d'état, ça m'intéresse un petit peu. C'est quoi un coup d'état? Bah, il prend le pouvoir par la force. Il se déclare. Alors, avec un coup d'état, c'est avec de l'armée, généralement, qu'on le fait. En fait, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir sans en avoir le droit, sans être légitime. Hein. Mmh. Donc, voilà un petit peu ce qu'il y a à la base. Mais alors, nous, aujourd'hui, quand on dit tyran, on pense péjorativement. C'est négatif. Mmh. Bah oui. Or, à la base, ça ne l'était pas forcément. On désignait celui qui avait pris le pouvoir de manière illégitime comme un tyran, mais le mot n'était ni mélioratif ni péjoratif, c'est désigné juste qu'il n'avait pas été élu, désigné, etc., et qu'il avait pris le pouvoir. Mais en fait, d'autant plus, parfois, ça n'était pas péjoratif, c'était même, je dirais, amélioratif, parce que les gens qui étaient mis au pouvoir venaient généralement d'en bas. Oui, hein. C'était ou alors, mieux quand c'était, s'ils ne venaient pas d'en bas, ils s'arrangeaient pour faire croire au peuple, à raison ou à tort ou à raison, comme vous voulez, qu'il allait représenter plutôt les faibles. Hein. Ouais. Donc vous voyez, c'est cette façon de faire, hein, se dire en fait ils disent pas je suis un démagogue, mais c'est ça un petit peu, de se faire le champion des classes inférieures en disant genre les aristos, je ne sais quelle classe supérieure qui veut rester au pouvoir et qui vous malmène, qui vous prend des impôts, etc., et qui vous donne rien, on va les virer. Donc c'est un peu celui qui veut représenter les pauvres par rapport aux riches et qui va mener justement les pauvres à se révolter. Donc si je lance, votez pour moi, je suis pas un tyran là. Les roturiers contre les nobles, si tu veux. Hein. Ça floppe. Hein. Ouais, total. Hein. Ça floppe. Ouais, je voulais. Écoute, j'aurais pas de réponse. Tu fais ce que tu veux, mais il y en a d'autres qui ont essayé. Ça fonctionne pas forcément. Et qui ont passé l'arme à gauche, je l'ai dit. Bon. Non, mais ça n'a pas marché encore jusqu'à maintenant. Non. C'est pour ça que je voulais savoir ce qu'il fallait faire pour devenir un tyran. J'écoute. Bon, et puis il y a des têtes qui sont tombées parce qu'il disait qu'il fallait couper les épis qui dépassent. Ah ouais. Moralité, faut garder la tête sur les épaules. Oui, sur les épis. Vous savez comme on casse les maïs, etc. Et couper les épis qui dépassent. Donc quand tu moissonnes le maïs, tu ramasses, tu es un tyran parce que tu coupes les têtes. C'est assez symbolique d'ailleurs. Vous dites même quand on prend la fleur de lys, je veux dire où est-ce qu'elle est par rapport au lys. Bon, elle est en haut aussi. Hein. Bon, bref. Ouais, c'est vrai. Voilà un petit peu sur quoi je voulais attirer votre attention sans forcément aller plus loin. Ouais. Sinon, vous dire que ça désigne aussi un oiseau. Il y a un oiseau qui s'appelle un tyran aussi. Ça doit pas être un oiseau bien. Tu l'as vu en image? En fait, il est hardi, il est combatif. Alors, d'accord. Il y a peut-être ça qui peut avoir peut-être donné le nom justement pour ça. C'est tout à fait possible. Il a un bec robuste et il mange beaucoup d'insectes, bon, comme beaucoup d'oiseaux. Et il y a une famille d'oiseaux, alors c'est soit le passereau, soit la famille d'oiseaux, en fait, de petite taille qui vivent en Amérique, qui s'appellent aussi des tyrans. On pourrait travailler sur le champ sémantique, c'est-à-dire si vous cherchez des synonymes. Donc là, on peut aller dans le péjoratif, dans le négatif. Vous dites de quelqu'un que c'est un tyran, c'est un dictateur. Dictateur. Connard. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si, tu dis, si tu dis dictateur, tu es dans le régime politique. Mmh. Ouais. Après, tu peux à un moment traiter quelqu'un de dictateur qui n'est pas à la tête aussi de politique. Et on peut le faire moralement. Si je dis ma belle-mère, ça marche. Nous ne connaissons en point ta belle-mère, mais nous soupçonnons effectivement. C'est vrai que les clichés qu'on fait de la belle famille. C'est ça, oui. Non, mais de se dire oui à ma belle-mère, j'ai dit oui mon adjudant, par exemple. Bon. D'où l'adjudant est un tyran. Un despote. Despote. Donc usurpateur. Ouais. S'il a piqué, vous voyez, les gens qui piquent l'identité d'eux, mais là, les gens qui piquent le pouvoir. Alors, si après, il fait, comme vous étiez dit, s'il agit mal envers son propre, etc., s'il torture, c'est un tortionnaire. Ouais. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'ai un tri-tri aussi. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est quoi? Un tyran peut être surnommé un tri-tri. Ah ouais. Voilà. Vous irez chercher si ça vous intéresse. Un oppresseur. Ouais. Ça peut être un traître parce que s'il a retourné, il pouvait venir, il était au gouvernement et puis il décide à un moment qu'il va prendre le pouvoir. Bon, d'accord. Il va renverser les choses, pourquoi pas. Un théocrate. Théocrate. C'est certainement qu'il croit en quelque chose. Il croit peut-être qu'il est un dieu parce que la théologie. C'est vrai, quoi, ça peut. L'étude de. Bon, Théo, si tu peux nous appeler au 09 70 407 306, on voudrait savoir. Voilà, on voudrait savoir si t'es crate en plus de Théo, c'est pour ça. Et s'il se met à exécuter, à tuer, à faire la guerre, il peut être sanguinaire. Ah hein. Oui, oui. Un titre pas très bien vu, ou non. Sanglant, ouais. Ou genre de truc, ouais. Un méchant, bon. Ouais, ouais, méchant, ouais. Ouais, mais ça, ça amuse personne. C'est mignon, pas marrant, limite. Même. Mais mignon, ça me fait penser en anglais quand les gens sont très méchants, ils les appellent les vilaines. Ah. Comme vilain. D'accord. Les vilaines. Ah. Ça peut être un rebelle. C'est, oui. Hein, il peut s'être révolté. Ça, c'est quand t'as été belle et après. Belle et rebelle. Ouais. Voilà. Linda dans sa jeunesse. Comment t'es méchant ce soir, ça. Non, mais c'est vous êtes cassants ce soir, les garçons. Ça peut être un bourreau. T'es dit, t'attaques à balles réelles. Oui. Et puis ça peut être un guerrier, mais guerrier, ouais, ça peut être bien et pas bien en fait. Le prend oui, ça peut être protecteur effectivement, ou comme trop de guerre, trop de croisade, trop de. Ce genre de truc. Voilà pour mes petites recherches de base. Un méchant. Voilà, sur le mot tyran. D'accord. Du coup, te définirais-tu comme un tyran dans ta classe? Bah, Thierry tyran, enfin. Ouais, ah ouais. Voilà, alors si tous les élèves de Thierry écoutent cette émission, vous c'est avez un tyran. Personne ne m'a encore surnommé tyran. J'ai entendu des petites choses, même les Anglais ont du mal à dire Thierry, machin, mais ça n'a pas fait tyran encore. Mais c'est un tyran qui s'ignore. Ah. C'est beau, c'est beau. Pas. C'est peut-être un tyran qui aime la musique aussi. Peut-être. Tu aimes la musique, Thierry? Ah, tout à fait. Tyran mélomane et pas mégalomane. Bah, après avoir écouté Nola, on ira au Far West aussi. Pan-pan. Ah oui. Pan-pan. Le jeudi soir, 21h, passez au niveau supérieur. Peak Avenger, level 2. Ouais, tu m'as surpris presque. C'était tellement. On a changé d'univers là. Ah ouais. C'est quoi? C'est les mystères de l'Ouest qu'on entend là? Non, c'est la bande originale principale de Sept Mercenaires, la première version de 1961. Non? Oui, Linda? Non, rien, non. D'accord. Je t'ai vu faire un geste étrange. Non. Il a attrapé un moucheron. Et il a fait ça avec ses doigts. Non, mais qui m'énerve. Donc c'est lui le tyran en fait. Il m'énerve depuis 30 minutes facile. Kevin, d'accord. C'est je le vois des juste moucherons. Devant moi qui arrête pas de se balader. Bah, il se baladera plus. Petit moucheron. Bah, il m'emmerdera plus. Ah oui, si tu lances un hashtag moucheron maltraité, je pense que tu vas être la seule, Linda. Non, mais j'arrête, j'avoue. C'est chiant les moucherons. Hashtag sauve ton moucheron. C'est un hashtag de merde. Hein. Du monde. Moucheron moustique, c'est la même catégorie. C'est des tyrans eux aussi. Ouais, alors façon. Et les papillons. Et les papillons, c'est pour moi. Ça, c'est une spéciale dédicace pour Teddy. C'est ça. Dans le Far West, ils nous emmerdaient déjà, les moucherons. Ah bah, tu tires dessus. Je sais pas, mais s'il y avait des Teddy, les papillons devaient les emmerder déjà. Je tirais dessus à coup de flingue. Ouais. On est mon Colt ou mon Smith et Wesson et pouf. Waouh. Wow, je l'ai sorti de celui-là. Ah ouais. Tu sais que ça me fait penser quand en entendant la musique là, j'ai pas reconnu le titre parce que je connais pas bien, mais en fait chez mes parents on écoutait très souvent parce que mon père était fan des musiques de western, donc on a des 33 tours avec plein de musique de western. Ouais. il adorait ça comme il adorait la trompette, etc. Et je me dis, oh putain, ça me rappelle quand on sortait les disques. Là, je suis en train de me voir avec la platine, tu vois. Ah, c'est les souvenirs, ouais. Là. Waouh. Ouais, donc, comme je disais, c'est la bande originale principale du film Les 7 mercenaires de 1961. Pas le remake d'il y a quelques années. Soit. Voilà. Ok. Okay. Ouais. Alors, ce soir, comme je vous ai dit, je me suis transformé en Daniel James. D'accord. Hein, arrière petit-fils des frères James, hein. D'accord. Ouais. Qui est ce fameux James machin, je ne sais plus. Ouais, alors, Jesse James, il est connu. Oui. Hein, ah bon. Alors. Oui, Jesse James. Un gangster, il n'y a pas que les tyrans, il y a les gangsters. Il apparaît même dans les BD Lucky Luke. C'est vrai. Oui, c'est comme ça que je le connais, moi, perso. Il apparaît même dans un épisode de La Petite Maison de la Prairie. Oh, oh wow. Ouais. Lucky Luke, c'est bien. Ouais, non, mais allez, c'est on, bien, va, on va le faire apparaître là. Alors ça a pas beaucoup marché. Pour les puristes, saison 4, épisode 8 de la Maison de la Pérille. Eh ben. L'épisode s'appelle Une décision difficile. D'accord. Alors la décision, je sais pas ce que c'était, mais elle devait être difficile apparemment. Ouais, peut-être. Ouais. Toute décision n'est-elle pas difficile? Ouais, c'est vrai que oui, vu comme ça, ça peut. Ouais, c'est vrai. Alors, on parle. Décide-toi. On parle des frères James, en fait, c'était un gang, le gang James Younger, qui était cousin. D'accord. Donc il y avait Frank et Jesse James. Alors on les voit quand même beaucoup aussi en, dans les films. Il y a eu énormément de films sur eux. Je vais en parler un petit peu après. Et il y avait les trois frères Younger, quatre frères Younger. M'excuser. Donc il y avait Frank et Jesse James. Jesse qui a été abattu par, on l'a appelé depuis le large Robert Ford parce qu'il l'a abattu dans le dos. Ah ouais. Pour toucher ah, une prime, je crois, sauf erreur de ma part, qui était de 10 000 $. C'est d'accord. Pas mal quand même. Surtout ouais. À l'époque. À l'époque, à l'époque ouais. C'était énorme. Hein. Ça vaut le coup. Hein. Bah, tu portais un t-shirt hein. Avec une cible dans le dos. C'est peut-être à cause de ça qu'il est mort. Il avait peut-être une cible dans savoir. Le dos. Hein. Donc, son nom de naissance est Jesse James, qui a dépendu. Ça fait penser à Tim Rocket avec dans Pokémon. Titre de film qui était vraiment un des plus aimés. Pardon, Tétis, je t'ai pas écouté. Ça me fait penser à Tim Rocket dans Pokémon, Jesse et James. Mais Tim Rocket, on s'en va parler d'autre chose. Ça se trouve, c'est lié. Ouais. C'est lié. Il y a autre chose d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure. Il y a avec deux autres gangsters du oui, Far quand West. Ils sont célèbres, on fait des échos après. Ouais. Voilà. Ouais, Jesse bah oui, c'est ça. Et James, ouais. Son vrai nom, c'était Jesse Michael Woodson James. C'est moins bien. Ah, ouais, ça fait ouais, moins bien. Ça sonne moins bien. Voilà. Alors, donc lui, il est mort. Par contre, son frère, Frank, a été capturé. Il a eu un procès et il a été acquitté. Ah ? Ouais. Ouais. D'accord. Alors, soi-disant que les jurés n'ont pas pu prouver tous ces méchants méfaits. Ah oui. Alors, en fait, a priori, si on regarde l'histoire, c'est qu'il a tellement bien négocié sa reddition qu'il ne pouvait pas être condamné. D'accord. C'est qu'on exigeait que son frère décédé vienne témoigner à la barre. Ouais, auquel cas c'est compliqué. C'est sûr. Alors, ce qui est extraordinaire quand même, parce que les gens ont quand même des destins absolument extraordinaires. Donc, alors, je vous parlais des frères Younger qui étaient quatre. Il y avait Bud, Jim, pardon. On a des snipers John. À la radio. Ah ouais, on a des snipers de moucherons. Et donc, on a. Ce sont des gangsters, des tyrans avec les moucherons. Hein. Ah ouais, non mais. Vous le voyez pas, mais on doit être au quatrième moucheron, là, le début de la. Ouais, facile. Je parie que la porte est restée ouverte, non? Bien sûr. Avec, oui. Avec ah ouais. La lumière. C'est sans doute pour ça qu'il y en a autant. C'est notre seul clim, en fait. Linda, va fermer. Et je dis là... ça quand elle appuie son micro, en ouais, fait, comme ça, elle peut pas se défendre. Non, c'est ça. Et là, il a encore agi en tyran, là, comme on a pu entendre. Bien sûr. Ouais, mais honnêtement, j'aurais fait la même à sa place. Regardez dans le patio. Il y a plein de trucs qui volent dans tous les sens. On va tous ramasser, là. C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le destin de certains... d'Amélie Poulain. Voilà, entre autres, oui. Pourquoi pas. Elle n'était pas du Far West, donc je ne vais pas non. En parler ce soir. Hein. C'est vrai. Cole Younger, par exemple, après sa carrière de gangster, est devenu prédicateur. C'est quoi un prédicateur quoi c'est, que ça c'est quoi ce truc? C'est quelqu'un qui, on va dire, prêche la bonne parole. Ah. Hein voilà. Comme toi. Oui, bah oui, c'est très bien ce un que je fais. Un témoin de Jéhovah. Voilà, ouais, c'est en ça. Gros, ouais. Ouais. Voilà. Et alors moi aussi il y a une chose, une anecdote, enfin plusieurs que j'ai relevé aussi avec Frank James après avoir été un bandit. D'ailleurs il y a beaucoup de points communs que j'ai oublié de dire. Beaucoup de bandits, de gangsters du Far West de la fin du 19e sont des anciens de la guerre de sécession. Souvent. D'accord. Alors oui, là il y a eu une période, on va voir avec beaucoup. Ce sont tous les permis. Voilà c'est ça oui, puis bon bah ils ont vécu tellement d'années dans la violence que ouais, ils n'ont pas pu s'enlever. Moi, ce que j'ai alors déjà une chose extraordinaire, Frank James est né dans le comté de Clay, dans le Missouri. Mmh. Il a vadrouillé partout dans les États-Unis. Il est revenu en mourir chez lui. Où d'accord. Il est né. D'accord. C'est beau. Ce qui est assez rare. C'est sympa, ouais, c'est beau. Pour ouais. Quelqu'un qui va mourir, ouais. C'est ça. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, après son procès, il est devenu honnête. Ah, ça ouais. existe. Ouais. Ça existe, un méchant honnête. Il est devenu, entre autres, vendeur de chaussures. Ouais. Puis concierge dans un théâtre de Saint-Louis. Ah, concierge, ouais. je ne veux pas être honnête. Hein. Ah. Pourquoi bah alors. Parce que les concierges, elles sont toujours... Parce que t'ouvres les lettres avec ton fer à repasser. Et tu les recolles après. Totalement. Ouais. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a été garde du corps du président Theodore Roosevelt. Ah, ah ouais, quand même. Ah, ça, c'est pas mal. Mais on verra encore des choses plus étonnantes après avec les... ceux qui ont été justement avec les bandits du Far West. Parce qu'il ouais. l'a tué aussi. ouais. Non. Alors bon, ils ont des attaques qui à l'époque ont rapporté 50, 60, 70 000 dollars. Hein. Ouais. Donc, ouais, donc, ce qui est énorme, à l'époque, c'était... Vu que tout à l'heure tu parlais 10 000, c'était déjà énorme. Donc ouais. 50, 60, 70 000. C'est ce qui nous impressionne dans les films quand on voit les affiches Wanted avec le chiffre là en dessous. Oui. Ouais. ouais, bah. 63 films ont été réalisés sur le gang. C'est pas mal. Oui. Dont par exemple le titre Le Brigand Bien-Aimé. Ouais. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Ouais. Là, c'était, c'était Brad Pitt qui jouait le rôle de Jesse James. Et puis, alors, plus étonnant, il y a eu Jesse James contre Frankenstein. Oh, c'est quoi ce mélange? J'en sais rien. Bon, après, un mélange. ouais. Il y a eu après bah, des chansons, dont par exemple, il y en a eu une vingtaine, dont Bonnie and Clyde, ouais. Donc qui parle de Jesse James dedans. Et même Bruce Springsteen a parlé de Jesse James. Ok. D'accord. Ouais. C'est et qui, donc. Lui Bruce Springsteen, ouais. le boss de la musique du rock. Oui, surnommé le boss, ouais, avec sa super chanson connue Born in the USA. Ouais. Hein, ah oui, Born in the USA. I was born in the USA. Je connais. Pas confondre avec Born to be alive. Quel rapport. Oui, c'est ça. De Patrick Hernandez. Hein. Exact. Et donc, la petite broquette, on en reparlera tout à l'heure, qui a été inspiré par d'autres. Je pense, ouais. Les Dalton, si je vous parle des Dalton. Ah. Lucky Luke. Ouais. Rent en plan. Rent la en couleur plan. Jaune. Jolly Jumper. Voilà. Les rayures. la cuillère pour faire le trou dans la prison. La bouffe. Le pénitencier. on a fait la totale. ouais, je crois que ouais, on a tout fait. Sauf que dans la réalité, évidemment, c'était pas ça. Ah. Lucky Luke mourait direct. Alors, si mon compte est bon, ils étaient effectivement 4. D'accord. C'est le seul rapport qu'il y aurait. Hein. Parce qu'il y en a eu plus, mais il y en a eu plus, mais il n'y en a eu que 4 apparemment gangsters. Les Dalton, c'était les James? Non, c'est un peu autre chose. C'est un autre là. Alors par exemple, il y a eu aussi un Bob et un Cole Dalton, comme Bob et Cole Younger. Mm-hmm. Ah, alors, était-ce des prénoms de gangsters? On ne sait pas. Bob, ouais, bon. on va faire une étude là-dessus, peut-être, hein, ça, c'est pas impossible. Bob, c'est alors, un surnom assez fréquent. Hein. Voilà, oui. C'est ça. Par exemple, ceux-là ont eu des diplômes universitaires. Ah ouais. C'est pas des andouilles. Hein, donc hein. Se méfier de ceux qui sont diplômés. Ouais. Ils ont été diplômés en prison, diplôme universitaire de la santé. peut-être, va savoir. Oui. Vous êtes médecin? Non, je sors de la prison de la santé. Super. alors, il y en a un qui s'appelait Frank, qui était marshal adjoint, mais lui s'est fait descendre en tant que marshal. Ah. Ouais. Bob est devenu à son tour marshal, et finalement, il devient bandit. Il a changé de bord. On verra qu'il est encore plus bizarre. C'est un ripou. Hein. Oui, oui. Il y a Emmett aussi qui a écrit un livre, Beyond the Law. Mm-hmm. Derrière la loi, si je me trompe pas, on peut le traduire comme ça. C'est ça, de ouais. Beyond, c'est oui, ce qu'il y a derrière, ce qui est, ouais, oui, ce qui est de l'autre côté en fait. Ouais, de l'autre côté de la loi, oui. Ouais. En 1918, après 14 ans passés en tôle, donc. Ah ouais. Ouais. Peut-être qu'il a. Ça fait réfléchir la prison. C'est une autobiographie, apparemment, en fait. Oui. Ouais. Alors par contre, il y en a deux qui étaient gentils, Bill et Grat, qui furent accusés d'une attaque. Mais les pauvres, ils l'avaient pas commis. C'était les gentils, mais bon, voilà, ils ont été. Ils s'appelaient Dalton et puis. C'était un peu des benets ou quoi? Non, c'est qu'eux, ils étaient honnêtes. Ah d'accord, c'est des gentils. Ouais, donc ils étaient bonnets, ouais. Mais on n'en parlera pas parce qu'on parle que des gangsters ce soir. D'accord. Évident, c'est vrai, c'est... Ouais. Faut pas déconner. Hein. Ouais, faut pas déconner. Par contre, on les voit aussi dans des jeux vidéo. Ah, ah bon? Ouais, on les aperçoit. Call of Juarez et entre autres Gunslinger et Red Dead Redemption 2. Ah bah oui, forcément, un jeu de Far West, ils sont forcément dedans. Bah oui, c'est logique après. Hein. Je sais pas, moi, les peu de fois où j'ai joué à Red Dead Redemption 2, c'était avec un ami, on s'attachait avec le lasso et on se lançait dans le lac. Waouh. C'était le seul truc qu'on faisait. Ouais, c'est pas du tout le jeu. Il y a des délires à faire. Ouais. Après, ils étaient Red Dead, en effet. Oui. Non, mais c'était comment tout ce qu'on faisait. Un jeu ouais, mais c'était drôle. Oui, mais ça fait penser, genre, comme on parlait de Counter-Strike il y a pas très longtemps, genre, tu pouvais tuer les poules, t'occuper à tuer les poules ou à faire autre chose. Ouais, mais dans certains jeux, c'est puni. Ah. Je précise quand même, petit aparté, dans The Witcher, par exemple, tuer des vaches, ça fait venir un monstre au bout d'un moment. Ah. Et je peux te dire qu'il te pète la gueule. Le concepteur du jeu, il était joueur, oui, hein, ouais, pour ouais, le coup. Ouais. C'est ça. C'est assez marrant. Hein, bon. Voilà, donc dans Red Dead Redemption, alors je sais pas si tu tues des vaches, ça fait grand chose, mais c'est vrai que t'as plein de petits trucs à faire, effectivement. Des et j'imagine que tu dois avoir des quêtes et tout ça par rapport à Jesse James. Ça serait pas incohérent. Ça serait pas incohérent bien du sûr. Tout. Si en plus tu peux apprendre un petit peu d'histoire. Mais bien sûr. C'est ça. Tu dois avoir ceux qui, tu dois avoir tous ceux qui se représentent le Far West dans notre imaginaire collectif. Ils doivent tous être là, entre guillemets. Mm-hmm. Alors, ce qui est très bien avec nous, avec les PK Avengers, vous apprenez pas les histoires, on vous les raconte. Oui. Ah. Et si on les raconte direct, en plus, on peut même les avoir en podcast. Oui, si vous les avez pas. Bien. Oui, ouais. Si vous avez pas tout compris, en effet. Il y a les podcasts qui sont là. Si vous êtes comme eux, non. Oui. Ah oui, et le podcast, on le trouve sur Indestar.fr. Je sais plus où. Spotify, etc. Vu qu'il y en a tellement que. Vous foutez de ta gueule. Oui, ça, je m'en doutais. Ils cherchent. Foutez de ta gueule.fr. Hashtag, je ça serait tellement gueule. Beau en vrai. Ça doit exister, mais en point .com à mon avis. Ouais, c'est ça. Il y a ouais. Même pas besoin comment de ça. Comment ça en point vous .com. Pouvez vous foutre de la gueule de Kevin en direct en nous appelant 09 70 400 107 306. Ouais. Attends, et celle de Teddy aussi qui ne connaît toujours pas le numéro. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Hein. J'ai relevé aussi un autre gang de frères beaucoup moins connu, le gang des frères Renault. Ah non. Mais ouais. Qui aux États-Unis était quand même connu. Jean, il en que... fait partie. D'accord. Ah peut-être. Oui. Non mais c'est comme moi, c'est un arrière. D'accord. Ouais, d'accord. C'est un descendant aussi. Français de voilà de des Américains. C'était le vieil ongle d'Amérique. D'accord. Et Renault est devenu après la marque Renault peut-être. Peut-être. Alors, j'ai pensé peut-être, au chanteur. Moi. Peut-être que la ville aussi à avoir la ville de Renault. Comme quoi, il y a eu chanteur, acteur, ah, marque ouais. De voiture, il y a tout eu. Las Vegas, ça mériterait une émission spéciale rien que sur le nom, hein, parce qu'il y a plein de choses derrière. Ouais. Est-ce que Rénovation, ça non, là, non. Là, non, non, non, bref. Revenons-en ouais. À notre gangster. Ouais, je voulais juste en parler parce qu'il y a eu des films de tournée, dont un avec Elvis Presley dans le rôle d'un des frères Renault. Donc c'est pour dire que ça a quand même une certaine importance aux États-Unis. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, ben. Là, je vais vous parler de quelqu'un que l'on voit souvent comme quelqu'un de bien, qui est Wyatt Earp. Que l'on voit comme un Wyatt Earp. Oui. Que l'on voit comme un shérif, voilà, tout bien, tout beau, tout. Ah. Je ouais. Crois. Droit dans ses bottes. Ouais. Ah, ouais. C'est son nom, Wyatt Earp. Oui. Wyatt Earp. Je me demande, mais qu'est-ce que c'est qu'un Wyatt Earp? Certes. Why. Ouais, alors, donc, tous les gangsters là, que je vous parle, en fait, ils sont, on va dire, en gros, ont couvert tout ou partie de la deuxième moitié du 19e siècle. Ouais, d'accord. Donc, quand ouais, je parlais de la situer. Guerre de sécession, pour resituer, on est complètement dedans. Hein, c'est un choix volontaire de ma part. Alors, Wyatt Earp, je disais qu'il y avait des choses encore plus bizarres. Lui, il a fait des choses beaucoup plus bizarres. Parce qu'en fait, il est devenu shérif pour couvrir ses activités illégales. Ah ouais, d'accord. C'est pas politicien ça. C'est tout à fait normal ça. C'est la routine. Oui, oui, c'est il y en a qui couvrent mal, on les rattrape. Ouais. Ouais. On enlève la couverture. Et les casseroles, elles sortent. Hein. Parce que c'était un joueur de cartes et il trichait aux cartes. Donc, comme ça, ah ouais. Il était shérif et il pouvait. Tricher tranquillement. Par c'est contre, vrai. Là, je vais vous poser une question. Ah. Oui. Il a rencontré un certain Marion Morrison. D'après vous, qui c'était? Le fondateur d'une société de flingues. De banque, non, de un banquier. Non. Non. En fait, c'est quelqu'un qui est devenu un acteur sous un autre nom. Ah. Jim Morrison. Non, ça sert Clint Eastwood. Lui. Non, non, non. Un grand spécialiste du Far West. Bruce Wayne. Comment ça, Bruce Wayne? Aucun rapport. Ouais, aucun, mais. Guillermo del Toro. Non. Non. John Wayne. Ah. Bah j'étais pas loin. J'avais Wayne. Ouais, j'avais Wayne. C'est pas la même chose. Ouais. Sauf qu'on était un peu masqué avec toi, je crois là. Ouais, je crois. Mais bon, pour faire des conneries, on peut être masqué, c'est très bien. Alors par contre, ce monsieur est bien vu quand même. Bon, il y a pas eu beaucoup de films de tournée, mais parmi ceux qui ont joué le rôle de Wyatt Earp, on retrouve Henry Fonda, Burt Lancaster, James Stewart, Kurt Russell, Kevin Costner. On retrouve même dans le Shanghai Kid, celui qui va devenir Wyatt Earp, Owen Wilson. Val Kilmer, Et il y en a un qui aimait tellement, il l'a joué deux fois. Par contre, il est moins connu, celui-là. Ah. Un certain James Garner que j'ai découvert en préparant le sujet parce que je connaissais pas ce monsieur. D'accord. Oh, bah maintenant, c'est fait. Le droit de pas connaître des messieurs. Ouais. Ouais. Et bah, on le retrouve aussi, Wyatt Earp, dans des BD, Blueberry, Lucky Luke. Mmh. Même dans le journal de Mickey, apparemment. Oh. Ah ouais. Ouais. Apparemment, ouais. À cause des oreilles. Ouais. Peut-être. Peut-être, ouais. Butch Cassidy. Oui, And the ça kids. Parle. Oui. And the Kids, oui. Ah. Alors, son vrai nom, c'était George Parker. C'est moins sans... moins probant. Ça fait, ouais, boîte, ça fait boîte de jeu, Parker. C'est ça. Ouais. Ouais. Et il a eu plusieurs noms. Il a eu plein de noms. George Cassidy, Butch, Lowell Maxwell, James Ryan. Oh, les passeports. Alors, son premier larcin, ce monsieur... il avait fait un grand trajet pour s'acheter un pantalon, mais la boutique était fermée. Ah merde. Mmh. Donc il l'a volé. Bah. Il n'y avait pas internet. Non, il n'y avait pas internet, non. Il n'avait plus commencé. C'était pas un click and collect. Donc il a. Non, c'était il a, click and collect. Il s'est servi. Ah oui, il a pété la vitrine et il allait se servir. C'était un click and collect à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Ouais, à sa manière. C'est ce qui s'est passé dans les manifestations, là. Mais... Il y en a qui ont fait des click and collect. Je te descends la vitrine et je me sers. Même dans les magasins bio. Les collect bio, ça. Ouais. Ouais. Mais il avait laissé un mot par lequel il reviendrait payer. Oh. Il est Est-ce qu'il est revenu? Oh, rouble. Bah, en vérité, on n'y a pas laissé le temps parce qu'on a été de l'arrêter. Ah. Ouais. Bon, un pantalon, putain la vache. Ouais, il avait le propriétaire, il avait dit que c'était un vol, et puis... Parce qu'apparemment, il avait laissé ses coordonnées, donc il était... Ah, c'est un bon voleur, débile, quoi. Le voleur le plus con de la planète. Ah ouais, non mais là, c'est... C'est comme les gens qui te pètent ta voiture et qui te mettent un mot sur le pare-brise, tu vois, c'est un peu le même truc. Alors oui, mais généralement, c'est parce que t'es censé être honnête et que, voilà, tu comptes le rembourser, c'est une bonne action. Là, lui, il a pas fait de bonne action parce qu'il l'a volé, le froc. Hein, vous voulez que je vous raconte une histoire de voiture que, oh là là. Qui est maintenant... périmé, enfin pas périmé. Qui... Quelqu'un t'a laissé un bout de papier, mais en fait il a pas laissé. Non, il t'a non. dit, il a marqué désolé pour faire semblant parce qu'on me regarde. Voilà, parce qu'on me regarde, je laisse un bout. Ce que j'ai fait une fois, je suis rentré dans une bagnole, il y avait du monde, j'ai vu que les gens regardaient, alors j'ai pris un papier, j'avais pris un papier crayon, j'ai laissé un mot avec un faux numéro de téléphone. Oh. C'était il y a et 40 ans. Ils ont appelé une des stars pendant 40 jours. Et tu nous racontes ça, t'as pas honte. Oh, ce gangsta. Non, j'ai pas honte, non. Ça y est. Non, il y en a eu un autre accident où on rentre dans quelqu'un et puis j'étais avec un copain, c'est on baratinait tellement et on baratinait tellement que le gars il a dit oh, après tout, il n'y a pas grand chose, puis c'est une voiture de la boîte, j'irai comment. Sans déconner. Ouais. Ah, ça c'est bon ça. Il m'a dit, je dirais qu'on va rentrer dedans sur le parking, j'ai pas envie de m'emmerder. Ouais, le mec était cool quoi. Ouais, il débauchait, il n'avait rien à foutre. C'était pas un tyran pour le coup lui. Voilà, c'est ça. Bon, c'était la parenthèse. Ouais, revenons à The Kid. Voilà, ouais. Et eh ben c'est beau. Alors il a formé avec une certaine Anne Bassett qu'on appelait Queen Anne Bassett, un peu et Bonnie and Clyde avant l'heure, un petit peu avant. Hein. Il y a eu 4 films dont avec Paul Newman. Et je parlais tout à l'heure des Pokémon. Oui. Bah après Jesse et James, il y a Butch et Cassidy. Oui. C'est un duo. Donc, c'est un autre duo effectivement de la Team Rocket. C'est un rapprochement volontaire avec le Far West. D'accord. Et du coup, Miaouz, il est où là? Bah ouais. Est-ce qu'il y a une représentation du Far West de Miaouz? Ils avaient peut-être un chat. Alors, je sais pas, peut-être que le chat était dedans. Mais oui, c'est peut-être ça, c'est tout simplement si ça se trouve. Vous en parlerez la semaine prochaine. Ah oui. L'émission des animaux. C'est vrai. Exact. Vous pouvez c'est confirmer ou infirmer. Bien sûr. Bien vu. Non, je sais pourquoi il y a Miaouz, mais justement, on en parlera la semaine prochaine. Alors, j'en ai encore deux, donc. Si je vous dis Buffalo Bill. Oui, ouais, c'est Buffalo Grill, c'est pas loin. Ouais, c'est des restos pas loin. C'est beaucoup plus Alors en fait, c'est pas celui qu'on connaît. C'en est un de la même époque qui avait le même pseudo. Ah. Donc, il y en avait deux qui avaient le même pseudo alors. Qui lui, il s'appelait tous les deux Buffalo Bill. D'accord. Alors le gentil, c'est James White Billycock dit Buffalo Bill. Et là, c'est William L. Buffalo Bill Brooks. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait de pas beau? Bah lui, en fait, c'était un homme de loi. Ouais. Qui a dû en avoir marre de juger les autres, il est devenu gangster et puis finalement il est redevenu homme de loi. Ah, c'est en fait, c'était nul en fait, on s'est pas plus en fait, doublé à être c'était une girouette. En fait, c'est mieux d'être bien en fait. Ouais. Ouais. Alors je voulais finir sur Billy the Kid. Ouais. Qui est vraiment, je pense, la légende. Oui. Ah, donc de son vrai nom, William Henry McCarthy Bonnet. Ah, c'est mieux Billy the Kid hein, pour le coup. Ouais. Ouais. Alors on manque un peu d'infos sur ses origines. Sa mère serait d'origine irlandaise. Mais on n'en est pas certain parce que celle qui était dite comme étant sa mère serait peut-être en fait sa tante. Oula, histoire de famille. Alors, de là est peut-être le nez d'histoire, il est né chez sa tante parce que sa mère n'était pas là, je ne sais pas. C'est bizarre. Étrange. Un enfant sous la tente. J'avoue quoi. Alors, son premier méfait, il s'est fait choper parce qu'il avait caché un butin dans une blanchisserie chinoise. Ah. Wow. Était-ce une blanchisserie de chez Lucky Luke? On ne sait pas. Avec. Comment il s'appelle déjà le chinois. Ah, je sais plus, j'ai pas regardé. Ah, je sais plus de plus. Ouais. Ça commence par un P, c'est tout ce que c'est. Ying, oui, je sais ping, plus. Ping. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Mmh. Alors lui, bon, je vais pas parler de sa carrière de bandit parce que on y passerait une émission, hein. Mmh. Et même si elle était courte. Comment c'est terminé? Voilà. Voilà. Je vais vous en parler après comment ça s'est terminé, hein. Ouais. Il y a quand même eu pas mal de romans, de livres, il y a eu des musiques, jeux vidéo aussi, on le retrouve aussi dans Call of Juarez, Gunslinger aussi également. On le retrouve encore dans... Partout quoi. Ouais, on le retrouve un peu partout. Il y a eu des romans biographiques dits approximatifs. Bob Dylan aussi en a parlé. Et j'ai surtout relevé un nom. Vous allez peut-être pas vous en rappeler. Il y a un album de Claire Diterzi, Requiem for Billy the Kid. Ah. Alors c'est sûr qu'on s'en rappelle pas parce que qui est cette personne, bordel de merde? Eh ben, on a reçu sa fille il y a pas très longtemps. Hein? C'est Mariotte. C'est la maman de Mariotte. Sans déconner. Ouais. Waouh. Attends. Mariotte est une descendante? Non. C'est la fille de Claire Diterzi qui a écrit un album, qui a composé pardon un album, Requiem for Billy the Kid. Ah ben voilà. Ok. D'accord. Et ben on fait des gros bisous à Mariotte. Oui. Gros bisous, évidemment. Gros voilà, bisous Mariotte. C'était justement l'occasion. Le clin d'œil. Le blanchisseur de Lucky Luke, je te passe tes regards. Ah, Ming Li Fu. Ah, il y a pas de Fing en fait. Voilà. Ming Li Fu, c'est ça. Merci Thierry. Alors, il serait mort. À certains. Pat Garrett ou Mac Garrett, pardon. Non, pas Garrett. Mac Garrett, pardon, c'est Away 5-0. C'est autre chose. Il serait mort en 1981, descendu par un certain Pat Garrett. Sauf que le corps présenté, c'était un barbu. C'était pas lui. Alors que Billy the Kid était un berbe. Ouais. D'accord. Donc il y a controverse déjà là-dessus. Ouais. À cause de ça et puis d'autres choses, il a jamais touché. Il valait que $500, il avait pas encore fait beaucoup de choses. Ah ouais? Ouais, par manque de preuves. D'après un certain nombre d'archives, le vrai Billy the Kid aurait été arrêté à deux reprises en 1882 et 83. Ah, donc il n'était pas mort, du coup. Donc il n'était pas mort. Il a simulé sa mort, on peut dire. Alors, en parlant de ça, avant que j'arrive aux autres infos, le 7 août 2021, le revolver avec lequel Pat Garrett a tué Billy the Kid a été vendu aux enchères. Un Colt 44 à Berryer. Mmh. Auriez-vous une idée de la somme à laquelle il a été vendu? Beaucoup plus cher que les $500. Ouais. On va mettre des queues au zéro, comme dit ma mère. 50 000 ou 60 000 On va le multiplier par plus de 1000, les $500. Ah ouais? Ouais. Bah ouais. Ouais. 500 000. 6 millions de dollars. Ah oui. Ouais. Sauf qu'a priori, si on regarde. C'est pas le bon. Ouais. Sauf qu'apparemment, il a jamais tué Billy the Kid. Oui, mais alors la légende en fait vaut plus que la réalité, comme souvent. Ouais, c'est ça. Je suis une légende, c'est plus intéressant. Parce que donc, moi j'ai trouvé deux choses. En 1930, un homme de Prescott en Arizona a affirmé Billy the Kid. Bon, lui, il n'y a pas trop de choses. Par contre, en 1950, quelques mois avant de mourir, un certain Brushby Bill Roberts a prétendu être Billy the Kid. Ouais. Et d'après ce que j'avais trouvé, bon, il parlait d'un certain nombre de choses. Et j'ai trouvé des photos de ce monsieur et des photos de Billy the Kid, le peu qu'on a. Mm-hmm. Et si on fait une comparaison par transparence au niveau du visage. Ça ressemble beaucoup, c'est ça? Ça ressemble énormément. D'accord. Il y a des logiciels où on peut faire évoluer. Ouais, c'est ça. Je pense que si quelqu'un a un logiciel, ça serait sympa de le faire, de faire évoluer cette photo et de voir parce que. Mais il y a des trucs comme ça les applis, juste comme ça. Hein, tu prends ta tête et tu te fais vieillir. Si ça se trouve, tu le fais pareil sur Facebook. Quand tu en as deux et qu'il te manque des photos, genre pendant 10 ans, machin, tu peux avoir à quoi ça pouvait ressembler dans les années qui te manquent. Mais ça serait bien que ça soit fait réellement professionnellement. Bien sûr. Parce qu'il y a quand même une controverse. Et moi, je dis, je me suis abusé. Déjà en regardant, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes parce que ce monsieur Robert. Donc, avait l'air de ressembler. Et j'ai trouvé des photos de lui plus jeune. Et c'est vrai que c'est quand même... Mélangé avec tes photos. Voilà. En fait, dans le logiciel, tu mets les deux photos du gars et puis tu mets une photo de Daniel. Entre-temps, t'as la chemise hawaïenne qui apparaît. Voilà, c'est ça. Mais je vous réserve une surprise d'ailleurs en fin d'émission tout à l'heure. Ah, oh, d'accord, oui. Ne dis pas tout. Non, on le dit pas, on le dira à la fin de l'émission. Non, tu veux pas faire un teasing non plus, non. Si, et vous allez écouter les Peck Avengers chanter. Est-ce que vous allez déchanter? Ouais, et vous allez déchanter en nous écoutant. Bouchez vos oreilles, les amis. Ouais. On a une histoire avec les Talton à vous chanter. D'accord. La musique sur Indestar est peut-être mieux, non? De meilleure qualité, oh, certainement. Ouais. Sans doute vrai, oui. Ouais. Elle fait patienter, en t'es tout dit cas. Oui. Je te laisse dire? Pour oh, une bâtard. Fois eh, ça s'est retourné contre toi, là. C'est Jorm avec son titre Pumped Up Kicks sur Indestar, wow. Tu vois? C'est évidemment. Comme ça qu'on fait, Kevin. Oui, bien sûr. Peck Avenger, c'est comme... Dans Donald Duck. Mais en différent. Alors, si Donald était tyran, on l'aurait pas beaucoup compris, le pauvre. Hein. Bah écoute. Non, c'est Picsou le tyran. Bah, il essaie de tirer ouais, la langue. C'est vrai surtout. Quoi, c'est plus Picsou. Ouais. Il est sympa ce nouveau jingle, c'est la première fois que je l'entends. C'est fun. Alors, il est pas nouveau. Hein. Ah ouais. Bah, faut venir plus souvent. Oui. Oh, et dis donc, toi, hein, ça suffit. Hein. Dans ta gueule. Ouais, ça c'est fait. Vous êtes méchant. Ouais. C'est quoi ça vaudrait un point, ça. Ah non, ouais, mais l'imitation était d'accord. Pas si mal. Un point pour moi aussi, alors. Ah non, alors les victimes ce soir ne sont pas récompensées. Mais c'est quoi cette chouineuse là ce soir? Mais attends, mais je viens de dedans. Comprendre la règle de ce soir. Il faut taper en balancer dans la gueule de tout le monde. Mais je suis gentil, moi, je peux pas faire ça. Non, mais c'est. Tu parlais de Picsou, mais moi ça m'en rappelle une. J'avais une collègue de travail que les clients appelaient Picsou. Ouais. Pourquoi ils piquaient les sous? Non, parce qu'ils étaient non, radins. Parce qu'elle était tellement radine, le moindre centime que devait un client, fallait que ça soit payé tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, non, mais puis ils en avaient marre parce qu'elle appelait, elle appelait, elle appelait, c'était. Donc ils l'avaient appelé Picsou. Et moi je veux mon point aussi, je petite me fais taper moi. J'ai pris mon ardoise pour compter les points de ce soir, j'ai vraiment mis un point à Thierry parce qu'il a fait. Salut. Moi je veux un point parce qu'on me vanne et que je réponds pas, je suis mignonne. Oui, mais c'est ce pas soir, le but de l'émission ce soir, faut être. Ce soir, si tu détruis des gens, c'est bon. Mais je sais pas. Ce soir, tu sors du carré. Ah, ça fait comme Teddy, par contre, c'est tu un mets con la tête et au ça carré aux un autres. C'est ça. Waouh. Deux parallèles dans ta gueule. Non, je sais plus la blague, mais. De quoi y a un truc comme ça. Ah oui, une parallèle qui dévie légèrement. Paf. Ça fait 2 secondes. Oh mon dieu, on est dans les maths, ça y est. Oui. D'accord. On va pas rester longtemps dans les maths, je crois. Non. On va aller dans un autre monde, n'est-ce pas Thierry? Ah, dans le monde industriel, dans le luxe. Le luxe à la française, hein, ça a une très bonne réputation. Luxe. On dit que les Français, ils ont créé un super univers machin. Mon cul. Je suis allé voir l'histoire d'un petit peu plus près, 17e siècle. Et donc au temps de Louis XIV avec son premier ministre Colbert. Et en fait, on nous raconte, en fait c'est une journaliste qui est géniale qui s'appelle Laurence Picot. Et en fait, elle a mis plus de 10 ans d'enquête avant de publier un livre qui s'appelle Les secrets du luxe, dans lequel elle dévoile comment on est allé faire de l'espionnage industriel chez nos voisins pour leur piquer leur savoir-faire. Ah, c'est moche. Elle a fait un reportage direct sur... Oh, c'est ah, je suis pâté, là. Ben, en fait, elle le fait. En fait, elle a écrit un bouquin et puis on en a fait un reportage qui est passé sur France 5, je pense, il y a quelques jours. Arte France 5, je crois. D'accord. Mais d'accord. Bon, c'est vrai que je regarde Arte France 5 en fait pour les documentaires, mais je crois que c'était France 5. Vous retrouverez ça sur le luxe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que en fait, au temps de Louis XIV, il aimait bien le luxe. Enfin, Versailles, vous voyez un petit peu le choses. Ouais. Aujourd'hui, on a encore la galerie. C'est pas Versailles. La galerie des glaces. Voilà. J'ai tellement pensé à ça. La galerie des glaces que tout le monde est venu admirer. Moi, j'ai une galerie des glaces, vanille, chocolat, fraises. Ouais, non, c'est pas la même. Hein. Non, ça marche pas. D'ailleurs, c'est pas la même. Pourquoi cette galerie des glaces, elle a tant plu aux autres souverains, c'est que c'était un peu la première fois où on pouvait se voir en fait de la tête aux pieds. Hein, ah ouais. Parce que avant ouais. Les miroirs, ils voulaient pas se petit. Voir. Ah, pourquoi? Parce qu'en France, on savait faire des miroirs, si je me rappelle bien, en fait, jusqu'à 90 cm, on savait faire de longueur, mais au-delà, on savait pas. Or, on savait que les Italiens savaient faire, mais les Italiens ne voulaient pas partager comment ils faisaient. Bah oui. Ils voulaient forcément garder leur savoir-faire et puis vendre aux autres. Mais les Français se sont dit qu'ils allaient arriver à savoir qu'ils allaient envoyer des espions. Hein. Hein ouais. Bah, vu que là, faut bien c'est savoir. Pour ça qu'on leur avait fait la guerre, moi, pour leur piquer leur savoir-faire. C'est fort possible. Alors non, ça, je vous dirais par rapport à un autre pays, c'est quand même fort de café, comme on dit. Mais on est d'abord allé en fait en Italie, on est allé chercher les miroitiers et en fait on les a fait miroiter, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a essayé de les convaincre de venir en France et en disant ben vous serez reconnus hein, à la cour et puis on vous donnera ce qu'il faut, etc. Et donc on a réussi à en convaincre de venir en France et de fabriquer donc des miroirs plus grands. Et c'est intéressant d'ailleurs dans le reportage, on voit un petit peu peu comment on fait pour fabriquer un miroir. Je vous dis juste comme ça, en fait, qu'on se dit, ben, un miroir, c'est plat, quoi, donc ça doit se fabriquer à plat. Mais en fait, non. On fabrique comme une bouteille, vous voyez, on souffle le verre en rond. Ouais. Et en fait, on fait des découpes. Et en refroidissant, en fait, le verre s'aplanit. S'étale. Ah ouais. Et donc, devient plat. Mais en fait, à la forme, il a une forme ovale à la base. Ah ouais. Donc, c'est assez intéressant. Et on injecte du mercure pour faire le côté qui reflète. Le teint. D'accord. Et donc, il y a une température à voir, il y a des règles, etc. Et donc, on est allé chercher donc, les Italiens, on en a convaincu de venir en France et puis de faire. Mais en fait, les miroitiers qui étaient reconnus, ils faisaient les choses, mais ils ne révélaient pas. Ils ont respecté quelque part leur serment de ne pas révéler le secret. Mais les Italiens, craignant que ce soit révélé, en fait, ils ont envoyé à leur tour des espions, je dirais, italiens, qui sont venus empoisonner un miroitier qui était reconnu en France. Quel bâtard. Voilà. Ah bah sympa. Hein, il a des jours au lendemain. Oh, on leur avait déjà piqué. Il a pu regarder dans le miroir. Quoi. On leur avait déjà piqué Léonard de Vinci. Ils se sont dit, bof, ça va. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, ça suffit, fait déjà trop. Hein. Mais en fait, pour faire cette galerie des miroirs, on a résolu le problème autrement. C'est-à-dire, comme le secret n'était pas révélé, eh bien, on a fait les fameux miroirs qu'on savait faire là de 90 cm. Je vous dis, si c'est pas ça, c'est à peu près ça. Mais en fait, pour faire des grands miroirs, qu'est-ce qu'on a fait? On les a reliés avec de la ferraille. En fait, vous faites des cadres et vous pouvez monter comme ça très très haut, hein, comme vous faites avec des laits de papier ou de je ne sais trop les quoi. Les gars, ils se sont emmerdés à envoyer des espions, à essayer de convaincre des gens, à mettre de l'argent, pour faire des miroirs. Pour se dire qu'à la fin, ils avaient juste à en empiler deux pour en faire un plus grand. C'est ça. C'est ça. Allez, ok, t'as une barre en plein milieu, mais. Et là, c'est pas que deux, hein, parce que c'est vraiment une hauteur de dingue. Hein. Mais putain quoi. C'est vraiment con. Et puis tout ça pour des miroirs quoi. Mais oui, c'est comme si tu disais tu veux faire ton salle de bain en carrelage. Le miroir c'est rayonné, puis vous savez que ce que j'allais dire à l'époque, c'était autre chose aussi. Louis XIV, le roi soleil, enfin voilà, on parlait tellement de gens qui s'appelaient Dieu, s'il y en a un qui. Mais est-ce que le roi soleil resplendissait dans les miroirs? L'histoire ne nous dit pas. Il y a plein d'histoires après sur le luxe, sur les habits en fait, où il y a toutes les conventions où genre fallait jamais s'habiller mieux que le roi, mais fallait toujours quand même s'habiller bien. Enfin, il y a eu des choses assez cocasses là-dessus. Ouais. Si vous voulez savoir des choses, notamment comment les souliers sont devenus à talons rouges, il y a quelque chose de très intéressant, je vous raconterai pas, mais qui est super intéressant. Comment du jour au lendemain les souliers de toute la cours ont eu des talons rouges. C'est vrai, la réponse dans le reportage de France 5, c'est super intéressant. Et c'est vraiment par accident. C'est Louboutin, c'est l'ancêtre. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez quelque chose comme ça d'un peu anodin, il suffit que ça plaise à la cour et que ça devienne après à la mode. Moi, ça me rappelle l'histoire du thé, comment il est arrivé à la cour du roi en Angleterre. J'en avais parlé il y a quelques temps, mais ça aussi, renseignez-vous. Par bateau. Vous verrez comment c'est arrivé et comment c'est venu à la mode alors que ça ne l'était pas et que c'est devenu après la boisson des Anglais alors que ça ne l'était pas à la base. Les Anglais autrefois buvaient du café. Mais voilà, c'est des choses que j'aime bien découvrir comme ça dans l'histoire pour abattre les clichés, hein, au lieu d'abattre les hommes. Moi, je fais du mal à personne. je fais du mal aux mensonges qu'on nous raconte, à toutes les histoires qu'on a voulu nous faire gober. Ouais. Bon, alors il y a d'autres gens qu'on est allé chercher. Ce soir, t'as le droit de faire du mal, ne l'oublie pas. Oui. On est allé, je sais pas si t'as quelque chose à dire, j'allais dans un autre pays en fait. Vas-y, je crois que tu peux voyager. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de commerces qui transitent, alors je dirais par les Pays-Bas au sens large, si vous voulez, marché de toutes sortes de choses. Et déjà à l'époque, ça marchait comme ça. Et en fait, la France se disait, merde, ça serait bien qu'on récupère un peu du magot, parce que c'est eux qui se font tout le pognon. Puis après, ben, ils nous revendent les choses, et bon, vous savez, on paye plein des taxes, etc. C'est ça. Bon, bref. Donc, bon, déjà, ils ont travaillé sur les taxes après, hein, selon les produits. Bah, ils travaillent toujours sur les taxes. Hein. Mais oui, parce que plus un produit est cher, plus les taxes, voilà, ça fait important aussi. C'est paradoxal, mais ça enrichit les riches de baisser les taxes. Mais c'est vrai qu'une taxe, aussi moindre soit-elle, sur un produit qui vaut très très cher, ça fait toujours une somme astronomique. Vous avez qu'à le voir sur l'essence. Bon. Où on met des taxes sur les taxes. Oui, d'ailleurs. Des taxes sur les taxes. Comme dans les impôts, les trucs non déductibles, déductibles. Enfin, on s'est embobiné 10 fois. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors en fait, je vais simplifier, mais en fait, on a été jusqu'à faire la guerre. en fait, et on a gagné militairement, ce qui fait que bah, une fois qu'on déclare qu'on a gagné une guerre militairement, alors il y a eu les Prussiens, tout ça, il y a plein de gens qui s'en sont mêlés, mais bah, on a gagné la guerre, et bah, on a récupéré une bonne part du marché, puis après on fait croire à tout le monde que le marché, c'était tout à fait normal qu'il passe par la France. Oui, bah, si on n'était pas allé faire la guerre et qu'on avait tout détruit chez les autres, oui, ça passerait peut-être pas, peut-être bah, pas par chez nous. Ça serait peut-être pas pareil. Et puis on a fait la même chose avec les Chinois, dis donc, on se dit aujourd'hui, retour de flamme, en fait on sait qu'aujourd'hui on est largement copié, hein, marché du luxe ou autre chose, on est copié en Chine. Mais on voulait savoir faire la porcelaine de Chine, en fait. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la porcelaine de Chine? Elle est très fine et elle est jusqu'à devenir transparente. Ah ouais. C'est assez dingue. Et en fait, j'ai une amie, j'en ai parlé par hasard à une amie qui est commerçante en bois, et elle me dit, en fait, j'ai un service que je n'utilise jamais tellement j'ai peur de le casser. C'est mais vrai. J'ai un truc de porcelaine fine où tu vois à travers, quand tu sers quelque chose c'est dedans, pas vert fluo aussi Oui, elle m'a parlé aussi de cette couleur-là. Ouais, il y a le rouge qui est très important au Japon. Ouais. La couleur rouge qui est très difficile à injecter dans le verre, mais qui donne des trucs assez dingues. Et la porcelaine de jade, je crois. Je sais plus comment ils appelaient ça. Jade, si tu nous écoutes. Non, pas celle-là. Mais oui, c'est vrai, ça fait vert fluo, en fait. C'est fluorescent, luminescent, je sais plus comment on dit. Dans la nuit, et c'est vrai que c'est très très beau parce que tu vois quasiment à travers. Mais sans phosphorescent, enfin bon, oui, ça dépend ce qu'on a mis, mais là ce qui est assez dingue, c'est d'aller jusqu'à la transparence tellement ça. Ça doit être dingue, ça doit être fragile surtout. Non, mais tu verses la soupe dedans, tu dis merde, je l'ai mis à côté, ça, c'est sur la table. Et ça a toujours coûté cher, c'est-à-dire qu'à l'époque, les aristos qui pouvaient se payer un petit peu de porcelaine, en fait, généralement, ils achetaient une tasse à café, c'était le truc de base, et ils l'exposaient. Que ça soit vu, on en a une, et après ils attendaient je sais pas combien d'années avant de pouvoir se payer la suite du truc, tellement c'était cher. Ils l'achetaient en kit. Donc on s'est dit, bah, ce qu'il faudrait, on savait faire de la porcelaine, mais c'était lourd, c'était pas transparent, enfin bon, ça, on n'arrivait pas à faire la légèreté de la Chine. Donc on est allé observer, et donc on a découvert plein de choses, on a essayé d'imiter, on n'a pas réussi. Bon, bref, après il y a les Allemands du côté de Saxe, on a réussi à faire des choses, mais en fait on n'a jamais réussi à égaler. Mais pour déjà pas mal de raisons, dont une importante, c'est que les fours pour cuire la porcelaine de Chine, 80 mètres de long, avec un dénivelé de dingue, moi, j'ai vu le reportage, c'est assez dingue, ça forme un tunnel dans lequel on peut rentrer, hein, pour voir comment est-ce que c'est fait. Et en fait, donc on faisait, alors il faut un dénivelé parce qu'en fait on fait du feu à la base, et il faut que ça monte, hein, il faut que ça monte, mais c'est une pente, enfin calculée, je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est assez dingue, et il faut qu'on monte à 1200 degrés à l'intérieur du four. Donc moi j'ai été recherché après, c'est effectivement, je crois, entre 1100 et un petit peu plus, mais ils obtenaient 1200 degrés pour cuire la porcelaine. Et puis bon, il y a plein de manipulations de dingue, et enfin ouais, ils sont minutieux, et on n'a pas réussi à égaler, mais on a espionné, hein. Ouais, on a essayé de se rapprocher, c'est comme l'art du métal, c'est comme beaucoup de choses. Moi, il y a une chose, c'est ça, il y a une chose moi qui m'épate avec le four, t'as donné la taille, 80 mètres de long. Disons, quand tu mets les morceaux de bois, la vaisselle au fond là pour la cuire, faut la récupérer, la truc, non? Non, c'est surtout que t'as pas intérêt à t'endormir, parce que t'imagines les autres, ils en mettent devant et tu te fais cuire avec la porcelaine quand ils allument le feu. Ce qui doit être assez complexe, c'est que tu dois ils doivent l'allumer, pour l'éteindre par un endroit. Pour avoir une température homogène, parce que si tu en mets tout le long, il faut que ça cuise de la même manière, et le feu doit falloir alimenter pendant un certain temps, après peut-être couvrir. Enfin, ça nous a pas montré. Ça doit pas être la même température de haut en bas, et ils doivent jouer là-dessus, en fait. En tout cas, le temps, enfin vous savez bien, imaginez, même pour chauffer des briques, quoi, il faut un certain temps, mais après ça reste chaud, mais avoir une même température constante, je sais, ça doit être un truc quand même assez dingue. Il y a plus vicieux encore avec les températures. Allez, je le place. Vas-y. Je suis boulanger. Vas-y. Du coup, j'utilise un four, hein, qui est pas aussi fort que ça, parce que 1200 degrés, ça fait beaucoup, du cramer, ouais. C'est 250, 260, moi c'est 265. Les traditions, vous imaginez un grand rectangle. Je les place selon une certaine stratégie de cuisson. C'est pas n'importe comment je les place. Souvent, faut voir que la chaleur, elle se répartit dans un four, mais jamais correctement. Ouais. Jamais. Sur les bords, par exemple. Oui, c'est comme quand vous cuisez un gros truc, au milieu, ça va toujours être moins cuit qu'à l'extérieur. Mmh. Oui, parce c'est que pareil. Tu as le côté ionisant tout le tour. C'est comme ça qu'on a amélioré le radiateur, d'ailleurs. Exactement. Donc, techniquement, où est-ce que tu places, comment ton four chauffe, ça joue en fait sur la qualité ou sur la cuisson de ton pain. C'est sans doute pareil, parce que c'est pareil pour tout de toute façon, pour le forgeage, pour la porcelaine, tout ça. Selon si tu la places en haut ou en bas, au milieu, sur le côté, elle va pas cuire de la même manière, t'obtiendras pas le même résultat. Ça doit être une certaine être stratégie un peu pareil, ouais. De cuisson plus un que peu que tes fours aujourd'hui, enfin pour pas que ça prenne trop de place, sont assez comment dire carrés ou rectangulaires. Compact, oui, sont, ouais, c'est des gros tubes. Alors ouais. qu'avant on les faisait justement avec en un rond. Bel ovale ouais. hein, pour que ça, pierre, ça parcourt, ouais. que ça soit le plus uniformisé. Ouais. Je peux te poser une question? Bien sûr. Une émission où tu parles pas de boulangerie? Ça n'existe pas. J'allais dire, alors, est-ce que tu penses que cette émission est complète? Bah, faut... Ça fait moins un point. Il faut lui foutre un pain avant que ça commence. Non, mais c'est vrai que je vois beaucoup le parallèle avec ça, parce que c'est vrai que c'est tout un art, au final, de cuire quelque chose dans un four, que ce soit porcelaine, que ce soit pour n'importe faire fondre quoi, du métal. Ouais. Ouais. Il y a des alors, trucs on de dingue. On en a parlé, vous vous rappelez, sabre épée, oui. au tout début de l'année. La oui. gestion du feu. Oui. Même pas que la gestion. Tu dois mettre aussi du verre dedans, tu mets plein d'autres oui. éléments, du sable, tout mais... ça pour que ça fasse un acier... Et, et la gestion des feux tricolores, je vous dis pas. Ouais, ça, c'est le pire. À Paris, on dit surtout si on a une confusion entre le bleu et le vert, rappelez-vous la semaine dernière. C'est vrai. Mais du coup, manier ce four, j'imagine qu'ils ont une autre entrée pour accéder au foyer. Il vaut mieux, feu, ouais. Bah, ouais. Pour ouais. recharger. Autrement, ce serait trop compliqué, je pense. Ouais. Et puis pour retirer la porcelaine, bah, forcément, tu dois éteindre le four au bout d'un moment. Ouais, il faut pas c'est rentrer mieux. Dans le four bouillant, quoi. Bah, mieux, tu peux pas. Hein. Déjà, 250, je pense pas que j'y arrive. Enfin, si, je mets mon bras en vrai. Mais 1002. Non. Non. Ouais, non, je tenterai pas. Hein. Je... Bah, et puis pendant, je laisse ma place. Pendant combien de temps il faut que ce soit à cette température? Bien sûr, c'est ça. Combien de temps ça doit cuire une porcelaine? Comment ça doit refroidir? Parce que si c'est refroidi brusquement, enfin, vous connaissez les chocs thermiques. N'est-ce ouais. pas ouais, ouais. Et on a entendu une histoire il n'y a pas très très longtemps avec une vitre. N'est-ce pas Teddy? Il s'en rappelle. Ouais. Je vous ai dit, j'ai une très bonne mémoire sur tout ça. Je me rappelle pas, tu peux la raconter. Bah, il était même venu il y a quelques mois de ça, mais avec des traces de brûlure. Hein. Bah, elles sont toujours là. Hein. Si, je me rappelle. Hein. Voilà. Ça a presque disparu si vous regardez sur mon bras. Et il nous montre fièrement son bras. J'avais une petite brûlure, vous savez, dans le creux du coude. Là où on fait le bras d'honneur. Et ben, c'est à peu près ça. Et ben, elle a presque disparu. On voit une petite tache. Petite tache. Bon, alors, malheureusement, pour nous, il n'y a que la brûlure qui a presque disparu parce que Teddy il est toujours là. Hein. Et, ouais, et lui il restera là, tâche. Je crois. Ouais, et lui, c'est la tache. Ouais. C'est moins cher qu'un tatouage. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, je mérite un point là. Je donnerais 13 sur 20. Ça mérite un point. Oh. Moi je trouve que ça essaye un peu de tirer un point. C'est la première fois, faut qu'on fasse un deuxième ou un troisième. Je vais demander à l'avis de quelqu'un de neutre. On a un invité qui s'est vraiment incrusté, hein, clairement. Thomas, bonsoir Thomas, tu n'as pas de micro, ce n'est pas grave. Thomas, on tu penses fout. Que Linda a mérite un point? Moi je rajoute un point, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie, t'es mauvais. Mais attends, tu connais le thème de ce soir? C'est méchant, gangster et tyran. C'est ça. Il faut rajouter un point. Attention. Ah, alors moi aussi, je réclame un point parce que j'ai dit on n'a pas de chance. C'est la tâche seulement qui disparaît et pas Teddy. Non, ouais, ça m'a pas marqué. Moi, je Teddy, pense que Thomas, il va falloir que tu sortes. Il va falloir que tu sortes, Thomas. Pas la première fois. Oui, sors rapidement, non, Thomas. Mais, tu sais, Daniel, les mauvaises herbes, on s'en débarrasse pas comme ça. Et allez. Teddy, non, mais c'est même plus une mauvaise herbe à ce niveau-là. Je suis dedans. Je ne me... non. Oui. je ne dirai rien. Je te laisse te débrouiller. T'as raison, ferme-la. Oui. C'est pas si mal quand tu la fermes des fois. Ouais, enfin. Ah oui, autrement oui, tu peux la fermer en musique, oui. Non, moi je dirai rien, c'est toi d'accord. qui te démerdes. Alors avec Stone Mountain, Orchestra. T'as vu, c'est pas si mal aussi quand je vais. Sacrifice. Ouais, c'est la reprise de qui? Hein? Hein? De Elton John. Ah merde, c'est vrai. Et c'est sur Indestar. Daniel, le plus exotique des animateurs de PK Avenger, jusqu'à 23h sur Indestar. C'est le seul à porter des chemises hawaïennes à temps plein. Alors par contre, pour expliquer, vu que Daniel se l'a pété un peu, ça va, c'est pas parce que t'as ton jingle que tu peux te la péter quand même. Bah pour une fois que je l'ai, ça fait des semaines que je l'ai pas entendu alors. Ouais, mais c'est pas une raison. C'est pas pour ça pour que tu peux te la péter. Pour une fois qu'il pète en plein direct. Daniel Powers. Ça y est. Donc là, bah, on a abordé bon, le Far West, l'espionnage, tout ça, mais il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Linda, tu nous en parleras, c'est les femmes. Les femmes dans ce milieu. Teddy, je peux te demander une petite faveur? Oh, tout ce que tu veux. Je pense que tu ne m'as pas mis mon joli bête que j'avais préparé. Parce que tu ne l'as pas demandé. Mais ça. Il t'a mis ton point déjà. Mis... Non, mais je pensais que oui. t'étais professionnel. Pas du tout, en fait. Mais non, mais, non, mais je savais pas que c'était un bête, en fait. Mais c'est un nul. T'es dit professionnel. Je viens de le tacler, même pas, ça a marché. Non, là, non mais de toute façon... De toute façon, on y laisse les boutons parce que ça l'amuse. Écoutez comme c'est joli. Faire. Et dites-moi si vous reconnaissez. C'est un remix, hein. Ah, le parrain. Le parrain, voilà, ouais. Le parrain. J'ai un point. Ça tombe bien, tu participes pas au quiz. Ouais. Du coup, toi, t'en mets un point. Non, mais c'est parce que t'es nul, c'est tout. C'est le parrain. Du coup, ce soir, moi, j'ai décidé de vous parler des femmes dans ce milieu parce que, évidemment, je défends les femmes. Le parrain. Je suis une femme. Ouais, bah on a vu, hein. Il paraît. Il paraît. Pas sûr. Et donc souvent on fait référence à un homme en costume noir. Eh bien, pas du tout. Une femme en costume noir. Il semblerait que les choses aient enfin changé. Des femmes sont maintenant à la tête de puissants réseaux, de gangsters, de. Voilà, de. Moi j'ai plein de choses. Je vais vous en citer quelques-uns et quelques-unes d'ailleurs. Et c'est des faits réels, hein. C'est pas des. C'est des vraies femmes qui ont existé. C'est des vraies qui femmes sont des vrais qui ont méchants. Agru-gru. Il y en a, excuse-moi, il y en a, d'après éventuellement ce que tu sais, qui auraient inspiré des films ou. Éventuellement. Ouais. Je n'ai pas eu cette doute. Info-là, mais t'as certainement. Pas le temps de chercher. Non, j'ai d'accord. pas cherché dans ce sens, mais d'accord. effectivement, ça fort probable. Bah, t'es pas une pro. Je ne réponds pas. La bave n'atteint pas la colombe. De la blanche colombe. Voilà. Mais si, si, il faut que ça l'atteigne pour mais mieux plus, répliquer. Là. T'as raté le truc en plus. Ouais, c'est le corps, c'est non, mais... le crapaud qui ne m'atteint pas. Non, mais c'est la vieillesse. Non, c'est bref, la bave du crapaud qui n'atteint la pas. Réparti, vivement encouragé. Ouais. C'est bon. Donc, je vais vous parler de la première qui s'appelle Claudia Ochoa. Et tu vas rigoler parce qu'elle s'appelle Claudia Ochoa Félix. Voilà, c'est peut-être quelqu'un de ta famille qui sait. C'est la famille. Oui. Et ben rigole pas, elle est originaire du Mexique. Alors, et elle, c'est une spécialiste du crime organisé en fait. Pourquoi je rigolerais pas? Je fais pas ça moi. Le truc qui est, assez, ah, si, en fait. Qui est assez étrange, c'est quand même qu'elle est en mode bimbo. C'est une bimbo à la base. Ah, mais donc une jolie femme quand même. Ouais. Qu'elle est maman de 3 enfants et qu'elle n'a que 28 ans. Et qu'elle est surnommée la Kardashian du crime organisé. La Kardashian. Tu peux pas être criminelle de haute envergure en t'appelant Kardashian. Ça doit être du c'est crime compliqué. Désorganisé, à mon avis. Ouais, je pense aussi. On est méchants. Alors, elle a pris en fait la succession de son mari début 2014 pour diriger un gang d'assassins. Et c'est une femme qui n'hésite pas à se prendre en photo, en selfie, avec des armes chromées ou roses, parce qu'elle a sa petite collection personnelle. Guns and Roses ? Ah non. Non, en gros, c'est ça, oui. Ouais. La seconde s'appelle Pupeta Maresca. Et oh. elle est à l'origine de nombreux assassinats. Et elle est d'origine d'Italie. Italienne, donc. Ah ouais. Voilà. Ah, oui. Un canon comme ça. Alors, figurez-vous qu'elle était enceinte de 8 mois et à peine âgée de 16 ans. Et à ce moment-là, elle a déjà abattu un homme avec 16 balles en plein Naples. Et pourquoi donc ? Ouais, c'est vrai, 16 balles, ça fait beaucoup quand même. Pour le fun. Pourquoi ? Parce qu'il voulait la quitter. Il voulait y piquer sa pizza. Et non, elle a tué l'homme qui a fait mettre son mari en prison, en fait. Voilà, pour se venger. Oh, bah c'est logique. C'est ça. La vengeance, ouais. Voilà. C'est la vendette. Ouais, et en fait, du coup, elle a succédé à son mari à la tête d'un clan mafieux. Et elle a été accusée d'avoir commandité de nombreux assassinats. Voilà, c'est... Ouais. C'est quand même pour des. C'est des femmes, quoi. Elles envoient les nénettes, hein. Ouais, ouais. Mais c'est pas déconnant. Je connais, si je peux me permettre, pour intervenir dans ton sujet, j'ai regardé un truc sur la Russie. Alors, rien à voir avec la guerre cette fois-ci, hein, pour une fois. Mais vous connaissez le KGB ? Oui. Sans doute très célèbre en URSS de base, censé être dissoute. C'est des hommes cachés, enfin discrets. Et... Bah, c'est les services secrets. C'est pas forcément des hommes. C'est pas forcément des hommes. C'est un peu les services secrets, effectivement. Et ben, c'est pas forcément des hommes. Ils avaient un corps exclusivement de femmes. Ouais. Non, pas exclusivement. Ils avaient quelques hommes aussi. Ouais. Mais c'était plus souvent des femmes qui s'appelaient les hirondelles. Oh, joli. Ouais, c'est moins joli. Quand leur but, c'était de s'introduire dans tous les pays. Bah, leur mission souvent donc France, États-Unis et tout ça, et de chercher des infos, de draguer des hommes influents. Ouais. Ah bah oui, ça. Forcément les femmes. Et au besoin, quick, les aiguiller. Ah, oh. Pensez à la place des femmes dans les James Bond. Il y a dans tous les James Bond, il y a toujours une femme bimbo. Ouais, jolie. Sa supérieure déjà. Même regarde, innocente, les poches pleines d'armes. Même regarde Black Widow dans Marvel. Bien sûr. Russe, oui. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une notion comme ça lors de son flashback. Donc flashback oui. où ils expliquent oui. son passé et tout ça. Ah oui, oui, mais clairement. Dans le même genre, t'as aussi les services secrets israéliens qui ont eu vraiment une unité de femmes qui, elles, carrément, sont des tueuses, par contre. Oui. Ah, c'est pas d'accord. Les abeilles tueuses. C'est ça. Alors j'en ai encore une, elle s'appelle Anna Gristina et elle est responsable d'un réseau de prostitution de mineurs. Et ça se passe à New York. En 2012, l'arrestation d'Anna Gristina a fait la une des journaux à travers le monde lorsqu'une enquête révèle qu'elle était leader du réseau de prostitution internationale pour personnes fortunées. Voilà. On en, disait, on en parlait tout à l'heure. En général, les hauts placés, ils s'amusent bien. Ouais. Et donc, elle avait un service de rencontre tout à fait normal qui s'est transformé en quelque chose d'un petit peu plus olé-olé. Et donc, elle était carrément proxénète et elle avait des clients policiers, puissants, des chefs. Du gratin. Des politiciens, des avocats, des hommes d'affaires, des banquiers. Et voilà, et donc, elle a fourni des mineurs à ces messieurs pour qu'ils s'amusent, tout simplement. C'est pas très sympa, hein. Non. Alors j'en ai encore. C'est pas très friendly tout j'en ça. J'en ai encore deux. Donc j'ai Maria Leon. Est-ce que ça vous parle? Ça, c'est un nom un petit peu qui. Maria, je oui. Je connais la Seattle Leon, non. Mais. Et puis Sergio Leon. Enfin Leon, c'est un nom répandu. C'est ça. C'est ouais. ça. Et en fait, c'est une personne qui gérait des réseaux criminels carrément à Los Angeles. Elle est un cas unique dans les gangsters parce que c'est une mère de 13 enfants. Elle a déjà été. Ouais, mais c'est la famille. Ouais. Voilà, 13 enfants. C'est la famille. Ouais. Mais elle est quand même à côté de ça, à la tête d'un réseau criminel. Je sais pas comment elle fait, faut m'expliquer. Ah bah, elle utilise ses gosses. Encore en plus de ça, en plus, elle trafique la drogue, et puis les humains, et puis elle fait. Les Kinder aussi. Ouais, peut-être, mais. Alors, et ça, voilà. C'est peut-être les gosses mais qui gèrent. C'est vrai qu'on rigole beaucoup là avec la famille, mais c'est vrai qu'en Italie, souvent les mafieux et tout ça, ils restent proches de leur famille parce que c'est souvent soit eux qui peuvent te trahir, soit ils sont souvent dans le coup avec toi. C'est dirigé souvent par des familles en fait, entre guillemets. C'est souvent, hein, des fois non, mais bon. Et du coup, vous avez entendu son nom, Maria Leon, ça a une sonorité un petit peu mexicaine, donc elle est liée à la mafia mexicaine. Et elle est devenue en quelques années l'un des gangsters les plus craints de Los Angeles. Et aujourd'hui, elle est en prison, actuellement. Je vais vous parler de Rafaela D'Altero, dit le gros chaton. Je veux même pas savoir pourquoi. Si, je veux savoir en fait. En fait, elle est responsable et elle gère la mafia napolitaine en Italie, donc. Ouais. Et on la surnomme le The Big Kitten. Voilà. Le chat. Pourquoi allemand? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'elle dirige la Camorra à Naples. Oui. Et après l'assassinat de son mari, Nicolas Pianès, elle l'a pris en fait en charge, la Camorra. Et alors la Camorra, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez? Ah, il y en a Camorra. Non. Oh mon Dieu. C'est une recette de pâtes. Tout est lié. La mafia napolitaine. Exactement. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la mafia sicilienne. Mmh. Il faut faire la différence. Qui se situe à Naples ou en Campanie. Voilà, donc c'est une organisation mafieuse italienne qui se caractérise par ses origines urbaines et il y a une absence de hiérarchie globale en fait. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Voilà. C'est-à-dire que les chefs sont des chefs. C'est ça. C'est plus un gang au final, ouais, entre guillemets. C'est ça. Ouais. Alors, les gars, moi je sais pas vous, mais je crois que je vais me méfier de Linda maintenant. Non, moi, mais de toute façon, il faut toujours se méfier de Linda. Non, alors je dirais même il faut se méfier des femmes. Ouais. Bah, c'est la seule femme de l'émission, donc faut s'en méfier encore. Voilà. Alors, en tout cas, Rafaela, elle a été arrêtée en 2012 avec 65 autres suspects. Je m'en méfie, hein. Voilà. Oui, c'est ça, dégage. Et alors, la petite anecdote, c'est que la police avait saisi tous ces véhicules qu'elle avait entreposés. Elle en avait beaucoup. Et ils étaient à peu près estimés à 10 millions de dollars, quand même. Hein. Et il faut savoir que les revenus qui sont générés par la Camorra sont à peu près de 200 milliards de dollars par an. Soit approximativement 188 milliards d'euros par an. Voilà, c'est ce que génère la Camorra. Ce que génère, pas les revenus. Ce que génère, d'accord. Ouais. Le chiffre d'affaires, en le chiffre d'affaires, c'est ça. D'accord. C'est pas mal, hein, quand même. C'est une entreprise. Ouais. C'est ça. Et pour terminer. Ils tiennent leur compte, hein. Bah, il faut, c'est une entreprise, hein. C'est ça, ouais. Et pour terminer, comme j'étais un petit peu en dehors, on va dire, de la pop culture, je vous ai fait ma liste préférée des méchants. Ah. Alors, si je vous dis le duo Joker et Harley Quinn dans Suicide Squad. Oula, alors oui, mais... oui. J'ai adoré quand ils se sont jetés dans le baril de liquide un petit peu étrange. Tous les deux qui se sont dit qu'ils s'aimaient, tout ça. Il y a eu un passage comme ça. C'est un souvenir que j'ai. Alors, dans mon souvenir, elle ne se jette pas à deux. C'est d'abord lui qui la pousse ou elle qui saute d'abord. Ouais, mais c'est Joker en même temps. Attends. Oui, c'est ça. Et au final, il va tomber amoureux à ce moment-là parce que ouais, bon bah, elle est vraiment prête à tout. Hein. Ouais, bah, elle l'aime. Ouais, voilà. Mais donc, c'est un amour. Voilà, c'est des méchants, mais ils sont. C'est beau quand même. Après, je vais vous citer Scar dans Le Roi Lion. Il est tellement méchant, Scar. C'est pas une femme. Non, mais non. C'est mes méchants préférés. C'est ça. Des couilles, lui, on est d'accord. Voilà. Je vous cite aussi Go Fast dans Scream. Qu'est-ce que j'ai pu me faire pipi dans la culotte avec ça, il moi. Il s'appelle Go Fast. Ouais. Ah bon. Si je vous dis Sadako. Sac à souris. Sadako. Je connais pas. Ring. Je connais Sac à dos. Mais... Ah oui. Vous savez la fille qui a les cheveux longs qui sort de la télé. Oui. Ça aussi, pipi dans la culotte. Hein. The Ring, oui. Si je vous dis la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. Certes, la seule reine qui n'a pas de cœur, qui s'appelle la reine de cœur, mais elle n'en a pas. Et qui est méchante comme tout. Ouais. Et si je vous dis Ursula. Oui, de la petite sirène. Ouais, qui veut piquer la voix de la gentille petite sirène. Oh la salope. Qui chante pas si bien que ça. Voilà, voilà. Et le dernier pour vous faire rire, parce qu'il vous faut toujours rire. Il y en a un qui me fait très peur. Et il joue dans Les Dents de la Mer. C'est le requin. C'est un méchant. Méchant le requin. On en a fait un méchant malheureusement. Je suis pas d'accord avec ça. Hein. Alors c'est marrant, j'en ai parlé à la maison, il a réagi de la même manière. Il m'a dit ce n'est pas un méchant parce les que requins, sa mère ne sont pas méchants. La mère lui appartient à la base. Mais pour moi, il est quand même généré. Il génère de la méchanceté. Il bouffe les gens quand même, s'il te plaît. Oui, mais non, c'est pas la méchanceté. Mais on a fait de cette espèce de requin un monstre mythe, dans le film. Terrifiant. Quoi. Surtout qu'en plus, par rapport au film, faut savoir que la série d'attaques qui a inspiré, on l'a mise au grand requin blanc, alors que ce n'est pas le grand requin blanc qui a fait les attaques. Ouais. C'est le requin bulldog. Ça a été prouvé depuis maintenant, vu que c'était des attaques en rivière. Il n'y a même pas trop besoin de le prouver. Oui, requin bulldog, oui, c'est un tout petit. On va dire, un petit requin. En taille, modèle réduit. En taille, il est plus petit que le grand requin blanc. Mais il s'approche beaucoup plus et il est audacieux. Ouais. Et si on prend par rapport à la taille égale, tout ça, il a une morsure beaucoup plus puissante aussi. Ah, peut-être. Et vous savez pourquoi il bouffe les humains? Par exemple, les planchistes parce ou quoi. Parce qu'il a faim. Alors, il les attaque pas forcément. C'est parce que quand fait, ils ont faim. Ouais. Il les réfère à. Il y a différentes raisons, on va dire. Vu que bon, par exemple, le requin bulldog, il a plus de testostérone que les autres requins, donc il est plus agressif. D'accord. C'est l'animal qui en a le plus. Ouais. Donc lui, c'est assez souvent qu'il y a des dangers d'attaque, tout ça. On devrait lui faire le quiz. Oui. Et le problème par rapport au bulldog, c'est que souvent, il est en bande un petit peu. Donc dès qu'il y en a un, souvent c'est des gangsters quoi. Voilà. C'est ça, t'en as 4 ou 5 qui vont arriver et lui, il y a très peu de chances de survie. Mais ouais, moi j'avais lu que c'est parce qu'il faisait référence à un genre de phoque en fait. Et comme il bouffe mais des phoques, voilà. Le mouvement dans l'eau, on dit souvent faut pas mouvoir. Oui. Et si jamais on est blessé, alors là, c'est à foutu parce qu'il ressent le sang. Aussi. Ouais. C'est donc ça dépend. La blessure, t'as les battements de ton cœur vu que si t'as un battement rapide, forcément ça va l'exciter. C'est normal. Hein. Mais ça dépend encore d'une fois. Hein. S'il a faim, tu vois. Parce que s'il a pas faim, il va t'ignorer. Il a pas, en fait. Il a pas d'intérêt. Ouais. Il attaque pas tous les poissons qu'il voit. S'il a pas faim, il laisse les frites. C'est ça. Mais oui, c'est totalement ça. Il y a tellement de choses en fait à prendre en compte dans une attaque de requin que. Ouais. Enfin, bref, moi c'est un truc qui m'a marqué petite et c'est un méchant pour moi, un gros méchant. J'ai tellement rigolé devant ce film. Bah, c'est le gros problème des images où on véhicule encore. Et techniquement, si tu veux craindre quelque chose qui est dans l'océan, tu n'y vas pas. Tu vas pas dans l'océan si tu crains. Alors oui, c'est une solution comme une autre. Mais je pensais plutôt aux orques, tu vois, par exemple. Ah ouais, c'est plus gros déjà. C'est pas trop le problème. Non. Hein, non. La baleine, c'est gros, ça va pas forcément. Ça joue, ça vraiment pour de vrai. Ça joue avec le corps de ça joue avec sa nourriture. Ouais. Tout simplement. Le truc qu'on dit déjà jamais aux enfants. Joue pas avec ta nourriture. Mais un chat aussi joue avec. Oui, les chats aussi. C'est pas la même taille pour le coup. C'est pas la même taille, mais c'est le même instinct. Je suis un gros petit chat. Rappelez-vous ce qu'il disait tout à l'heure de The Big Kitten. Alors que le requin, on n'a jamais prouvé qu'il jouait avec sa nourriture. Il est même plutôt zen. Alors c'est les orques, à dire, mais... on les a vus faire du ping-pong avec des phoques déjà. Oh oui. Oh la vache. Ouais. C'est des phoques, ils ont décollé. Hein. C'est des tyrans pour le coup. Hein. Ouais, et vraiment, ils gagnent contre un requin, un orque. Oui. Ah ouais. Oui. Il a pas de prédateur. L'orque. Bah, c'est un super prédateur. Voilà. D'accord. Ça bouffe même des orques des fois. Alors, des orques bouffent des orques. Oh, mon dieu. Donc, bon. Ça s'attaque aux baleines aussi. Hein. Oui. Ouais, ça a peur de rien. Enfin bref, moi ce soir je voulais mettre à l'honneur les femmes parce qu'on n'en parle pas les animaux. Assez. Non, plutôt non, les femmes. Pareil, Les femmes sont des requins, voilà ce qu'on a compris. Ça peut être ça aussi, mais en ça vrai, peut être ça. Elles sont partout les femmes. Et elles sont plus dans nos campagnes. Fortes qu'on le pense, je pense. plus. Les dents de ta mère. Ouais. Et apte à gérer des gros groupes de malfaiteurs, par exemple. Ah oui, rajoute. Oui, oui. Oui, c'est sûr. On n'aurait pas dit mieux. On n'a pas parlé de la mer, genre, etc. Mais hein, la mer sicilienne, la mer italienne, ouais, la mer corse. La mama. Le rôle des mères. C'est important. Ouais. C'est d'ailleurs, si vous aimez un petit peu les films de mafieux, je viens de regarder la deuxième partie, le deuxième volet. Bon, c'est un peu, comment dire, olé olé quand même comme film. 365 jours, ça doit vous dire quelque chose. Et du coup, c'est des mafieux, ils tombent amoureux de la femme. Enfin bon, il y a une histoire. Hein ? D'accord. Non, c'était mais pas une femme c'est qui est retenue contre son gré. Si, mais ouais. Après, elle est tombée amoureuse. Donc, alors, c'est très controversé, ce truc-là. Ouais, mais là, le volet 2, ça se finit pas bien, d'ailleurs. Ouais. Mais je vous invite à aller voir. C'est très controversé, ce truc, pour les mêmes raisons que j'ai données en début d'émission. Non, c'est pas que pour tirer, c'était pour les films qui se finissent mal. Ouais. Souvent, quand c'est les méchants qui gagnent. C'est un peu le même principe, parce que... T'imagines s'il y a des jeunes gens qui s'amusent à faire la même chose. Mais c'est peut-être la réalité. C'est ça le truc. Ça existe d'ailleurs peut-être le deuxième volet. Pour vous expliquer le concept, grosso modo, il a kidnappé une femme contre son gré, du coup. Hein, oui. Et il l'enferme. Et c'est un milliardaire, c'est un mafieux. C'est le principe du kidnapping. Hein. C'est le principe du kidnapping. Mais il la garde et il dit, toi, tu vas m'aimer au bout de 360... Enfin, avant. Voilà. Le but, c'est que tu vas m'aimer. Ça arrive pas souvent en vrai. Attends, mais bon. C'est un mafieux, il a fait ce qu'il veut, il est riche. Il y a le syndrome, vous savez, quand on est longtemps avec un. De tomber amoureux. Quand on vous sauve, et ben, vous avez du mal à porter plainte contre votre agresseur. C'est le. Bah là, elle est attaché. Carrément tombé amoureuse. C'est le syndrome de Stockholm. Suite à ça, malheureusement, il y a eu une petite vague un peu de violence conjugale et tout ça. Tu crois, suite à ce film? Bah, ça peut, honnêtement. Il y a eu un petit pic. De toute façon, dès qu'il y a des images, on peut inspirer. Mais elle n'a pas été violent avec elle dans le film, plutôt. Suffisamment violent pour qu'on en parle. C'est ça. Bah, dans le film, je sais pas. Non, mais dans la vraie vie, oui, effectivement, ça a inspiré certaines personnes, je veux dire. Mais ce que j'ai relevé dans le deuxième volet, c'est que la femme, elle a toujours la mauvaise place. Hein. Toujours. On dirait qu'elle est portée, tout ça, mais finalement, ça lui tombe toujours sur le nez. Au milieu des affaires de mafieux, c'est elle qui prend. Elle cherche la merde. Elle est mêlée aux affaires, même si indirectement, elle est pas censée être mêlée. Qu'est-ce qu'elle fout là, franchement? Elle allait à McDo et elle s'est fait enlever. Non, mais ça interroge sur les clichés. En fait, même bien quand sûr. On veut en décoller, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de faire attention à plein de choses. Le politiquement correct, clichés, mais est-ce qu'on peut vraiment en sortir? Je sais pas. J'ai pas trop aimé ce film, en vrai, mis à part cette histoire, bon, ça m'a pas... Bah regarde la suite, tu vas être trop étonné. Ça manque de peps. Ouais. Et la musique, t'es dit, t'aimes bien? Surtout celle-là qui va arriver, je t'avoue que j'aime bien. Lune of Atlantis. Mais oui, on en avait fait l'interview sur Indestar, d'ailleurs, dans l'Epic Avenger. D'ailleurs, en plus, tu fais bien de le mettre, vu que Moonlight, donc lune lumineuse, on peut le traduire. Oui. Ouais. Bah après je vais parler de Kira, donc Kira, donc Light Yagami avec le kanji lune dedans. Oui. Mais bon, j'en parlerai plus tout à l'heure, juste après. En tout cas, c'est sur Indestar. PK Avenger, c'est comme dans Duke Dumken. Mon kung fu botte des culs. Mais en différent. C'est sûr que oui, c'est différent. Bah d'ailleurs, tiens. Ce soir, on a le droit de botter des culs. Oui. Oui. La totale. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, botter Teddy, ce que vous voulez du moment. Je vais peut-être botter le Vous allez vous calmer. Moi, je ne laisse pas faire. Hein. Bon, c'est ça. T'as un bed quoi. Oui, j'ai un bed. Ah, oh, bah si t'as un bed, je t'enlève des points. Oui, bah, si tu veux. Vu que il n'a pas envie ce soir de mettre les beds. Hein. Non, il n'a pas envie. Je crois qu'il a il du mal avec. Il veut pas bosser. Oui. Mais non, c'est que je veux vous les annoncer. Bed, ça sonne. On va s'endormir alors que ce soir. Non, on s'endort pas. On se casse la gueule. Quelle violence. Je vais parler d'un personnage qui a trois noms dans le manga. Donc Kira, qui est son identité en tant que tueur. Light Yagami, qui est son identité normale, le lycéen. Ou alors, à la mort de son rival, il s'appellera également le deuxième L. Mm-hmm. Donc, c'est quand même un personnage qui joue sur plusieurs tableaux. Terrains. Ouais. Voilà. Donc, juste avant, tiens, je vais faire comme dans Death Note. Vu que Death Note commence avec une question. D'après vous, Kira, donc, qui est le criminel du manga, est-ce que c'est le gentil ou le méchant, sachant qu'il a tué 15 000 personnes, à peu près? Alors ça, c'est toujours le problème de l'image de même les gens qui tuent dans les films, en fait, où tu te dis, oui, mais alors eux, ils ont tué les méchants, donc c'est les gentils. Et tu te dis, mais attends, ils ont tué quand même. Ce qu'il faut juger, malheureusement, c'est l'intention qu'il y a derrière. Pourquoi quand on lit le manga, au début, il pouvait avoir des intentions plutôt nobles. C'est pour ça que j'en parle pas trop, vu que j'en reviens après, en fait. Mais oui, pour moi, c'est un méchant. D'accord, donc pour Teddy, un méchant. Ouais, bah il a tué méchant. Mmh. Thierry. Je ne sais pas, la justice tranchera. D'accord. Et le peuple fera sa révolution. La justice a tranché, c'est même la justice divine qui a tranché chez lui. Pour de vrai. Ouais, sans chéri, ça va trancher. Toi, Daniel, pour toi. Bah moi, je vais répondre en disant tout simplement, on me dirait, il y a 15 000 meurtriers à tuer, bah je le fais, puis si je passe pour un gentil, parce que j'ai débarrassé la planète de 15 000 meurtriers. Ouais. Alors, mais il n'y a pas que des meurtriers dans les 15 000. Ah voilà, ah, alors, bah, j'ai précisé justement. Exactement, il y a 14 998 meurtriers criminels. Oh la vache, d'accord. Si tu veux la somme exacte. Et il y a une femme, dommage collatéral, et on recommence. Alors, le pire, il tu a dis mémorisé. Ça, mais il y a vraiment une femme dans les deux qui. Et il y a des dommages collatéraux de toute façon. L'euro. Oui, mais disons que les dommages collatéraux, en soi, les personnes dont ce n'est pas lui qui ont été tués ne lui ont pas été comptés. Oui, mais justement, il y a plein de gens qui sont morts à cause de ces actions très extrémistes, clairement. Donc, avant de plus parler en détail de Kira, je vais faire un rapprochement avec deux autres personnages de manga que je trouve assez similaires avec Itachi Uchiwa de Naruto et Eren Yeager de l'Attaque des Titans. Je trouve pas que c'est pareil. Alors, c'est pourquoi pareil en différent. Je dis pas que c'est pareil. Je dis qu'il y a un rapprochement à faire. Peut-être. C'est pas la même chose. Vu que... Donc, Itachi, pour présenter un peu le personnage, donc Itachi Uchiwa a massacré tout son clan pour garder la paix dans son village. Ce qui va inclure de tuer donc les enfants, les personnes âgées. Il n'hésitera pas à manipuler. Voilà, ses parents. Il n'hésitera pas à manipuler son frère pour l'amener à le haïr. Et il finira tué par celui-là qui voulait être châtié. En gros, on va dire, il voulait absolument être tué par quelqu'un du clan. Par son frère, du coup. C'est ça. Donc, pourquoi est-ce que je mets Itachi. Un rapprochement entre Itachi et Kira. Ces deux personnages qui se sont sacrifiés. Je dis bien sacrifié entre guillemets, vu que le monde ne tournait pas spécialement comme il l'aurait voulu, et fallait bien que quelqu'un salisse les mains pour la paix. Et c'est ce qui s'est produit pour les deux personnages. Ça va Kira, loin. Il a rien changé dans le monde. Ça alors, va loin, fratricide. Kira. Oui. Bah justement, tiens, on va parler de Kira. Oui. Donc là, il t'a trouvé le Death Note. Donc le Death Note, c'est un cahier où dès qu'on écrit un nom dessus, la personne meurt dans les 45 secondes. Si j'écris Daniel. C'est ça. Chemise, non. Si tu précises pas chemise hawaïenne, on va pas savoir lequel. Ah. Faut écrire le nom, mais faut avoir le visage de la personne. Faut aussi. Le nom et le prénom. C'est le spirituel le tout ça. Enfin, comment dire, ouais. C'est magique, oui, clairement. Ouais. Oui, c'est ça. Fucking magique. Donc, il l'a trouvé au début, il va pas y croire. Dans forcément. Son lycée, un cahier qui traînait. C'est ça, un cahier qui est tombé du ciel, il s'est dit, tiens, puis c'est une blague, quoi. Oh oui, exactement comme Thierry vient de faire. Oh, je vais donc, écrire vos noms. Pas sympa. Donc, il va tester le cahier sur deux criminels au début. Le premier, c'était un psychopathe qui voulait tuer tous les enfants d'une école. Un forcené. C'est ça. Et alors, le deuxième, et c'est lui où je trouve aussi, où on voit les intentions quand même un petit peu du personnage au tout début du manga, je dis bien. Oui, tu es un motard. Quand il va tuer le chef d'un gang de motards qui voulait violer une femme dans la rue. Ah. Et alors, à ce moment-là, c'est une image que je trouve très très forte. T'as tous les passants qui passent à côté sans en avoir rien à foutre. Ah, oh, c'est chaud. Les mecs, ils peuvent avoir une femme qui va se faire violer, égorger, tout ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent. Oh, c'est violent, on ton truc. Un peu à notre époque. Ouais, on a tellement peur des représailles qu'on se barre le plus vite possible. Ouais. Et donc, t'en as parlé. À la fin, il connaîtra une mort par Ryuk. Donc, qui est le dieu de la mort. Celui qui a laissé tomber le cahier par terre, c'est parce ça. Que ça appartient à un dieu de la mort. Et il s'est dit, tiens, je me fais chier, vas-y, je vais laisser mon cahier pour voir si les humains s'amusent mieux que moi. Ouais. Et c'est totalement ça. Hein. C'est ça vraiment... qu'il a fait en gros. Il le dira à Light, mais pourquoi t'as fait tomber ton cahier? Puis lui, mais parce que je m'ennuyais. Tout simplement. Ah. D'accord. Et il lui donc dira... Donc Thierry s'ennuyait il y a deux minutes en laissant tomber. C'est ça. C'est ça. Et au tout début du manga, il lui aura dit une phrase où... Au début, on n'aura pas d'explication avec. Il y a des doutes et des inquiétudes que seul un possesseur du Death Note peut connaître à la fin. Donc, quand la personne ne meurt pas, tu comprends pas vraiment ce qu'il veut dire. Sauf que Light comprendra ce que Ryuk voulait lui dire à ce moment-là. Vu que Ryuk tuera Light, vu que le Death Note fonctionne différemment pour un humain d'un dieu de la mort. Donc, quand un dieu de la mort va inscrire un nom dans le cahier, il va récupérer la moitié du temps de l'humain qui restera à vivre. Ce qui fait qu'ils sont immortels. Voilà. Alors... Ils peuvent pas mourir à moins que le dieu soit extrêmement flemmard. Et qu'il se laisse tuer, oui, voilà. C'est... Voilà. Mais... Ou alors que le dieu sauve une humaine par amour. Oui. Ou un humain par amour, évidemment. Si tu fais un acte de bonté, et ben. Voilà. Voilà. C'est sera... pas ce soir. C'est ça. Donc... Tu meurs pour de vrai en étant dieu de la mort, c'est con. Ouais, c'est con, mais ça se produit aussi. C'est... On le voit dans le manga en plus. Ah, oui, oui, ça tue la mort. Et donc pour le dernier personnage, donc je rentrerai philosophique. Ouais. Je rentrerai pas dans les détails vu qu'autrement je vais spoiler. Donc Eren au début était un gentil. Ah, j'ai pas vu la fin, ta gueule. Non, mais justement, c'est pour ça que je ne spoilerai pas la partie 2 qui a été sortie. Sinon, on écrit dans, non. Mais au début de la saison finale. Eren, c'est dans l'Attaque des Titans, il parle d'un autre manga parce qu'il fait un rapprochement entre les deux. Je m'en fous, ça m'a charmé ce truc-là. Ça te plaît. En rentrant, je vais chercher un cahier. Tu vas écrire des noms. Mais j'en ai une anecdote pour ça en plus. J'en ai un chez moi avec des recettes de poulet. J'ai tué des recettes. Ah, j'ai tout écrit dans mon Death Note. Donc Eren, au début, était un gentil. Mais au début de la saison finale, Eren est. Tant que ça gentil quand même, tu sens qu'il y a autre chose. Monsieur. Voilà. Pour moi, bon, c'est un peuple premier qui se venge. Voilà, c'est ça. Vois, il n'hésitera pas à se transformer en tuant des enfants qui sont à côté de lui. Pas fait exprès. Ouais, mais il tuera des enfants quand même. Bah, il les avait qu'à être ailleurs, non? Voilà. Ouais. Et plus tard dans le manga, il fera des choses encore plus extrêmes. Ah. Sous prétexte de protéger les personnes qui lui sont chères. On devrait lui pardonner. Il va envahir le monde, grosso modo. C'est un peu ça l'idée. C'est même pire que ça l'idée. Le détruire. Mais je n'en parlerai pas pour éviter le spoil. Ouais, j'en suis là moi dans mon. Non, parce qu'il ne le sait pas en fait. Si, je le sais. Mais Daniel, je lis les scans. Non, mais je sais, Si je veux, je peux même dire toute la fin. Je sais, non, mais. Alors Teddy m'a regardé avec un regard noir. T'as moins de 10 000. Ah ouais, non, ça mais. Ça me dérange pas si c'est aussi croustillant que Death Note. Non, c'est pareil. C'est moins croustillant pour Ou moi. Alors ta gueule. Ouais, non, c'est moins croustillant. C'est pas la même chose. C'est pas le même sentiment. Voilà, c'est. Pour les trois personnages, donc que ce soit pour le manga Naruto, Death Note ou l'Attaque des Titans, je tiens à le rappeler, c'est des mangas qui n'ont rien à voir. Ah oui. J'ai juste voulu faire un rapprochement par rapport aux trois que, bah. Au Naruto, final. Naruto, c'est gentil. C'est un shonen. Voilà. Ouais, c'est pas L'Attaque la même, des Titans, c'est un manga. Alors, c'est considéré comme shonen, même si t'as des scènes seinen. Ouais. Et Death Note est considéré shonen, mais donc manga pour adolescents. Mais psychologiquement, ce que nous on appelle manga pour adolescents, donc c'est pour les enfants. Psychologiquement, pour c'est des fort, enfants, ouais. Je doute qu'ils soient capables de regarder ça. Ouais. C'est trop. Ouais. Ouais. Violent. Ouais. Alors, c'est pas violent. C'est pas violent. C'est pas du tout violent. Disons que. Non, pas du tout. Psychologiquement, c'est ultra dur à supporter. C'est pour plus les violent d'une manière. On va dire que bon, dans l'Attaque des Titans, on va avoir des scènes d'une violence inouïe, comme ouais, par exemple Eren, quoi. Ouais. Eren qui se transforme Après, au milieu d'enfants. T'as de la psychologie aussi dans l'Attaque des Titans. Si t'as un peu de mais. Bon, par exemple, Eren qui se transforme au milieu d'enfants, tu vas voir les corps des enfants. Alors que Death Note, c'est vraiment que mental. D'accord. Bah, que. C'est toi qui fais tes propres images presque, quoi. Tu fais travailler l'imagination. On va dire, tu fais travailler ton imagination, ouais. Mais en plus, l'auteur. Ça peut perturber en fait. Voilà, c'est ça. Ça me fait penser à une évolution, vous savez, des images d'ailleurs dans les films, parce que quand j'étais enfant, c'était toujours suggéré. Il y avait, ouais. C'était coupé au moment des meurtres. Enfin, Hitchcock, vraiment l'exemple ouais. De base, les ombres, les sons, etc. Mais tu voyais le résultat, mais pas. Ouais. Pas la scène. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui. Bah, souvent dans les mangas, t'as bon. Ça aussi. Hein, c'est ça. Dans la plupart des shonen. Mais est-ce que c'est mieux? Je trouve ça presque incohérent dans le sens où tu regardes Fairy Tail, tu vois, ils se battent. Et tu as, soi-disant, ils sont à bout de souffle, à bout de, c'est ils ça. Sont presque en train de mourir. Il n'a pas une seule blessure. Oui. Ils font toujours, tu sais, des petits tricks ouais, c'est noirs. Pour faire des raccourcis, quoi. Bah, c'est pas des raccourcis, c'est de la censure. C'est ce qui m'a gêné, pas de la censure. Il le fait lui-même, ouais, l'auteur, c'est ça. Parce qu'il sait que sinon ça passera pas. D'accord. Bah, c'est comme les vêtements des acteurs qui restent propres et bien repassés. Mais c'est ça. Genre t'as pas de sang. Les chemises hawaïennes qui restent hawaïennes. Quand t'es blessé, t'as du sang. Ouais, c'est logique. Et Daniel qui reste Daniel. C'est choquant presque à un moment donné. Pour finir sur ce rapprochement, je vais vous donner mon avis sur qui est le plus méchant ou cruel des trois. Ouais. Pour moi, c'est Eren Yeager. Vu que bon, je ne donnerai pas les raisons qu'ils font, mais bon, comme je l'ai dit tout c'est à l'heure, faux. Ce qu'il fera, il le dit, il le maintient, c'est pour le bien de ses amis, même plus proches que amis, mais ça reste impardonnable. Vu que les deux autres sont impardonnables aussi. Tu viens de me donner un putain de spoil, plus proche qu'ami. Que connard. Mais oui. Justement, c'est peut-être une feinte. Oui, non, c'est pas une feinte parce que je le savais déjà. Bon, mais tu sais, ouais. dans tout ce que tu racontes, ça me fait penser malheureusement à ce qui arrive là, il n'y a pas de guerre propre, quoi. Tout c'est ça. À partir du moment où il y a un conflit, il y a des ça dégâts. Ça ne peut pas être propre. C'est ça. C'est quoi qu'il arrive, oui. Mais donc, c'est vraiment pour moi, c'est lui le plus méchant ou cruel, ça dépend des mots qu'on veut utiliser pour. C'est vrai. Après, il l'a fait dans un but de protection. Oui, moi, mais c'est ça que je si tu vas par là, en fait, Itachi a tué son clan, pourquoi? Pour maintenir la paix dans son village et protéger l'ensemble du village. C'est pas un méchant pour moi. Voilà, mais on va dire, au début, tu le vois comme méchant. Kira a tué les criminels, pourquoi ? Pour avoir un monde en paix et ne plus avoir d'ordure, comme il dit. Kira, il est devenu mégalo. Il est devenu... Il voulait se prendre pour un dieu. Dans Donc un au bout premier... d'un moment, t'es plus gentil. Même si tu tues que des criminels, oui. Tu te mets à tuer, en fait, qui tu veux après. Et c'est ça qui est... En fait, dans le manga, on voit son évolution psychologique et on comprend qu'au début, c'est louable. Tu veux tuer tous les criminels. C'est... Mais qu'est-ce qu'un criminel ? C'est pour ça quelqu'un que moi, qui dis... vole un scooter, est-ce ouais. un criminel ? Quelle est la hauteur, en fait ouais. Bah ouais, il faut... C'est pour ça que je dis, en fait... Un seul homme peut pas être pour la Pour moi, Death Note, il y a deux mangas dedans, vraiment. T'as la première partie ou t'as la partie... Elle. Entre guillemets. Et pas elle. Je vais appeler... Bon, attention, ça va prendre avec des pincettes, hein, ce que je vais dire, mais louable... Entre guillemets, je dis bien. Et la deuxième partie où Kira va totalement vriller. Oui. Oui, non, mais je vois Moi, ce que ça m'interroge ouais. sur Dexter. Hein. Dexter le... qui tue tous les criminels, mais vous voyez comment il les tue et il les déchique. Enfin bon, comme eux, comme il écrit, mais puis il les planque dans les murs de sa maison. Super. Bon, non mais c'est vrai. C'est ça. Je tue les criminels. Bon, il y en a eu d'autres, même dans l'histoire. Enfin, en vrai, qui tuait des prostituées, qui tuait je ne sais trop quoi au nom du mal machin. C'est ça. Est-ce que on peut justifier ? C'est ça la question. La psychologie des criminels, c'est un truc. Qu'on voit souvent dans oui. des séries de police classiques. J'ai pas d'exemple. Je n'ai pas d'exemple. Non, dans les reportages sur les criminels en série, on fait beaucoup c'est de, ça, de choses. De psychologie pour essayer de comprendre pourquoi. Tout ça. Pourquoi ouais. ça a amené ça et ouais. qu'en vrai, Journal oui. d'un tueur, enfin, il y a des et choses. C'est ce côté-là que tu disais qui était un peu lourd, peut-être Alors, non, c'est un autre côté. C'est que vraiment, Death Note a vraiment poussé la psychologie au maximum dans les mangas. Donc oui. il faut être assez mature, tu dirais, pour comprendre ouais. déjà. Ah bah oui, c'est sûr. On va dire, pour te donner une idée, il y a des mangas qui ont repris presque le même principe que Death Note, ouais. qui sont sortis avant. Sauf que Death Note a tellement marqué et révolutionné ça que les mangas sortis avant ont été accusés de plagiat. Ah, pour ouais. te donner une idée. Donc alors que les mangas sont sortis avant. D'accord. Donc en théorie, c'est plutôt Death Note qui a plagié. Et ça se reproduit encore maintenant sur d'autres types ou pas ? Ouais, il y a beaucoup de mangas ouais. qui souffrent énormément de la comparaison avec, vu que dès qu'il y a c'est un peu de psychologie. Ouais. C'est ça. C'est Par exemple, référence. Pendant l'émission manga, j'ai parlé d'une musique que j'avais mis en numéro 1, Psychopass. Ce manga a énormément souffert de la comparaison avec Death Note, alors ouais. qu'ils n'ont rien à voir. Déjà, Death Note, on va suivre Kira, qui est le criminel. Mais bon, on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Ouais. Alors que Psychopass, on va suivre une équipe de... Gentil. Voilà, de flics. Donc déjà, rien, c'est que... Pas pareil, ouais. rien que le début n'est pas du tout pareil. Attends, flic méchant, non ? Oui, oh. ça va ensemble. Oh. Oui. Moi, je m'interroge sur... alors, peut-être le visuel cinéma, pourquoi pas, mais dans les bouquins, si on voit tous ces personnages déchiquetés, etc. aussi, enfin, ce que ça peut faire chez le lecteur. Alors, bien sûr. Kira a une particularité... C'est la pornographie du meurtre, enfin. Ouais. En fait, oui. ouais. Alors, pas dans Death Note. Non, trop. Vu que dans Death Note, c'est pas spécialement le bouquin, donc le Death Note, tu peux choisir la mort de la personne. Et il a une particularité, si tu n'écris pas de cause de mort, la personne va mourir d'une crise cardiaque. Ah, c'est direct. C'est la mort la moins visuelle qui existe au monde. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est totalement ça. C'est juste c'est super ça. Bien simulé. Pour certaines personnes, non, il choisira mais une manière, crise, mais ce ne sera pas montré ouvertement, sauf pour le motard, où ce sera montré qu'il se fera renverser par un camion partout, mais autrement, ce ne sera pas montré. C'est, il a laissé le lecteur imaginer la scène. Et c'est là que tu peux voir aussi un peu de psychologie derrière tout ça, parce que de la manière dont il va les tuer, c'est il va ça. Les utiliser avant qu'ils tuent. Donc du coup, il peut les inciter à faire des choses avant de mourir. Mmh. Parce que la finalité, c'est toujours, il meurt, mais par exemple, il peut lui dire, il va mourir en montant dans le bus tel de... Faut que ça soit cohérent son histoire, faut que ça soit possible pour l'humain. C'est ça. Si par exemple, il est au Japon et qu'il dit, il va mourir dans le bus en France, là, dans 6 minutes, ça c'est marchera pas, parce que c'est pas possible. Ouais. Faut que physiquement, ce soit probable. Voilà. Donc il va lui faire dire ça pour obtenir une information sur quelqu'un d'autre qui va permettre de tuer quelqu'un même qui le recherchait. Ce genre de truc. Faut que physiquement ce soit probable ou faut que la personne ait connaissance de ce qu'il doit parler. Vu que ça a été fait dans le manga, il a mis pour un des prisonniers, il doit mourir en ayant dessiné le visage de elle. Donc elle qui se montre jamais, qui est l'enquêteur chargé d'arrêter Kira, et tout ça. Et en plus faut bien dessiner. Donc techniquement, alors, le ouais. gars le est problème, juste mort. Voilà. D'une crise le cardiaque. Le gars est juste mort d'une crise cardiaque car qu'il est quand même mort. Il ne connaissait pas le visage de elle et il ne savait même pas qui c'était en fait. Donc le cahier a quand même des limites. Mmh. Ouais. Voilà. Oui. Et nous on connaît bien les visages. Oui, c'est ça. Je vais écrire ce soir des recettes. Oui, c'est des recettes. Non, mais ah bon moi, Oui, Daniel. Je voulais juste faire une parenthèse sur la psychologie. Hein. Oui. Dans les mangas. Nous, ça fait des mois qu'on travaille sur la psychologie à Teddy pour savoir pourquoi il est si méchant que nous avec nous au quiz. Eh ben, on n'arrive toujours pas à trouver. Non, mais c'est parce que c'est ça le pire avec les grands méchants, c'est qu'on les comprend pas. C'est des génies incompris. C'est ça. Pour me comprendre, bah, je sais pas. Pour faire du pain. Ils échappent à notre logique. C'est vrai. Ah bah ça, oui. Tiens, je vais commencer à dessiner Thomas. On va voir si ça fait quelque chose. C'est ça. Je le vois déjà tomber avant même que j'ai pris mon crayon. Ça peut être le début. De... Ouais. Le commencement de la fin. Bien. Le dernier jour du reste de ta vie. Oui, Thomas, t'aimes bien la musique? Oh oui, j'adore. Oui. Super voix, Thomas, j'adore ta voix. Oui, vu que bon, avant de continuer de parler de, bah, plus précisément de Kira, vu que bon, là j'ai fait un petit rapprochement, on écoute une musique? Oh bah oui. Oui, avec John Skyfield, Gone. Gone. Gone, sur Indestar. PK Avenger, c'est comme dans Friends. J'ai été celui qui a permis d'assurer le passage entre les systèmes KL5 et GR6, voyez-vous. Mais en différent. Teddy, tu fais des progrès. Pourquoi? Bah t'es de mieux en mieux par rapport au timing. J'ai toujours été bon. Ce soir on est méchant, on fait pas de compliments. Ouais. Mais ça non, mais juste c'est dire mon voisin. Non mais Daniel. Il insinuait que tout le temps j'étais mauvais. C'est ça. Ça voulait juste dire qu'avant il puait la merde. C'était tout. Voilà, c'est pour ça qu'il a moins un point déjà. Alors, je peux savoir un truc, pourquoi moi je suis méchant, je perds des points et Thierry et Linda sont méchants, oui, ils gagnent. Parce que t'es méchant trop sur moi. Ouais, c'est pas trop méchant non plus. Non mais il y a un problème, il est méchant avec nous parce qu'au début de l'émission on a été méchant, il nous a pas compté de points. Oui. Non mais parce que je veux que vous soyez méchants entre vous. Non mais regarde, tu veux voir comment on triche? Tu prends la machine, t'enlèves le moins. Et ça fait un point. Et c'est bon, j'ai un point. Ou alors il nous donne des points parce que comme on est plus vieux, il sait qu'on va bientôt mourir. C'est vrai que statistiquement, alors, c'est t'as moins de chances de gagner que les autres. Faites gaffe à la mémoire. C'est pas le 10 note, c'est le point note. Oui. Enfin, le 10 point, pardon. Il y a forcément une stratégie. Tu t'es mélangé, derrière. Je crois. Rien n'est gratuit, sauf la méchanceté. Bien sûr. Après, il paraît que le but, c'est de participer en vrai. Hein. La phrase. Alors, ça, oui. Quelle phrase qui m'énerve ça. L'important c'est de participer. Non, non, mon cul, ouais. Gagner, l'important c'est de gagner, ouais. C'est une phrase de boomer. Les habitants ça. De mon cul s'en rappellent. C'est une phrase de perdant. Que dalle, ouais, je participe. Parce que le gagnant il dit jamais l'important c'est de participer. Ouais, franchement, c'est ce que j'ai dit. Si, tu verras jamais de gagnant en fait. Éventuellement, il tape sur l'épaule du perdant et dit l'important c'est de participer. Ouais. Et là ça devient super mal. Le pire c'est que je l'ai fait en plus, ça déjà. Ça c'est vache. Quand on fait des concours de boulet où tu vas remercier les perdants. Merci à... C'était cool, hein, merci. Ce que j'ai bien amusé. Hein. C'est quand tu y fais, c'est pas grave, l'important c'est de participer et que t'as un sourire d'enfoiré en c'est plus. C'est salaud. Que ça. Là, l'autre il te dit, non mais arrête, j'ai juste envie de te frapper mais là. Ouais. J'étais pas à fond, dis donc aujourd'hui, j'étais un peu. Mais ouais, ce qu'il te demande, c'est surtout que tu l'ouvres pas quoi. Tu te barres avec ta coupe et puis c'est tu ça. La c'est fermes ça. Quoi. La coupe est pleine. Ouais. On va en revenir à Death Note un petit peu, vu que bon, plus parler en détail de Kira, vu que bon, avant j'ai fait un rapprochement, mais. Qui est Kira quand même au final? Eh ben on va le savoir. Oui, c'est un chat, chat Kira. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que ça méritait un point. Bah, deux points pour Chiri. C'était une blague. Ouais, mais elle était bonne. Oh, non, la blague était bien. Mais bah, si, Shakira, j'adore Shakira. Avec tout ce que je cherche, je devrais avoir 100 points, moi. C'est un gros petit chat. Ben c'est Kitten. C'est quoi ces lois, ces règles là? Mais il y en a pas. En plus, c'est un enfoiré. Non, mais le pire, c'est les mois. On s'est regardé avec Teddy et je lui ai dit, ça mérite un point. Non, mais je suis content, j'ai appris quelque chose. J'ai commencé. Que j'aimais bien Shakira. Je commence à gérer des règles que je ne comprends pas. Commence à comprendre Teddy en fait. Il commence à comprendre la logique. C'est très bien. Attention, je vais prendre ta place. Tu seras peut-être meilleur au bouton. Regarde, et bim, il en a plus sur la gueule. Donc, pour en revenir à Kira, donc, c'est la personne la plus intelligente de Death Note avec un QI estimé à 220. Waouh, c'est pas mal. Bah, c'est même plutôt bien quoi. C'est même tranquille avec ça. Gros QI. Voilà. Avec un I au milieu. Ouais. Oui. Donc, oui. Quel est le but de Kira donc? Évidemment, c'est de créer un monde parfait. C'est quoi le monde parfait d'un criminel? Une des stars. Entre guillemets, c'est un monde... Où t'es le seul criminel, en fait. C'est toi qui tue tout le monde, c'est alors, pas toi qui tue. C'est toi qui décide qui est tué. En fait, c'est toi le juge, le bourreau. Ouais. Tu vas tuer tous les criminels en disant... Ouais, il y aura quelque plus chose personne de mal, derrière. Donc, voilà. Et techniquement... C'est une chose que Ryuk lui fera remarquer et il répondra « Non, mais tu déconnes, moi, je suis juste un lycéen ordinaire. qui je suis le meilleur du Japon, quoi. Ouais. » Il oui, va alors, lui dire vrai, en toute modestie. Il est intelligent, en plus. Oui. Bah, c'est le meilleur élève du Japon. Oui. Donc oui. C'est... Alors Kira c'est un personnage qui au cours du manga va énormément changer. Au début il va se dire va, quand il va trouver le Death Note, il va se dire bon, c'est une blague, voilà quoi. Bon, j'avoue que c'est bien fait. Ah, je vais tuer quelqu'un, c'est une blague. Non, en fait, il va tuer la première personne quand il va voir que bah, c'est le psychopathe qui a pris en otage des enfants. Coïncidence. Wow. Voilà, c'est quand même assez curieux. C'est censé, bah oui. Tu dis, oh, t'as écrit non, pouf, il meurt. Voilà. Donc, je vais essayer avec un autre. Donc, il a mangé une pizza Buttoni, c'est sûr. Ouais. Oh, oh, tiens-toi, donne-moi ton nom. Thomas. Ouais. Donc, quand il tuera cette personne, après, il va se dire que c'est un pouvoir qui ne devrait pas exister. Même si à la fin, il va se dire, bon, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Je suis le seul au monde qui peut l'utiliser en gardant mon côté humain. Et évidemment, c'est une chose qui ne sera pas faite. Vu que pendant la deuxième partie du manga, il sera plus du tout humain. Il sera mégalo. On peut suicider avec le Death Note, écrire son propre nom. Oui, tu peux. D'accord. Dieu a déjà essayé. T'as une drôle d'idée quand même, hein, Thierry. Hein. Non, pas dans le manga. Non, et les dieux, il faut connaître le nom et le visage de la personne si tu t'es vu dans un miroir, notamment au Palais des Glaces. C'est ça. Mais tu peux avec. Ça serait con, hein, mais bon. Oui, c'est con. Si ça se trouve, il y en a peut-être qui l'ont fait, on sait pas. Vu que bon, forcément, au bout d'un moment, tu te lasses peut-être à jouer toujours au même jeu. C'est ça. Non, mais tu imagines, tu crois signer un. Faire un autographe, tu fais une signature, tu mets ton nom et paf, tu calanches. Allez, ouais. Parce que tu t'es trompé de papier, voilà, hop. C'est ça. C'est nul. Donc, Light va vraiment changer quand elle va mourir. Qu'après, il se remettra plus jamais en question. Il se dira que ce que je fais, c'est pour le bien, c'est pas pour le mal. Peu importe ce qu'il fera, que ce soit Iman. Vu que c'est un personnage froid, il va manipuler sa petite amie. Pour être mort, c'est mieux. Oui. Donc, sa petite amie, donc Missa Amane, il va pas hésiter à la tromper ouvertement. Il va le dire cash, il va lui dire mais t'es juste là pour me servir, c'est tout. Tu sers à rien d'autre. Ça, c'est pendant la deuxième partie du manga. Vraiment, où là, on a... Quand il a tué son principal rival, qui était un enquêteur de renom mondial, qui était chargé de l'arrêter. Voilà. C'était un jeu entre eux, qui sont deux têtes, de grosses têtes, hein, clairement. On va dire, pour les mangas, pour expliquer un manga classique, donc comme Naruto, vu qu'on en a parlé tout à l'heure, quand il y a un combat, c'est un combat avec des armes. Bah Death Note, c'est un combat psychologique, Kémy. Ah ouais. C'est en gros, ils vont se chercher mutuellement, ils connaissent ni le nom, ni le visage de l'autre, mais le premier qui trouvera l'identité de l'autre le tuera. Oh, c'est comme ça que c'est présenté. Parce qu'il a qu'un seul pouvoir, Kira, au final, de tuer ceux qui connaissent le nom et le visage. Mais s'il a pas ça, c'est un humain normal. Ah voilà. C'est un très bon scénario de base de polar, hein, c'est de, un de excellent devoir trouver l'autre. Là où c'est le comble en plus, je trouve, par rapport à ça, il va mettre un plan pour tuer elle. Sauf qu'au final, celui-là qui voulait tellement inscrire son nom, bah c'est même pas lui qui l'inscrira au final dans le Death Note. C'est l'autre dieu de la mort qui l'inscrira. Donc il y a plusieurs dieux de la mort. Il va manipuler un dieu de la mort pour qu'il tue à sa place. Oh là là. C'est fort, c'est très fort. Il est d'une intelligence, ce personnage, c'est fou. Et il va faire en sorte que le dieu de la mort meurt aussi. En vrai, les gens n'ont pas tout lu, vous êtes en train de spoil ma foi. Bah après, c'est un manga qui est sorti il y a X temps. Ah oui, d'accord, donc c'est vu et revu normalement. Oui. Il s'est fini il y a plus d'une... Bah, il y a même une quinzaine d'années. Oh, ah ouais, d'accord. Donc c'est un manga qui est relativement... Pour l'ordre des mangas, hein, je dis bien. Relativement âgé. Attention. Il y a eu des films sur ça ou pas? Alors, quelque chose, il y a eu des films. Honnêtement, je les conseille pas. Ah ouais, regardez l'animé. C'est un peu comme, je sais pas si tu connais Dragon Ball Evolution. Ouais, il paraît que c'est Eric, il dit que c'est de la merde. Oui. Le personnage principal n'est même pas japonais. C'est un Américain, putain. Et bah là, ils nous ont fait la même chose. C'est le gars n'est même pas japonais. Ça qui c'est qui a fait ça d'ailleurs? Je sais pas, mais. C'est pas Disney ou il mérite de mourir pour de vrai. Ouais, honnêtement, il mérite même pas d'être. Il mérite son nom dans le Disney. D'accord. C'est ça. Donc. Non mais c'est vachement intéressant parce que moi j'arrive toujours pas, je vous disais, à accrocher au manga, à regarder. T'as la série animée par contre, qui elle est bien plus représentative. En tout cas, ce que vous racontez, enfin, c'est tellement aussi symbolique, moral, etc. C'est ça qui m'intéresse aussi. Alors peut-être ça me permettra un jour d'arriver à quelque chose. C'est ça, si ça se trouve. Mais je trouve ça vachement intéressant. Il y a 12 tomes, c'est pas énorme. Ouais, c'est un manga court. D'accord. Et pour l'animé, il y a 37 épisodes. Ouais. Donc... C'est un personnage froid, donc comme je disais, qui trompe sa copine. Ouais. Il va même dire, quand sa sœur se fera enlever pendant la deuxième partie du manga, mais quel idiote, si on n'arrive pas à la récupérer, je vais être obligé de la tuer. Donc, même les membres de sa famille ne sont pas épargnés. C'est un être manipulateur qui va être responsable de la mort de son père en manipulant une opération policière. D'accord. Vu qu'il va être passé chef de la police entre-temps. Donc, c'est quand même le comble. Il est en charge de l'enquête. Pour s'arrêter lui-même alors qu'il est chef de la police. Oui, bah c'est un peu comme mes gangsters tout à l'heure qui étaient shérifs. Hein. Il est pas mort, son père. Si, il meurt. Il va avoir une crise cardiaque, mais il va survivre. Parce que c'est pas le Death Note, lui. C'est juste qu'il était vraiment avoir une vraie crise cardiaque. Une vraie. Lui, c'est autre chose, donc je donnerai pas les circonstances. Mais son père mourra. Après, à la fin de l'histoire. Bon, à la fin. Il meurt avant Light. Ça, c'est sûr, vu que Light, c'est la fin de l'histoire. Mais il meurt avant, bon, lors d'une opération policière. Mais dis donc, les psychiatres doivent s'arracher. Je sais pas où trouver ça passionnant, où trouver des fois des illustrations directes de pathologies sérieuses, enfin d'avoir pas dépassé les stades primaires. Dans les rapports, moi, je pense fratricide, patricide. Question, y a-t-il un psy qui a psychanalysé Kira? Alors honnêtement, ils ont tous essayé dire tout ça. Mais... Je pense qu'ils se seraient arraché les cheveux à essayer, vu que. Non, mais t'avais des gens, ceux qui dirigeaient une chaîne de télévision, qui se mettaient à idolâtrer. Oui. Kira, ils interprétaient ses propos comme un truc, une punition divine et tout ça. C'est vraiment. Voilà la psychologie, ce que ça en est, d'accord. Voilà. Il les a choisis d'ailleurs pour diffuser certains messages des fois. Enfin, choisis. Voilà, pour parler avec les autres Kira, vu que. Kira n'est pas juste une personne en fait. Il y en a quatre dans le manga. Donc il y a Light qui est le premier, Misa sa copine qui est le deuxième. Ça devient un personnage en fait. Voilà. Kira c'est quelqu'un qui tue, qui veut c'est... instaurer un truc. Vu que tu parlais pas toujours être Kira à un moment donné. Vu que tu parlais de punition divine, tout ça, de trucs comme ça, Kira est devenue une entité dans le manga carrément. C'est ça. C'est... Il va être obligé de laisser sa place de temps en temps pour dissiper les soupçons. Notamment pour s'innocenter. Voilà. C'est comme au foot, il y a des changements. C'est ça. Et ce qui est marrant d'ailleurs dans la première partie, quand il est contre elle, c'est que non seulement il doit trouver elle, mais il doit physiquement son nom, mais il doit aussi enquêter sur lui-même, dans le sens où il va collaborer justement avec la police pour essayer de trouver le nom d'elle, mais il collabore aussi avec la police en fait. Pour du coup, il doit aussi rechercher lui-même. C'est vachement tordu. C'est le serpent qui se mord la queue, Mais c'est bien ça. Sûr, mais il doit pas se trahir non plus. C'est il doit pas laisser d'indices non plus. Bien sûr. Il va même aller jusqu'à perdre la mémoire. Parce que, en fait, si tu fais ça, alors, c'est pas une perte de mémoire, c'est enlever tous les souvenirs liés au Death Note. Voilà. Quand tu donnes ton Death Note, parce qu'en fait, tu possèdes le Death Note à partir du moment où tu le touches. Ouais. Que tu le touches, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et quand on va tu dire, le donnes à quelqu'un, tu as un pacte. T'as un pacte qui est fait avec ton dieu de la mort. Ouais. Et il y a un mot qu'il faut dire, c'est j'abandonne. Ah ouais. Si tu dis, d'accord. Et ce sera fait notamment, Kira va dire à elle, bon écoute, au pire, tu m'enfermes, tu regardes s'il y a toujours des meurtres de criminels, et s'il y en a plus, bah c'est pas dur quoi, t'en déduis que c'est moi. Ouais. Et à un moment dans la cellule, il va dire, j'en ai marre de cette fierté, je l'abandonne. D'accord. Et ça, c'est un mot de passe pour le dieu de la mort pour dire qu'il abandonne son destin. Son droit de possession au Death Note. Parce que ce qui fait que, bah, le suivant, il avait plus le de souvenirs. En fait. Le dieu de la mort n'est pas visible par les humains, c'est ça. Sauf ceux qui ont déjà touché un cahier. Mm. Donc techniquement, en fait, tu peux être dans la cellule, le dieu de la mort, les autres ne le verront pas. Mais du coup, il va abandonner comme ça. Il va vraiment enquêter sur Kira du coup. Oui. C'est ça le pire. Et le pire, c'est même là où j'ai trouvé la scène. Oui, même la scène géniale et que c'est un génie. Il va se poser des questions en disant, mais je suis en train d'enquêter sur Kira, mais je vois que ses valeurs en termes de justice sont extrêmement proches de moi. Donc, j'aurais et fait là, pareil. Il se pose la question en fait. Oui. Même pas. Il va même pas se dire, mais peut-être que c'était vraiment moi. Il va juste dire que il aurait fait la même chose. D'accord. Mais et va réussir à mettre au point un plan pour pouvoir retoucher le cahier pour retrouver sa mémoire. Pour récupérer sa mémoire et récupérer son droit également. C'est fort. Vu qu'il tuera l'ancien possesseur. J'ai une question peut-être con, mais à quoi il ressemble ce cahier? Il a une particularité. Alors, parce que c'est l'objet quand même important. C'est juste un cahier noir. Noir. Avec écrit Death Note à l'intérieur. Sur la face. Rien sur la couverture, d'accord. Et à l'intérieur. D'accord. Et à l'intérieur, il y a 12 règles écrites en anglais, vu que c'est la langue la plus parlée sur Terre. En anglais. Et t'as les noms aussi, du coup. Oui, c'est ça. Ah, il y a tous les noms qui restent. Ah, bah oui. Voilà. Si j'étais méchant, je demanderais à Kevin de lire les règles. Oui. Mais tu es méchant. Alors, honnêtement, je les connais pas, Thierry. Tu fais bien d'en parler, parce que c'est aussi une prérogative dans le sens où Light doit faire attention à son cahier, qui tombe pas entre de mauvaises mains, parce que sinon tu verrais déjà le dieu de la mort. Notamment, faut pas qu'il le voit, faut pas qu'il comprenne comment il tue, parce c'est que ça. Comment toi, t'es enquêteur, même le meilleur du monde, comment tu comprends que la personne tue avec un cahier? Et justement, c'est une question qu'ils vont se poser quand ils vont trouver le cahier. Ouais. Et au début, donc. Bah, un autre Kira va dire, mais c'est avec un cahier. Et là, tout le monde, quoi, avec un cahier? Mais comment tu fais j'ai ça, quoi? J'ai acheté un cahier Oxford. Ouais, c'est ça. C'est vrai, quand je mets des mauvaises notes, moi, mes élèves, ça les tue un peu. C'est ça. Donc, Après, ils se mangent. Finalement, je suis en train de me rendre compte, là, dans l'enquête, par exemple, lui, c'est Kira. Non, non, monsieur l'agent, il peut pas être meurtrier, il est analphabète, il sait pas écrire. Ah, c'est beaucoup trop pas cohérent parce que Light a 220 QI et c'est l'un des meilleurs lycéens de... Non, non, mais c'est cohérent si on accuse le mauvais. Il sait pas écrire. Ouais, mais tu oublies que elle... Mais même c'est pas QI. Elle. Non, oui, mais je parle de quelqu'un d'autre qui aurait... Oui, mais peu importe, quelqu'un d'autre, ouais. Voilà. Donc, on va en revenir à Kira, vu que c'est également un maître de la manipulation. Et moi, il y a une scène qui est vraiment très forte là-dedans, ça va être quand il va rencontrer Shoko Maki. Donc, c'est une femme d'une des précédentes victimes où son objectif va être de connaître son véritable nom. Vu qu'il va essayer d'inscrire Shoko Maki dans le Death Note, sauf qu'au bout de 45 secondes, il va rien se produire. Ah, c'est que c'est donc, pas bon. Donc, il va se dire, il y a un problème avec ça. Ah, m'a menti, la pute. Voilà. Pardon. D'ailleurs, Teddy, tu as plusieurs extraits. Oui, effectivement. Je te propose de mettre le premier. En japonais. Certes. Non, en français. Ça va être dur à comprendre. Ouais. Il y a autre chose. Autant que je te le dise, après tout. Tu ressembles à elle. J'ai senti quelque chose en toi qui me fait penser à lui. Et si on menait l'enquête ensemble ? Pardon ? Que diriez-vous de rejoindre la cellule d'enquête pour travailler sur l'affaire Kira ? Et n'allez pas croire que je proposerais ça à n'importe qui. Ce que nous recherchons, c'est exactement des personnes comme vous. Vous serez pour la cellule d'enquête bien plus qu'une informatrice ordinaire. En tant qu'ex-agent du FBI, vous avez fait vos preuves. Et vous avez l'air bien plus doué que ceux qui composent déjà notre équipe. Flatterie. Et puis elle vous fait d'ores et déjà confiance. Tout ce qu'il vous faut pour intégrer la cellule d'enquête, c'est une pièce d'identité, corruption, la recommandation d'un des membres de la cellule, et enfin, l'aval personnel de elle. Moi, intégrer la cellule d'enquête ? Je crois que c'est le destin qui vous envoie aujourd'hui. C'est merveilleux. Oh, donc, c'est merveilleux. Cet univers très... Ah oui, avec non. Les voix... Les voix ne collent pas du tout non. Avec le manga. Non, honnêtement... Mais tu t'y habitues au bout d'un moment, j'imagine. Moi, honnêtement, j'ai regardé le manga en VO, vu que bon... Je préfère regarder les mangas en version originale. Ouais, sous-titré. Après, avec... Oui, évidemment, vu que moi, je comprends pas tout non plus. Non, à force, bon, il y a quelques mots que tu comprends. Ouais. Mais ah bon, bon, tu comprends pas tout. Tsubarashi. Magnifique, par exemple, ça voulait dire. Donc, je l'ai séparé en trois parties. Donc, là, c'est vraiment la proposition. Où Light va dire, bah écoutez, venez mener l'enquête avec nous. Passe-moi ta carte d'identité. Ouais, c'est ça. À la fin, il y aura juste ça pour essayer d'avoir le vrai nom. Sauf qu'évidemment, bah, en tant qu'ex-agent du FBI... Elle est pas conne non plus, la personne, donc elle va pas lui donner. Pas que conne. Non, pas que conne. Oui, tu peux aller avec le deuxième. Si vous me le permettez, j'aimerais vous recommander. Ah, excusez-moi, je suis désolé, je crois que je m'emballe un petit peu. Non, ce n'est rien. Bien sûr, même si vous pouvez nous aider absolument quand vous le souhaitez et que nous n'imposons rien, ni horaire ni planning, vous avez votre vie. Et puis, vous devez sûrement vivre aux États-Unis. Nous devions partir le printemps prochain après notre mariage pour nous y installer définitivement. Mais il n'est plus là et maintenant, j'avoue que je ne sais plus très bien ce que je suis censée faire. Parfait, je n'ai plus qu'à continuer sur ma lancée. Je sens que je me rapproche. Ouais, pas mal le parfait. C'est ça. Cette perte tragique, vous êtes encore jeune et belle. Vous mêlez à une affaire si dangereuse. Non, il était tout ce que j'avais. Je n'ai plus rien à perdre. Je veux faire arrêter Kira. C'est tout ce qui me rattache à la psychologie inversée. C'est ça. Laissez-moi mener l'enquête avec vous. Donc là, c'est Ryu qu'on peut entendre. C'est le dieu de la mort. Elle l'entend pas, hein. D'accord, elle s'éclate, quoi. C'est ça. Oui. Avec grand plaisir. Parce qu'il vous trouve ça drôle. Vous auriez un papier officiel pour justifier de votre identité auprès de la cellule ? C'est-à-dire que... Oui ? Tout à l'heure, quand nous nous sommes présentés, en fait, je ne t'ai pas donné mon vrai nom. Ah. Pardon. C'est vrai ? Allons, ce n'est rien. Pour tout vous dire, je trouve que ça montre à quel point vous êtes expérimenté. Mais bien sûr. J'ai encore beaucoup à apprendre. Ça confirme que vous êtes une excellente professionnelle. Donc là, bah, un peu, on va dire, en deuxième partie. Ça va voir. Le piège. Mais oui. Je l'ai appelé le piège et je trouve que ça résume parfaitement vu qu'il va la flatter en disant oui, mais il vous êtes flatter, encore jeune et belle, vous inclure à une enquête aussi dangereuse. Bon, voilà quoi, on va dire. C'est les chemins classiques, quoi. Ouais, pour ça. Mais ça, c'est la psychologie inversée, ça marche sur beaucoup de choses c'est au final. Tu lui proposes et après tu dis ah, mais non, c'est dangereux, toi tu peux pas le faire. Et on va si, je peux le faire. C'est la je provocation. Je l'ai même trouvé comme ça. Light tourne autour du pot, carrément. Il va essayer d'avoir, mais sans trop pour essayer. Je sais pas si c'est. Il tourne autour du pot parce que c'est en quelques minutes qu'il arrive à obtenir une réponse qu'il n'aurait pas pu obtenir en lui demandant, en fait. C'est de la manipulation. Alors là, c'est la scène telle quelle, donc il y a à peu près. 3 minutes, je crois, à peu près, au total. Mais il faut savoir que c'est tout un épisode, en fait. qui est consacré à ça. Donc c'est 22 minutes qui sont consacrées à Light qui va essayer d'avoir le nom. Là, c'est juste la révélation où Light va avoir totalement en fait le nom. Certes. Tu peux aller avec la partie 3. Non. Et bah c'est pas grave. Mon permis de conduire japonais, ça ira ? Je nique ça. Oui. Enfin. Excuse-moi, mais pourquoi tu regardes l'heure avec autant d'insistance ? Ça ? Jubilation du grand méchant. Parce que je suis Kira. Jubilation du grand méchant. C'est ça. J'ai quelque chose à faire. Alors là, vous comprenez pas. Justement, je t'explique après. Il doit être revenu. Vous pourrez lui parler. Je n'ai rien à lui dire. Elle avait peur de rejoindre la cellule, c'est étonnant. Adieu, Naomi Misora. Alors, comme t'as dit, donc il y a un peu à expliquer. Alors Thierry a pleuré. C'est vrai, il est dur. Donc, hein. Donc, dans ce passage-là, donc la révélation, donc Kira va réussir à obtenir le nom. Et donc, le problème, c'est que sur lui, Light est un personnage extrêmement prudent. Il a toujours une feuille de Death Note. Donc il va inscrire le nom Naomi Misora sur la feuille, juste devant elle. Plus tard. Donc l'arrogance quand même jusqu'au bout. Donc il va mettre cause suicide, tout ça, il va tout faire. Il va mettre une date. Il l'écrit en direct ou il l'avait déjà écrit ? Non, il l'écrit en direct. Ah oui. Justement, il fallait tout faire. Et donc le problème, c'est que Naomi avait des infos par rapport à l'enquête qui pouvaient permettre de l'identifier. Donc il fallait absolument que Light y arrive. Donc, il fallait qu'il la tue et qu'il la fasse disparaître pour un moment. Donc en fait, il a fait en sorte qu'elle se suicide. Mais que son corps ne soit pas retrouvé. Très intelligente. Pour pas que justement, oui, comme tu l'as dit, qu'elle et se retrouve. Et justement, quand elle commence à partir, qu'elle dit j'ai quelque chose à faire, c'est qu'elle est déjà sous l'emprise du Death Note. D'accord. À partir de ce moment-là. C'est foutu déjà, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, elle est morte. D'accord. Par contre, tu as quand même révélé, faute professionnelle de sa part, je trouve, il a révélé son identité avant. Ouais, mais imagine, c'était encore pas son vrai nom. Ouais. Tu te fais niquer. Ouais. Ouais, mais vu qu'il avait le papier d'identité, il avait tout, là. C'était bon. En théorie. Oh, je suis désolé, bien. Je te donne ma carte d'identité, elle marche pas, moi. Il y a quand même ton nom. Oui, mais elle est périmée. Et elle est plus valable. Là où je trouve que c'est même encore pire, elle venait pour voir le chef de la cellule d'enquête, donc son père. Il va lui dire, mais si vous voulez, on peut appeler mon père. Mmh. C'est quand même encore un autre acte de sadisme, quand même, mine de rien. Non, je veux pas, on n'appelle pas le père, pas besoin. Ouais, mais c'est de la psychologie, mais c'est ça. Ça mais dites-moi, il existe un cahier pour ressusciter les morts ou quand tu t'es trompé ? Non. Tu t'es trompé, il y a un homonyme, merde, c'est ton voisin qui meurt et c'était l'autre que tu voulais. Alors, si tu déchires la page au bon moment. Ah ! Non, je déconne, j'en sais rien. Non, ça marche pas. Mais ça serait marrant. Même une page déchirée peut marcher, vu que par exemple. Oui, mais c'est écrit, je sais pas, la moitié du mot. Non, ça marchera quand même. Je sais pas. Ça marchera quand même, vu que si tu penses à quelqu'un d'autre. Ça a été fait dans. T'écris le nom, mais t'as pas le visage. Non, mais ça a été fait dans le manga. Quand Light va récupérer ses souvenirs, notamment. Il avait une montre sur lui et il y avait notamment un bout de nom qui était inscrit déjà. Avec notamment du sang qui était inscrit également sur la feuille. Et peu importe comment est la feuille ou dans quel état elle est, bah elle reste toujours magique. Il y a toujours ça qui est fait. Par contre, oui, je suis en train d'y penser. Il a déjà écrit le nom d'un nom qui est très célèbre au Japon. Enfin, beaucoup de gens s'appellent comme ça. Notamment un chanteur très célèbre. Et elle. Quand il va arriver au Japon, parce qu'il sait que Kira est au Japon, il va emprunter ce nom-là. C'est ça. Et Light, il dit, ouais, mais si j'écris ce nom-là... Et Light va se dire... Je vais penser au chanteur inconsciemment, c'est lui qui va mourir. C'est ça. Faire penser à O'Connor, dans Terminator. Allez, Sarah O'Connor, il y en a plein. Mais donc... Il fera pas une extermination de masse, il va pas tuer toutes les Sarah O'Connor. Non. Comme j'expliquais au début, donc Death Note commence avec une question et termine avec une question. What else ? Eh bah... Alors... Si on a une autre. C'est un peu comme notre émission. Non, ça, non, si on a un autre regard et une vision critique, j'insiste bien sur ces deux points-là, vraiment. Sur ce manga, ce qui est important, c'est est-ce que Light, au final, n'aurait pas tué les criminels pour le bien ? Non, c'est discutable. Ça dépend des intentions que tu mets derrière, encore une fois. Et c'est pour ça que j'allais dire, et c'est là où on va revenir à ce que Daniel disait au début, par rapport aux intentions, par rapport à tout. Et j'insiste bien sur un autre regard et une vision extrêmement critique. Attention. Vu que c'est quand même Alors Teddy m'a fait le... J'étais braqué avec un stylo. Voilà, braqué avec un stylo. C'est le violence. Ce qui est vachement intéressant derrière tout ça, c'est se dire, quand on doit juger des criminels, c'est-à-dire on n'est plus dans la fiction, mais on juge des criminels, en fait, qu'on ait des déboulements de personnalité, etc. C'est psychologique. On comprend que des fois, on n'y arrive pas, et en fait, on les rend irresponsables de leurs actes. Alors, ils sont condamnés à être soignés en hôpital psychiatrique, je ne sais pas, mais pénalement, c'est impossible de déterminer qui était qui avec ce dédoublement de personnalité, voire... Je dis dédoublement, mais voire plus peut-être encore plus, de, ouais, dans de, sa tête, de choses. Hein. Le clonage. Non, on n'est pas dans Naruto avec le multi-clonage. Non, mais clonage dans ta tête. Non, clonage de musique. Oh bah si tu veux, ça, c'est pas bien, de problème. La musique aussi. Bah on va pas mettre la même musique quand même, on va mettre une autre. Non, ouais. DJ Zebra, c'est ça. Oui, ouais. DJ Zebra. Oh, ça m'a surpris. Ouais, ça pète. Hein. Ouais, ça envoie. Sous le désir, sur une des stars. C'est ce que tu désires. Yeah. Pika. Pika. Pika. Pika. Pika. Bon, laisse tomber, Pikachu, je vais le faire. Pika Avenger sur Indestar, de 21h à 23h. Pika. Oh. T'aimes bien finir j'adore avec celui-là. J'adore à chaque fois Pika. Ça sera toujours le jingle Pika, Pika. Avec le bed quiz après. D'accord. Même quand je suis plus addict que la normale. Oui. Donc normal en fait. Pika. Pika. Oui, t'es Pika. Baby. Pika. Pika. Ce n'est pas un dédoublement de personnalité. Tu es tout le temps sadique. Oui. C'est vrai. En fait, je même quand tu es gentil, c'est pas tout à fait gentil. Mais ouais, en fait, je suis jamais. Mais il connaît pas le mot gentil. C'est vrai que techniquement, faire une émission où on peut être méchant et tout ça, en fait, ça ne change rien. Bah oui, t'es pareil. Non. Méfiez-vous, c'est un faux, c'est, méfiez-vous c'est, d'ailleurs si un jour à un moment il dit mais je suis gentil alors là non. Là, fuyez, c'est une carapace là, tout ça c'est donc, pas du vrai c'est là, du flan si un jour il dit qu'il est gentil en fait c'est pas le vrai c'est un faux on nous en a mis un autre c'est ça. Mais généralement quand on dit quelqu'un qu'il est gentil aussi on dit pas c'est la vérité ça. Hein. Oui. Oh, il est gentil non. Je tenais à rappeler un petit truc le bien et le mal sont une question de point de vue comme on peut dire certains c'est vrai il y a que ceux qui survivent là qui peuvent détecter. Faut avoir deux caméras dans le studio et savoir laquelle fait le bien et l'autre le mal. C'est ça. Lundi, vous m'avez entendu aussi dans Starter, hein, de 21h à 22h. On t'entend dire tous les un mot avec un accent comme Pika. Ah. Est-ce que vous en avez pas non. un Non. Non, vu que, pas vu que je le dis, j'ai été mauvaise élève, Nissan. J'ai pas écouté. Ah, Nissan ah. Oui bah, tu viens de le dire donc. Bah oui, je donne la réponse. Bon, bravo. Et oui. Nissan. Alors attends, on peut faire. Vous connaissez enfin, Pika, oui. Ça fait oui, c'est une marque de bagnole. Oui, ouais. D'accord, oui. Voilà. Et ça veut dire grand frère aussi en japonais. T'auras pas de points, mais oui. Les Nissan Qashqai. Les Nissan Qashqai. Ouais, mais bah... oui, allez. Et Onesan, c'est grande sœur. Oui, c'est vrai. Mais je connais plus de grande sœur parce que. Oui, oh, c'est bizarre. Oh oui. Oh, t'allais faire un débordement. Oui. Alors, on va commencer ce petit quiz sadique qui n'est pas du tout sadique. Il va surtout parler des méchants dans les jeux vidéo, ouais. Dans les mangas. Les méchants dans l'entreprise Nissan. Les méchants. Oh bah, l'entreprise Nissan. Non, je déconne. Oui, les méchants. Parce que souvent, quand on fait, par exemple, un jeu vidéo, il faut un méchant. Oui, pas mieux. Tout le temps, ouais. Mais souvent, il y a un méchant. Et tu vas t'acharner contre lui. Il doit être bien méchant quand même. C'est pas le petit méchant genre je t'ai coupé une fleur. Non. Mais comme dans la majorité des histoires, c'est vraiment oh bah y a pas de méchant. C'est ça. C'est nul. Ouais non mais ouais clairement. On va commencer avec Call of Duty Black Ops 2. Ouais. Wow. Ouais. Ouais c'est bon Call of. Ouais, voilà. Il y a un méchant qui m'a marqué particulièrement. Eh oui c'est moi qui décide. Je vais vous donner trois noms quand un même. Un méchant peut en marquer un autre. Ouh, c'est possible. Il y a un méchant qui m'a marqué. J'adore ce type. En vrai, je sais pas pourquoi. J'adore crier son nom partout. Mais bon, peu importe. Est-ce que c'est Yuri, Raoul Menendez ou Prince? Prince. Price. Prince. Prince. Si c'est comme Prince. C'est ah Prince. Non, il y a pas de N. Oui, c'est ah, Prince. D'accord. Alors Price à ce moment-là, Price. Si c'est le prix. Ouais. Ah, je galère avec l'anglais. Là, tu t'es vendu tout seul, d'un que tu sais pas dire déjà, donc ça craint. Ah, ça veut pas dire que je sais pas le dire. Je peux le dire n'importe comment, je m'en fous. Mm-hmm. Alors, nous avons du Raoul Menendez. Nous avons du Yuri. C'est sans le O, Yuri. Oui. Nous avons Yuri pour Thierry et Yuri pour Linda. Et ben, non, c'est bah... Raoul Menendez. Oh. Oui, vu que Yuri, il est pas dans Black Ops 2. Si, mais c'est pas un méchant. Bah, non, mais moi, c'est un gentil, mais t'en as un autre aussi, je et crois. Et il meurt d'ailleurs. Un gentil méchant. En fait, moi je croyais que c'était Teddy Menendez. Mais... parce qu'en fait, dans tout le jeu, pour mais vous situer, vous jouez un militaire, forcément américain, hein, et vous jouez Yuri. Alors oui, qui a deux origines, sans doute russe, hein, je vous le cache oui. pas. Oui, parce que ça fait penser à Gagarine, non, Yuri Gagarine, ouais. Et pas Yuri Margarine, non. Comme disent certains. Vous allez ça, courir entendu. Après un méchant qui s'appelle oui. Raoul Menendez. Je me rappelle toujours de ce cri, je sais pas pourquoi. Tu sais comment il est devenu méchant? Oui, il est méchant, mais pas de sa faute. Alors, enfin, si, mais... ça vient d'une opération que Yuri et son unité ont ratée. Et résultat, ils ont tué, c'est la sœur ou la cousine, je me rappelle sa, plus. Sa fille. C'est sa fille. Ils ont tué sa fille. Ils ont tué sa fille de Raoul Menendez. Sous ses yeux. Du coup, il va un peu se venger, donc, tu vois. Donc, moralité, bah, il va vouloir se venger. Donc, t'as Yuri, Price qui font non. partie de la même unité. Price, c'est la série Modern Warfare. Il est aussi dedans. Parce que tu le joues à la fin. Pas dans Black Ops. Je t'assure que si. Avec trois noms qui c'est sonnent Mason. Trois continents différents. Ouais. Oui, ah, mais Mason du coup, tu joues Yuri pendant tout le jeu. Ah oui, Mason peut-être. Price non, si, il y a Price aussi. C'est Captain bah, si, Price. Je ne connais pas d'autres. Et c'est Captain Price. Peut-être. mais du coup, tu joues Yuri jusqu'à la fin ou tu joues plus Yuri. Yuri, tu vois enfin ton personnage à quoi il ressemblait en vrai et tu le vois se faire buter aussi. Super. C'est pas cool. Mais bon, tu butes le méchant à la fin parce que, bah, fuck, hein, tu tues toujours le méchant. C'est ça, t'as plusieurs fins. Le méchant, c'est pas grave si tu le tues. C'est ça, c'est pardonnable. Oui. Maintenant, on va aller du côté de Star Wars. Ah. Alors là, ça va peut-être parler un peu plus. On aura bientôt une émission au thème Star Wars. On aura une émission ça avec le thème Star Wars. Pour la question d'avant. C'est... Ça n'a pas mis de points pour la question d'avant, mais bon, c'est facile parce qu'il n'y a que toi. Oui. Je vais juste faire une parenthèse. Si on n'a pas parlé de Star Wars, justement, avec les méchants, c'est parce que il y aura une émission. Une émission spéciale bah, la dernière de l'année bah, sera. Moi, je vais une le faire quand même parce que j'en ai rien à foutre. Oui. Enfoiré. Il y a des seigneurs Sith, donc les grands méchants de Star Wars. Il y a les Jedi, souvent, qui sont représentés très bien. Ils prennent leur revanche à un moment. Oui. Première revanche, notamment. C'est le nom de l'épisode 3. Les seigneurs Sith. Il y a un seigneur Sith qui s'appelle Dark Maul. Il est rouge avec des cornes un ah peu oui, partout. Ah oui, celui qui a un double bâton. Un alien. Oui. Double bâton. C'est un seul bâton. Il y en a qu'on double sabre. Double sabre, ça va. Oui, parce que c'est un seul bâton. Mais bon. Il est issu d'un peuple, hein, d'une race, je ne sais plus le nom. J'aimerais le nom du deuxième seigneur Sith. Et non, c'est pas le nom de la race que je veux. Oui, mais j'allais mettre, le nom de la race. Tu vas trop vite, toi, là. En fait, il y a un deuxième seigneur Sith qui est de la même race que lui, qui apparaît notamment dans Clone Wars. Comment il s'appelle, lui ? T'as des propositions, hein ? Ah, c'est ça que t'attendais ? Oui, c'est ça que j'attendais. T'es une des meilleures. Oh, non. T'es sérieux ? Oui, oh, vraiment. Bah, feuille blanche, hein. Non, bah, bon, en question, je connais pas Clone Wars. S'il y a une erreur de nom, de bah, d'écriture dedans. Je verrai. Je ferai en fonction de ce que j'aime. Linda, c'est pareil, si t'écris un truc qui me plaît, je sais pas. Écris pas trop de conneries, non plus. Ah, c'est bien, c'est bien. Kevin va mériter son point parce qu'il a fait une faute d'orthographe, mais à part ça, ça... Non, je rigole. Faut lui demander de lire. Et bon, si votre réponse me plaît, en vrai, moi je m'en fous. Si vous mettez Macron, par exemple. T'as parlé des femmes méchantes quand je suis gentil. Ok. Pour la petite anecdote, il y a une femme qui fait partie du. Des sites. Elle s'appelle pas Linda. Alors non, tu viens de la même planète que Dark Maul, qui est Asajj Ventress, qu'on voit également oui. dans Clone Wars. Parce que c'est un peuple qui est divisé en deux entre guillemets. Les frères de la nuit et les sœurs de la nuit. C'est ça. On peut pas faire plus simple. Thierry, t'as écrit quoi ? Page blanche. Ah, pas d'inspi. C'est moche. Hein. Linda, t'as écrit quoi ? Fraise rose. Bah t'as dit écrit n'importe quoi, elle a écrit n'importe quoi. Bah oui. Ah. Bah ma foi t'as dit si c'est nul, si ça me plaît, ça un passe. Un méchant qui s'appelle Fraise Rose, vraiment non, mais... Bah là c'est une méchante. Thomas t'en penses quoi là? Ça passe? Ouais, rouge, c'est mieux hein. Non, mais j'avais envie de qu'elle soit rose. Mais il a dit que ça passait Linda, pas. Ça passe hein. Par contre Linda... Pourquoi c'est lui ton juge? C'est toi qui dois être ton juge toi-même. Ça fait deux fois que tu lui demandes son avis à lui. Parce qu'il est neutre, Thomas. Après c'est pas ouais, pour c'est donner ça, ouais. Linda, c'est pas pour rappeler un fait qu'on pourra réécouter au podcast. Mais il t'a donné un point comme ça. Ouais, c'est vrai. Et j'ai donné un point à Daniel là, parce qu'il a écrit Linda sur son ardoise et je trouve que... C'est nul, bouh. Tu ferais peut-être une excellente méchante dans Donc pour la prochaine question, j'écris Linda. Non, mais arrêtez. Ah, la main de vanne ne marche pas deux fois. Non. Mais bon, sait-on jamais. Chez moi, si. La deuxième, j'ai un peu pensé à toi, dans le sens où... Peut-être donner la réponse de l'autre question. C'est de la traduction. Ah oui, c'est la réponse. Ah ouais, ça serait pas mal. Il s'appelle Savage Opress. Mon dieu, voilà. Et t'avais marqué ça, toi ? C'est le frère de Dark Maul. D'accord. C'est ça. Enfin, frère. Si, frère c'est le frère. Il lui ressemble. Si, son frère. Si, c'est son frère. Il est pareil, il est rouge. Il est plus balèze, ouais. Il est marron. Il est même jaune. Ouais, marron jaune. Il a des cornes aussi ? Ils ont tous des cornes. Il a un double sabre aussi ? Alors, justement, c'est ça que j'avais noté au début. Pas de double sabre. D'accord. Si. Non, il a deux sabres. Non, il a un double sabre. Savage aussi. M'en rappelle plus. Vu que justement c'est Maul qui a le sabre simple et Savage qui a le double. Vu qu'après il récupère le sabre noir Maul. C'est Savage quoi déjà ? Comme j'étais quoi au plat. Ah, okay. Passons à la troisième si, question. Double sabre. Ouais non mais je m'en rappelle plus. Hein, j'ai dit. Je pensais l'avoir vu avec. C'est d'autres pas trucs. La quatrième déjà ? Non c'est non, la troisième. C'est, la troisième. C'est une définition de japonais. Aïe aïe aïe. Ah. Mais assez simple. Ah. Je veux que vous me traduisiez, grosso modo. Je veux, non, mais appuie quoi encore ? J'exige ! Je veux, j'ordonne ! J'exige et j'aurai. Oui. Ça tirant va. Exactement. Ça vaut presque un point. Ah ! Mais il a dit presque. On flatte pas le. Pas à chaque fois, après ça va devenir automatique, elle va être pire que nous. Oui. Que signifie les deux mots, hein, parce que c'est deux mots. Aka, Inu. C'est du japonais. C'est des mots assez courants en vrai. Ah bah oui, je l'emploie très souvent. Aka et nous, ça c'est très courant. Je peux vous donner un indice sur un des mots. Je l'ai imité dans cette soirée. C'est une personne ? C'est quoi ? C'est pas des personnes. C'est le nom d'un personnage, c'est le nom de, d'un des méchants dans One Piece. Donc ça, cherchez pas, ça vous donnera pas vraiment d'indice. C'est un amiral de la marine, parce que dans One Piece c'est un pirate, hein, c'est l'histoire d'un pirate. Excellent. C'est l'histoire d'un pirate qui va forcément chercher des trésors et tout ça. Et la marine, la police, hein, grosso modo des mers, va tenter de les empêcher, tenter de faire régner l'ordre, hein, tout simplement. Et dedans, t'as un amiral. C'est un méchant parmi les gentils, j'ai envie de dire. Il s'appelle Aka Inu. Si vous voulez, il y en a un autre amiral, ça peut vous donner un indice. Il s'appelle Ao Kiji. Alors, normalement, c'est en un seul mot quand il s'appelle, mais en fait, faut les décomposer pour comprendre. Ao Kiji. C'est ce qu'on appelle des kanji au Japon. C'est ce qu'on appelle des kanji, ça correspond à des choses. Pour vous donner un indice, là, ils sont l'un des deux, de ça correspond à une couleur et l'autre à un animal. Oui, mais quand tu dis Ao, justement, je me rappelle par rapport au bleu et au vert, on avait. Bonne chance. Il maîtrise la glace, si tu veux savoir, cet amiral-là. Ouais. L'autre, il maîtrise le magma. Et l'autre, c'est Borsalino, je sais plus comment. Mais lui, il est à part parce qu'il s'est inspiré d'un gars qui existe vraiment pour l'appeler. Voilà. Et il maîtrise la lumière. Voilà. Nous avons Bleu Océan pour Linda, pour Aka Inu, vraiment. Papillon noir, pavillon non, noir. Pavillon noir de pirate. Alors que c'est un amiral. Ah oui, il y a un amiral, si on n'est pas d'autres pirates. Hein. Enfin, chez moi. T'es si mauvais que ça. Nuage bleu. Cloud. Blue cloud. Non, je sais pas. Non, Aka Inu, Aka, c'est rouge. Ao. Ao, c'est bleu. Ah bah oui, merde, attends, j'ai mélangé les deux. Ouais, ah ouais, Aka, Akatsuki. Et Inu, Aka, ça veut dire chien. C'est pour ça. Inu, ça veut dire chien. Putain, on est loin. Hein. Ouais. Je trouvais que c'était ça. Quoi, Thierry, pour ça. Moi, je suis Dieu. J'ai pensé que c'était je suis quelque chose. Okay. Je t'avoue que je suis Dieu. Je suis pas loin, pavillon noir. Mais je pensais, tu vois, je me disais si c'est je suis, c'est je suis Dieu, je suis le roi. Je pense à quelqu'un qui s'autoproclame. Parce qu'on est dans les tyrans. Alors, chef, tu peux faire une réclamation ? C'était la quatrième question, c'est ça ? Non, la troisième. Non, c'était la quatrième. Non, c'est la troisième. Troisième. Non, c'est bien, troisième. Pardon. Attends, t'as fait call off. Le site, et c'est tout. Ah ouais? Bah ouais, faut suivre. Ça fait que deux? Bah ouais. Alors, on va partir dans Pokémon. Bah oui, pour moi, il y en avait une. Attention, autre. On va retourner aux sources. Non, il n'y en a pas d'autres. J'en suis sûr qu'il n'y en a pas d'autres. On est fatigué, on enchaîne. Dans Pokémon, il y a la Team Rocket. Ouais. On en a parlé tout à l'heure. Jesse, James et Meowth en font partie. Mm-hmm. Mais ce ne sont pas les boss de la Team Rocket. Enfin, le boss en tout cas. Parce que oui, il y a un boss. Oui. Un grand Manitou. Comment il s'appelle? C'est facile. Lancelot. Comment il s'appelle? Non, il n'y a pas d'exemple si vous voulez. C'est un nom italien. C'est un nom courant en Italie. J'ai mis le nom du boss et son Pokémon. Oui. Je m'en doutais que tu le savais. T'as fait une faute quand même. Hein. Alors moi je sais qu'il l'appelle des fois comme ça. Je veux son vrai nom. Hein. Je sais pas toi. Oh. Oh, bah, attends. Moi j'ai déjà donné la réponse. Et je peux te dire c'est pas ça. Attends, ça c'est une connerie, rassure-moi. Mais je sais pas. Tu m'as dit Italie. Je peux te dire, c'est pas c'est ça. C'est même pas italien. Mais c'est si, pas ça. C'est Léonard de Vinci, c'est doux. C'est Léonard. Ah oui, Leonardo. J'adore celui-là. Thierry. Mafiosi. Alors, nous avons une tortue ninja, nous avons Mafiosi, nous avons le chef et nous avons Giovanni. Bah, c'est vrai, c'est le chef aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais. Tu peux pas dire le contraire. Il l'appelle des fois le chef. J'aime bien la tortue ninja. Giovanni Panzani, c'est ça. C'est Giovanni. C'est Giovanni. Le chef Panzani. Sans déconner. Oui, ouais, c'est avec vraiment son Giovanni. C'est Giovanni. Donc, ça avec veut dire que le chef, ça doit être la traduction de Giovanni, non? C'est ce qu'a mis Daniel. Non, je sais que des fois, il l'appelle le chef dedans, c'est pour ça. Oui, bah le boss même, il l'appelle. En ouais, théorie, boss. Boss. Mais oui, il s'appelle Giovanni, et effectivement... Oui, c'est vrai, c'est bon, Giovanni. Il a toujours un persian sur pas, ses genoux. Ouais, non, mais t'as vu, c'est un salaud, il nous a défavorisé volontairement. C'est une référence que le gars a fait, enfin, que le créateur de Pokémon a fait à la mafia italienne, parce que c'était une des mafias la les mafia. Plus... Mafiosi, c'était pas loin. C'est vrai, t'étais pas loin. Je le dis, c'est entre le chef et Mafiosi, à mon avis, ça se complète. Attends, vous en êtes à combien? Allez. Ah non, mais je réclame pas toi, c'est que je me dis, j'aimerais bien savoir, ne serait-ce que si Giovanni correspond pas à chef, enfin voilà. Qu'est-ce que ça veut alors dire Giovanni? Alors, tu prends une race? Exactement. Bonne question. Voilà. Mais par contre... pendant que tu poses la question, nous allons chercher. Linda, la dernière question, c'est pour toi. Ah, Kevin va trouver la bonne réponse. Mais d'accord. Toi, si tu la trouves, t'as 5 points. C'est quoi Starman? Et toi, tu la connais, cette réponse? Ah bon ? Mieux que quiconque ici. Ça, c'est de l'arnaque, ça. Ouais, non, mais comme d'hab. Sur quel sujet est-ce ? C'est ça, le truc ? Enfoiré. Ouais, je suis d'accord. Quel objet électroménager ? Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois une femme, attention. Ouais, genre. Précise. Genre. Non, non, c'est pas... Non, je t'assure que tu vas comprendre pourquoi. Quel objet électroménager porte le même nom qu'un méchant blanc et violet ? C'est un genre d'alien. Bon, alors, machine à café, machine à laver, laver... Ça vient d'un manga. Animé, voilà. Toi, Linda, si tu trouves pas, je te jure... J'ai mis un truc, mais j'en suis pas certaine. Ouais, vas-y, fais un... Merde, putain, j'ai un trou. Tu recommences. Ah, j'ai un trou. Je suis loin ou pas? Je suis loin. Oui. Oh, merde, putain. Faut penser au froid. Toi, Kevin, si tu trouves pas aussi, t'as moins 10 points. Ah, j'ai trouvé. Bah oui, Daniel, j'ai trouvé. Franchement. Attends. Comment les couleurs, tu disais? C'est pas une couleur. Non, mais de la... Il est blanc et violet. Blanc et violet. Ouais, sur sa forme finale, parce qu'il change 3 ou 4 fois de forme. Oui, c'est ça, Daniel. T'as tout compris. De quoi qui est blanc et violet? Le méchant. Ah oui. L'alien. Pas le... Il est dans un manga célèbre que Linda déteste particulièrement. Je pense que c'est le manga qui doit te sortir par les yeux. Tu parles de froid, moi. T'es pas loin. Tu y es presque, Thierry. Tu y es presque. Mais c'est pas frigo. Moi aussi, pas... j'avais marqué frigo, c'est facile, mais ouais. Non, c'est pas... J'allais dire, c'est pas congélo. C'est pas frigo, c'est congélo. El frigo, el congélo. Ah, je sais, ça y est. Mais oui, tu sais. Putain, j'aurais pas du tout fait pour 4 roues. Je sais pas si c'est écrit comme ça, par contre. Mais si, c'est... enfin, il y a un 2 E, mais bon, voilà. Bon, moi, je cherche Giovanni. Ça y est, c'est le nom anglais du frigo, Thierry. Bah, fridge. Non. Alors non, c'est pas le nom anglais. C'est la partie supérieure. C'est un truc qui refroidit vite que le frigo. C'est ça. Ça congèle, ça. Non, ça s'appelle comme ça. On l'a pratiquement. C'est quoi le truc où on met les glaçons, hein ? Ouais. On l'a pratiquement plus dans les frigos modernes. Un freezer. Voilà. Un freezer. Donc un freezer. Pour ton info, oui. Il a pas 3 formes. Il en a beaucoup plus. Hein. Oui, après, mais normalement, de base, j'ai dit 4 déjà pour commencer. Et oui, de base, il y en a 4. J'étais parti. Après, oui, ça change. Il a la première forme, on le voit de base. Oui. La deuxième, où il est en grand. La troisième. Où il a son espèce de concombre derrière la tête. La quatrième, où il est en forme de base après plus tard. Et la puissance max. Ça fait 5. La puissance max, pour moi, c'est la même forme en vrai. Alors, c'est non, juste c'est qu'il est plus même. Gros. J'étais parti après, sur des Pokémon, moi, en vrai, non. Dans ma tête. Hein. Et après, on peut rajouter parce la Golden. Parce que toi, t'es fan de Pokémon. J'étais pas parti sur un truc. Mais un truc que toi, tu connais forcément. Le truc. Ton mari est fan. Il me saoule avec ça. Voilà. Ouais. J'ai pas du tout donné d'indice, on est d'accord. Ton mari est un glaçon. Non, mais il passe son temps à jouer sur ce jeu maudit. Je comprends rien, cette émission. Alors, toi, t'as 2 points. Oh, Pellari fait les points. Bon, Giovanni, c'est l'équivalent de Jean, voilà ce que j'ai trouvé. C'est après. C'est nul pas, C'est bon. Ça. T'es un grand méchant et tu t'appelles Jean. Ouais. Ouais, t'as raté ta vie. Contre moi, je trouve qu'il y a une arnaque. Au niveau des points, oui. Oui, non, mais. Nous avons Daniel l'habitude. Qui est dernier, avec 4 points. Ah ? Ouais. C'est de l'arnaque ? Ah, mais non, c'est le nous avons le Kevin. De toute façon, on s'est fait voler. Avec 4 ou 3 points, ça dépend. Je suis pour rien, moi. Si j'ai envie, je mets 3 points. Non, oui, c'est pas toi, oui. Nous avons Thierry avec 5 points. Non, mais. Et il sait pas comment il a eu 5 points, mais. Non, mais ouais, honnêtement. Moi, je sais pas comment j'en honnêtement, déjà. Va falloir qu'on m'explique le principe du quiz. C'est quoi ? C'est on joue pour des questions, on joue pendant toute l'émission pour essayer de gagner. Alors du là, ce soir, vous jouez pour m'amuser surtout. Ils jouent surtout pour nous faire perdre. En gros, moralité, on se fait baiser. Oui, ouais. Moi et Daniel, vu qu'on a répondu à quasiment tout quand même. Ouais, c'est ça, le pire. Toi. Les meilleurs sont perdants. Le pire, c'est que moi j'ai eu 5 points non, comme ça. Non, c'est vraiment c'est scandaleux points, ce jeu. Et tu as gagné. Voilà. Mais honnêtement, semaine prochaine, me prévois même pas. Vu que ça sert à rien, vu qu'au final on se fait baiser. Ah, il aime pas perdre, hein. La semaine prochaine, je serai pas sadique. Non mais non, c'est spécial pas... ce soir. C'est pas que j'aime pas faire. C'est vrai que ça se reproduit un peu toutes les semaines. Mais toutes les semaines, c'est ça, je me fais baiser. Ouais, non mais c'est et ça. Et ouais. Je gagne non, pas mais... d'habitude hein. Oui, bah d'habitude, je fais tout le temps la course en tête et je me fais baiser à la dernière. Donc j'en ai un peu marre quoi. Donc semaine prochaine, me prévois. Comment après, t'es mauvais que... perdant. C'est vrai que t'es pas je bouge sur Freezer. Honnêtement, Linda, j'en ai ras le cul depuis le début, c'est comme ça. J'en ai juste marre là. Semaine prochaine, tu me prévois pas pour le quiz. Je te le dis. Mais c'est vrai que t'as fait pas jouer sur Freezer quand même. C'est vrai, là, Kevin, ouais. Non, mais là j'en ai marre. Ouais, ça s'entend. Honnêtement, on me prévoit pas, c'est bon. Bah écoute. Est-ce que tu veux écouter de la musique à la place ? Ouais, ça va le détendre. Ça va pas me détendre. Ah oui ! On avait un karaoké. On avait un karaoké à se faire, ouais. On va faire un karaoké. Il faut qu'on chante, ça va détendre l'atmosphère. Oui. Alors, ça détendra rien, honnêtement. On va écouter quand même un petit morceau de musique avant. On va écouter Nina Attal avec son titre Breath. Parce qu'il faut respirer un petit peu. Respire, Kevin. Ça va bien se passer. Passe le niveau 2 sur Indestar le jeudi soir dès 21h. PK Avenger, level 2. You win. Oui, on est de retour sur Indestar. On a pas wheelé beaucoup finalement là. Ouais. Ah, c'est ça. Je suis désolé de vous annoncer, on avait promis un karaoké ce soir. Oui. T'avais même préparé une chanson. Oui. Nous avait tout préparé ça bien. Comment s'appelle cette chanson ? C'était la chanson Les Dalton de Joe Dassin. Alors je suis désolé d'écorner l'image un peu glamour de Joe Dassin. On l'aurait massacré de toute façon. Mais Tagada, c'était les Dalton. C'est ce que j'allais te poser comme question, ouais. Daniel, justement, c'était elle où t'avais le refrain Tagada, voilà c'est les Dalton. C'est celle-là, justement. Et malheureusement. Je ne peux pas la lancer sur mon PC. Voilà. Ah merde. Ça ne marche point. Ouais. Déjà que j'ai un PC qui n'a plus de connexion internet, mais ça, c'est un autre détail. C'est un autre détail, ouais. On va voir ce qu'on peut faire pour les prochaines émissions, parce que là, oui, effectivement, on est emmerdé, on ne pourra plus faire de karaoké ou de blind test ou quoi que ce soit. Non, tant que c'est pas réparé. On va réparer ça d'ici oui, là. Bah oui, d'ici là, ça devrait être. On a Yann, notre super technicien, qui va venir. Ouais. Oui, je l'espère en tout cas. En attendant, nous on va se retrouver lundi prochain. Starter. Oui. On va te retrouver toi dans Starter. Oui, c'est ça. Si c'est ça que tu cherchais. Lundi de 21h à 22h. Je sais même plus de quoi on va parler. D'un truc. Attends, mais... je vais voir. Ah, il va voir. Ils vont parler de voitures. Oui. Ah, l'émergence des deux roues. Les quoi ? L'émergence des deux roues et dans le garage, c'est la Subaru Impreza. Je crois qu'on a changé de sujet. Ah bah voilà. Ça s'est fait évidemment. Lundi soir. Ça. Bah on est que deux. Donc oui, effectivement. Ça on peut est... aller vite. Ouais, ça va aller deux pour les deux roues. Et la spéciale bateau, vous venez de la faire, c'est ça ? Non, on doit la faire plus tard. On l'a pas fait encore, non, la spéciale bateau. Ça va venir, ça va venir. C'est la fin du mois. Ouais, ça sera un vendredi celle-là, comme toutes nos spéciales. Voilà. Mercredi. Spécial, comme dirait Ralph Wiggum. Oui, ouais, dans les Simpsons. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, Ralph, oui, c'est dans les Simpsons, oui. C'est mieux. Mercredi, il y a Actu Solite. Oui. Cette semaine, ils sont partis avec Kit. Oui. Vous connaissez K2000 ? Oui. David Hasselhoff. Je regardais quand j'étais petit. Oui. Regarde maintenant, tu vas voir son jeu d'acteur qui est dégueulasse. Honnêtement, je passe. Je préfère regarder les souvenirs de quand j'étais petit. Il a mal vieilli, je crois. Ouais, clairement. L'alcool, c'est pas bien, l'alcool. Les remakes des anciennes séries, ça va à une vitesse. Ah, mais même pas besoin de remake. Hein. Il joue très mal, le gars. Après, la série est plutôt sympa. Là, ils partent. Ça répète. Doom ? Oui. Non. Sans déconner. Si. Vraiment ? Eh ben. Actu Solite, ils vont. Doom ? Ça, c'est Théo, ça. Si c'est ce que je crois, il nous pique un petit peu. Ça va être là, la folie complète aussi. Là, Ouais, mais il a écrit tout un truc sur ça. Ça va être un carnage. Ouais, c'est ça. Et oui, ils sont sur nos plates-bandes là. Ben oui, totalement. Doom, c'est chez nous, c'est de la pop culture, c'est du jeu. C'est qu'un jeu ou. Non, mais il va falloir qu'on manifeste là. Bien sûr. T'as tellement de trucs à côté pour Doom. Doom, c'est pas l'affichage avec un diable ou je sais pas quoi. Doom, c'est un jeu de carnage. Ouais, ça a de la tuerie. Pour moi, c'est comme Gears of War en fait. Ça a dépassé le simple statut de jeu. Oui, c'est vrai. C'est des sagas qui ont tellement dépassé. Bah tu sais quoi, mercredi prochain, j'y serai. On va voir toi, ce qui tu squattes, ça fait deux avec mercredis piquets, quoi. C'est ça. Hein oui, avec nos piquets, rendez-nous notre projet. Faut peut-être des fois remettre les choses dans l'ordre parce que j'ai écouté des extraits de l'émission d'hier et Théo s'est un peu planté dans son questionnaire. Quand il est remonté pour faire ses réparations en 83 au niveau du système électrique électronique avec Bonnie, il a fait des erreurs. Donc je lui ai dit, alors j'espère qu'il va justement passer le message. Ah ouais, parce qu'ils avaient beaucoup de maths la semaine dernière. C'était pas pour moi donc. Bah hier. C'était des maths faciles, ils en sont sortis. Hein. Ils ont eu tout bon sur les maths en vrai. Bien, bien, bien. Pas sur les questions théoriques d'électronique. Ça, par contre, c'était moyen. Mais ça, ils repasseront, c'est ça ? Oui, clairement. Mais bon. Ils s'en sont sortis. Est-ce qu'ils vont s'en sortir cette fois-ci avec Doom ? J'ai hâte de voir ça. Alors, honnêtement, j'en doute, mais bon. On verra bien. Ça y est, c'est bon, on commence. Nous, en tout cas, on va se retrouver aussi jeudi prochain. Oui. 21h, 23h. 23h. 23h30, souvent. Ouais. Oui. Alors, sauf là. Sauf ce soir. On a quoi comme thème jeudi prochain ? Alors, on avait une émission qui avait été décalée pour cause COVID. À cause de moi. Non, pas à cause de toi. L'avais remise pour que je puisse participer, rappelle-toi. C'est ça, c'était pour cause... les animaux ? Oui. C'est ça, on a les animaux. Oui. Je voulais faire quoi ? Je sais plus, mais je veux faire... Je serai un truc. Ah oui, clairement. Un truc. Ouais, au pire, ça passe mieux. Je vais être là, moi, les animaux, c'est cool. C'est top. Et j'espère que vous serez là aussi. T'arrives à dire les animaux, tu dis pas les animaux ? Ça colle pas. J'avoue, quoi. Ça colle pas les animaux. C'est vrai que la remarque est très judicieuse. Ouais, elle est pas très pertinente. Ça tacle encore à ce temps-là. Hein, j'ai envie de dire. Je peux dire des bocals. C'est trop tard pour un déploiement. Ah, on saigne des oreilles. Alors, au lieu de laisser ça, moi je propose qu'on vous laisse en musique pour éviter les débats inutiles. Ouais. Et en plus, un truc en hal, regarde. C'est ça qui est écrit, non ? Non. Les bails ? Non. Ah non, vous l'avez pas. Non, du coup, le conducteur n'est plus valable. Voilà. C'est dommage parce que c'était un truc en hal. Est-ce que Nina Attal au pluriel, ça fait Nina Atto ? Alors là, ce sera Caleb Haït. Ouais, c'est pas mal, ouais. avec Enemy. Oui, le titre ennemi de Kalen Hai. Sur Indestar, évidemment. Oui. En attendant, nous, on se dit à jeudi prochain. Oui, bon week-end. Des gros bisous. Salut. On vous embrasse. Sayonara. Vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.